croise, rien peut. Si tu me parles, rien peut. Si tu me touches, rien peut. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu sur Skyrock, c'était le son de Soprano, le Marseillais, Sopra sur Sky. Skyrock, Romano. Non mais attends, j'ai une oreille bouchée, j'entends pas, attends, je me tourne. Difool. Ça reste Difool, le leader. Le leader. Bah. Cédric. Bah, c'est Marc, moi je m'appelle Marc, du trou. Hein? Je vais venir te voir. Ah non, non, non. Allô? Marie. Je sais pas, moi j'ai eu plein de mecs qui étaient fermés là-dessus, et une fois qu'ils avaient essayé, ils étaient fous du truc. Hein. Ah bah après, ils étaient bien ouverts, oui. Ça. Samy. Et quand ils partent, tu dis, mais elle suce bien quand même. Non, c'est horrible. Et Karim. Vite, vite, une bière avant que ça recommence. Difool Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et c'est parti sur Skyrock en direct, 21h minuit, Radio Libre. Ouais. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Oh là, mais l'équipe va bien, dites donc. Coucou. Coucou la Marie. Salut, salut Karim. Salut Romano. Salut, salut. Salut Samy. Salut. Allez, lâche ton téléphone deux minutes, Samy, t'es au téléphone avec qui? Avec Cédric le Belge, je sais pas si vous connaissez. Ah, ce con. Mais qu'est-ce que tu fais au téléphone avec lui? Il essaye d'arriver avec un seul bras, tu vois, mais il galère un peu. Ah, il va venir nous voir ce soir. Mais il arrive dans pas longtemps. Ah, Cédric, de retour ce soir pour la Radio Libre et les dernières nouvelles de sa clavicule. Il est par une femme, il est tout fier, il me dit. Ah ouais, c'est bien. Bah, pour une fois qu'il y a quelqu'un, une femme qui s'occupe de lui. Elle a bien du courage. Il a fallu qu'il se casse la clavicule, Romano, t'as vu? Mais bon courage à cette demoiselle. Exactement. On est de tout cœur avec lui. Mais oui, c'est clair. Ouais, il arrive. Bon, bah, Cédric, de retour ce soir pour lui laisser vos messages. Vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez. De retour avec sa clavicule cassée et ses queues cassées. On aura donc des nouvelles bien en direct et en live dans le studio. Ça fait plaisir. Il y en a plein qui nous demandaient. Regardez comme Romano est content. Il en vomit de joie tellement il est heureux. Oh, chef. C'est le vomi de l'émotion. Hein. Ah, bah c'est ça. De trop bonheur. D'émotion. Cédric le revenant nous dit Elvan et Forever. Tiens, salut à ceux qui nous laissent des messages déjà. Bonjour à Kelvin. Salut Kelvin. Salut à Zina. On te fait une grosse bise, Zina. Il y a Ayat qui nous salue. Bonjour Ayat. Laura qui nous fait un gros bisou. On salue Vazel. Ah, Vassel Manon, c'est ton pseudo entier, et même ton nom de famille, dis donc. Salut Manon, gros bisous à toi. Bon, vous nous laissez vos messages, vous avez vu, ça arrive directement dans le studio si vous voulez passer dans l'émission. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez réagir sur ce qui va se dire ce soir, ce dont on va parler ce soir, n'hésitez pas. C'est ouvert, 41-759, la piste Skyrock, tous les réseaux sociaux, ça marche, et puis le 01-53-40-30-20 pour nous appeler de toute la France. Tout le monde a passé un bon week-end, t'as fait quoi ce week-end, Marie? Moi, j'étais à Tours d'ailleurs, et il faut que je salue Vincent et Mitsuki, je crois. Mitsubishi. Non, je sais plus. Non, pas du tout. J'étais dans un resto, le cappuccino, Place Plume. Ah, t'as picolé, quoi. D'accord, okay. Ouais, un petit peu. Et en fait, j'ai rencontré. La petite citation pour le prochain repas. Non. Parce qu'ils bossent tous les deux là-bas. Et Vincent, direct, m'a parlé de ton tarin parce qu'il a un tarin. Attends, j'ai une photo. Non, mais c'est bon, ça va. Je suis pas le représentant des nés de toute la France. Si t'avais un nez plus gros que lui. Ah, il a un gros nez, oui. Ah, lui, je lui ai dit que c'était à peu près pareil. Ah, non, il a un gros nez. Le bordel. Il a un gros nez, Romano. Regarde. Oh là, ça, c'est du nez. Un peu la même forme. Salut Vincent. Plus normal que il nous écoute depuis longtemps, donc on vous salue tous les deux. Attention, il y a un clash entre Romano. Il y a un clash de la drague, donc faut bien parler de l'arbitre d'Ifoul, tu sais. Il y a une très belle moustache, entre mon pote. Bon, bah salut au moustachu de Marie, alors. Ouais, ça va, toi, il a demandé par rapport à toi, mais moi, à chaque fois que quelqu'un me parle de quelqu'un de l'équipe, on me dit toujours, mais Romano, c'est vrai qu'il est sale. Ouais, pareil, ouais. Tout le temps, en gros. C'est vrai qu'il est sale. Ouais, pourquoi sale? Parce que tu, je sais pas, ils ont cette image de toi. Non, et aussi, Marie, elle est vraiment bonne, non? Ouais, aussi, Marie, elle est vraiment bonne. Après, ils disent, ah, je la baisse. Bah, la réponse aux deux questions est oui. C'est vrai, c'est clair. Ah, sale, moi, ah, ça, il faut bien le préciser. Ça dépend, ça dépend. Bon, bah, en tout cas, une équipe d'attaque. Vous tous aussi, vous êtes d'attaque ce soir. On va tout déchirer jusqu'à minuit. Si vous avez un truc à nous dire, vous profitez. Ou un petit service à demander, vous profitez aussi. On va prendre des nouvelles de ceux qui sont passés dans l'émission et de celles qui sont passées dans l'émission. Ouais. Il y a quelques temps, pour faire notre service après-vente régulier. On devait avoir aujourd'hui la réaction de Mounir et la story de Mounir après le petit déjeuner avec les parents racistes de sa meuf, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est même pas un petit déjeuner, c'était un déjeuner. Ouais, un déjeuner avec les parents de sa meuf, on prendra des nouvelles, c'est le papa qui était. Ouais, c'est surtout son père. On l'a eu jeudi dernier dans l'émission. Et ben on va voir comment ça s'est passé, voir si nos conseils ont été bons. On aura également des nouvelles de Samir. Ah ouais, Samir, c'est le gars super romantique qu'on avait eu il y a 15 jours qui voulait demander sa meuf en mariage. Ah oui, Samir, 25 ans de Toulon, je sais pas si vous vous rappelez. Bah ouais. Si. Pour son anniversaire on avait donné des conseils de folie ce jour-là. Ah bah c'est clair, des romantiques nés. Je pense que ça a été magnifique. Ah bah j'espère qu'elle a dit oui. Sa demande en mariage, on va savoir comment il a demandé ça. Et puis Et puis tout à l'heure, on va parler des pires trucs que vous avez fait à vos parents. Quel est le... Réfléchissez, vous pouvez nous dire dès maintenant. Hein. Quel est le pire truc que vous avez fait subir à vos parents? Dites-nous au 41-759 sur l'appli Skyrock. Ce sera pour aider Nathan, je crois qu'on aura au téléphone d'ici quelques instants. Ouais. Le pire truc que vous avez fait à ton daron ou à votre daronne. Romano, c'est quand tu es né, je crois, puis ta mère a pleuré. Oui, il y a ça. Oui. Et après, en général, eu... pourtant, c'est un bon moment pour les mamans. Quand non, mais bon, quand elles sont. Ouais. C'est vrai qu'un gosse, quand ça sort, c'est hideux. Bah, ça dépend. Moi, j'étais très mal, bon. Ça dépend. Et bah moi j'étais particulièrement hideux, tout plissé, la gueule allongée, ce qui m'avait tiré avec des pinces que je voulais pas sortir. Oui, Romano voulait rester à l'intérieur parce qu'il avait de la bouffe gratuite déjà. Donc j'avais la gueule allongée comme une pilule. Oui. tu devais être beau, dis donc. Et la gueule avec plein de cheveux. Ah ouais, extraterrestre. Et j'ai été et ma mère elle fait "Oh mon dieu, qu'il est laid." Et l'infirmière elle je suis pou la sage-femme. Mais oui, mais c'est votre fils. Elle lui dit "Mais non, mais c'est normal, il vient de sortir quoi, en gros, c'était normal, je venais de sortir quoi." Après t'as remodelé le visage. Ouais, après bon, elle m'a mis 2-3 calottes pour redresser un peu la gueule et ça allait mieux. Alors le pire truc que vous avez fait à vos parents, vous pouvez nous dire sur le 41-759 sur l'appli Skyrock. J'ai massacré l'ordinateur de mon père, 4 ans de thèse de mon père parti en fumée. Oh là là, il fallait qu'il sauvegarde ton daron, c'est le cap qui nous laisse le message. Moi j'ai rayé une voiture, la voiture de mes parents, à 10 piges. Zach de Avignon, 17 ans, qui nous laisse le message. Forever nous envoie un message aussi, il nous dit j'ai perdu les clés de la voiture et il n'y avait pas de double. Ça c'est relou. Comment tu fais dans ces cas-là? Tu vas au garage? C'est comme une maison, ils te changent la serrure. C'est ça, mais ça coûte cher. Et ça coûte bien cher. Bien cher, c'est vrai. Moi j'ai ramené les keufs à la maison. Tiens, dis-nous pourquoi t'as ramené les keufs à la maison. Critical Jack. Salut Critical Jack. Bienvenue à toi, Critical Jack. J'ai sauté. C'était ta meuf à la maison. Ah oui. Ah, les parents ils aiment pas ça non plus. Hein. Il y a le masturbateur, lui, qui nous dit je me suis masturbé. Et, ah, tu t'es fait choper. Je me suis masturbé. Et salut le masturbateur, absolument, oui. Ouais, bon, ça, les parents, ils se doutent bien que. Hein. Ouais, après, devant eux, bon, c'est vrai que. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils ont pas forcément envie de le voir, quoi. Devant eux, c'est vrai qu'on peut s'en passer, c'est sûr. Bon, vos messages pour le pire truc que vous avez fait à vos parents, on en reparlera dans un instant avec Nathan, d'ailleurs, qui doit être avec nous, qu'on va saluer. Bonsoir, Nathan. Bonsoir. Salut, Nathan. T'habites de Rumilly. Trop heureux de vous parler. Eh ben, c'est cool, Nathan. T'habites à Rumilly. C'est où, Rumilly? Pardon? C'est où, Rumilly? T'habites où? C'est en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Eh bien voilà, nous sommes en Haute-Savoie. Bonjour la Haute-Savoie, bonjour les Alpes et vive le Génépi. Hein. Ah oui. Génépi, c'est espèce de... C'est de l'alcool d'herbe. Ouais, de l'alcool d'herbe, pas à fumer. Hein. Il devrait faire de l'alcool d'herbe à fumer. Ah bon, il doit y en avoir. Hein. Quoi, pas dans les Alpes, mais quoi, peut-être sur des producteurs locaux. Eh bien, je fais une proposition, moi, créer l'alcool. Juste pour voir si ça défonce vraiment. Ah, mais je pense qu'il y a des trucs, ouais. En Hollande, il doit bien avoir des alcools à base de. À base de bœuf. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est possible. Bon, pas de mauvais d'ailleurs. Dites-nous, t'es pas là pour. Tiens, bah justement, on parlait des pires trucs qu'on avait fait aux parents. Il y a Lucas qui dit j'ai dit à ma mère pour rigoler que j'avais dealé du shit. Bon, elle y a cru, malheureusement. Ah oui, t'as voulu faire une blague pas drôle. Frisson, lui, il a cassé la voiture de son père, une Audi A4, pas mal. Moi, c'est les notes pas que mal. Je ramène toutes les semaines pour Mistina. Bonjour Mistina, on te fait une bise, Tina. Gros bisous à toi. La pire chose que j'ai fait, c'est me masturber dans leur voiture. Il y a beaucoup de branleurs quand même qui écoutent ce soir. Hein. Ah ouais. Les branleurs et les branleuses de toute la France, on vous salue. Oh là là, j'ai clopé, quoi. Mais il vient de faire son entrée dans le studio. Tu sais de qui je parle, Nathan? Qui vient de faire son entrée dans le studio, Nathan? Le standard c'est marche. Le ah, ça y est, le standard remarche. C'est bien, t'as pu t'habiller. Cédric le Belge. Ouais. Bonjour, bonsoir, Cédric. Tu es toujours aussi laid. Eh oui, tu n'as pas changé, Cédric. On voulait te faire un bisou pour mon retour. Non, bah, ça va, je t'ai vu vendredi matin. Ouais. Dans ton gourbi, là. Eh, c'est sale chez toi, t'as lavé ou pas? C'est propre, quoi. Ah non, mais moi, il y en avait partout. Ouais, t'as plein de boutons. Ouais, putain, là, laisse tomber. T'as fait une allergie, là. Bah, non, mais tu. Bah, il peut pas les éclater. Tu dois suer et baver sur ton oreiller comme une grosse merde. Et oui, Cédric est de retour. Vous pouvez lui laisser vos messages si vous êtes content de son retour. Ou pas, d'ailleurs, hein. Bah, si, alors, j'espère quand même. Alors, tu es de retour définitivement, Cédric? Non. Ah, c'est-à-dire? La mauvaise nouvelle, c'est que mercredi, je me fais mettre un truc dans la clavicule. Dans le cul. Alors. Je vais mettre un truc dans le cul, moi, mercredi. Donc, non, je me fais opérer mercredi. Ah, tu n'es pas là? T'es là ce soir, demain matin, t'es là ou pas? Si je me lève, ouais. Ah, oui. Donc, en gros, non. En gros, ça non. Sera la surprise. Demain soir, tu es là ou pas? Ouais, j'espère être là demain soir. Demain soir. Et vendredi. Et mercredi? Opération. Mercredi, opération, non. Et donc, t'es pas là mercredi? Ouais. Bip, bip! Voilà déjà une bonne nouvelle pour démarrer la soirée, ça fait plaisir. Ils vont te foutre une broche? Ouais. Donc tu te fais opérer? Ouais. Mais fit-toi, ah bah, tu te dis pas un truc dans le cul pendant que tu dors, Cédric, t'es tellement excitant que moi je serais. Ah bah, je serais médecin, moi j'hésiterais pas. Hein. Ah, mais j'ai que des poisses avec mon opéra, avec ça, parce que mon accident au début, les mecs ils voient que la clavicule, après j'ai des clavicules cassées. Ouais. Après ils me disent que ça va se remettre tout seul, finalement ça se remet pas tout seul, faut opérer. Ah oui, on t'a laissé debout, on est enculés, maintenant t'as une chaise. Ouais, démerde-toi avec un seul bras, va chercher une chaise. Voilà, va chercher une chaise, Cédric, parce qu'on t'a pris, Romano a volé tes chaises pendant que t'étais pas là. Bah, j'ai revendu, moi je pensais que tu reviendrais plus. Bah, si, mon pote, je t'ai. C'est bien la triste nouvelle. Il a revendu les chaises de Cédric dans les conseils pas chers. Tu restes jusqu'à minuit soir ou pas? Bah oui. Oh merde. Ah bah voilà, une grande soirée. Alors un clash en live. J'étais obligé de te baiser en direct devant tout le monde. Enfin, comme tu l'accueilles. Vous êtes sûr que c'est pas le cul qui s'est fait casser dans une cave? Très bonne question de Emeric. Bonjour Emeric. Cédric le revenant est de retour. Bravo Cédric. Tu es courageux de revenir. Enfin des courageuses, ça fait un mois qu'il est pas là donc. Ouais, un mois l'autre. Courageux, un mois et demi, deux mois, facile. Non mais il a maigri, moi je trouve, sans déconner. Ouais, un peu, ouais. Ouais, t'as maigri Cédric. En plus, je voulais me peser parce que je trouve que j'ai maigri. Non mais t'as maigri, c'est vrai. Tout à l'heure, on va me peser alors. Ouais, on va faire la peser. Je suis sûr que t'es descendu en dessous des 85 kilos. Non, peut-être pas. Mais 85, t'es fou. Ah non, moi je vous dis qu'il est descendu en dessous des 85. 92, 90. Voilà. 90. T'es content que Cédric soit de retour, Nathan? Ah non. Oui, bah la clavicule. La clavicule, elle est cassée. La clavicule. Ouais. Elle est toujours cassée. Je peux te taper sur l'épaule pour. Non. Tu veux pas que je te serre dans mes bras? Ah, tu sais que le moins de dodane et tout, ça me fait super mal, j'en peux plus. Je peux te serrer dans mes bras si tu veux. Les dodanes. Bah, quand tu es en voiture, je suis venu laisser. Bah ouais. T'es pas de gueuler, je déroule moins vite. Tu viens en moto pourtant. Bah oui, viens en moto. T'es tellement un bon conducteur. Franchement, mais t'aurais dû. Bah attends. Ah merci. J'y ai pensé, mais laisse tomber. Regarde, il y a Cortez qui te salue. My nigga, clavicule cassée. Ah, LMFAO. Yeah, my nigga. LMAO. Voilà. On va y arriver. Big up à toi. Salut Snoop, salut Cortez, salut APS4 du salon qui est là aussi. Zach te salue également. C'est pour toi, Cédric. Yeah. Voilà. Ah, j'écoutais beaucoup la radio libre. Je vais moins l'écouter ce soir. Désolé. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est pas gentil. Bah ouais, c'est Thibaut qui nous laisse un message. Mais non, je rigole, il dit. Lol, Thibaut. Tiens, dédicace à Clem56 aussi. C'est pété la clavicule aujourd'hui. D'une échelle. Ah bah putain. Oh, putain mon pote. Ah bah bon courage. Il y a Héroli qui a 18 ans qui nous dit: oh non merde, le Belge est revenu. Et oui, on vous avait prévenu ce matin. Il est revenu. Il est revenu. Sac à merde. Faut écouter le morning. On vous donne toutes les infos en exclu. On vous l'avait donné cette 6 ce matin en exclu dans l'émission. Je suis de retour. Lucine est contente. Ah, et Anthony Yann qui te demande si tu es revenu prendre une branlée au clash. Non justement, je pense que juste pour ça. Ce soir je vais en coller une petite et puis après tranquille je me ferai opérer la conscience tranquille. Eh, tu vas prendre la morphine aujourd'hui? J'en ai pris une déjà. Ouais, vas-y. Parce que j'avais trop mal là. Prends devant nous comme ça. Vas-y, devant nous. C'est bizarre. Non, mais j'ai pris une derrière. Non, j'ai pris une déjà. C'est vrai que quand tu prends de la morphine, tu transformes en salope. C'est ouais, t'as vu? Ouais, tu fais des bruits un peu. Bah ouais, je pense que c'est ta vraie personnalité qui remonte. Ouais, non, mais je crois aussi. Non, mais tu sais, Romano, quand on est bourré, par exemple, et bien parfois, t'as ta vraie personnalité qui ressort. Il y a des trucs que t'oses pas faire quand t'es clean. Et dès que t'es un petit peu bourré, t'as raison de pas boire, Nathan. Ah, c'est pour ça, Cédric, qu'en fait, quand t'es bourré, tu parles comme une billage. Et ouais, ouais. La vraie personnalité sexuelle remonte. Grosse billage. Ah oui, pauvre. C'est vrai. Hein. Ne fais plus jamais de moto, Cédric. Je te l'interdis car je t'aime trop. Oh là là, Tiffaine qui te laisse un message. Bah là, c'est pas ta mère, c'est Tiffaine. Tiffaine, 17 ans. Je vous promets que pour l'instant, la moto, je mets de côté. Eh ben écoute, de toute façon, dans l'état dans lequel tu es. De toute façon, je pourrais pas en faire. Ouais. Alors, tu veux casser le cul de Romano, on nous dit, pour le clash ce soir? Ah, franchement, ça me ferait plaisir, ouais. Ah, t'as vu, ton Romano, retour, ouais. Les fans de Cédric sont là ce soir. Hein. J'aimerais pas te péter la deuxième clavicule ou peut-être même te péter le cul. Mais tu vas rien péter du cul. Voilà, pète-moi mon coccyx. Bah, je vais m'en occuper, quoi. Voilà, arrache-moi le trou de balle. Eh ben, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Bon, bah, on verra tout à l'heure. Donc, le clash, on va pas tarder à le faire, hein. Ouais, vas-y, moi, je suis chaud, hein. Je vous ai pas parlé du double appel. Franchement, viens, on le fait tôt, parce que j'ai peur que je sois trop mal, trop KO. Après, tu vas dire que je suis une batraine, je veux pas le faire. T'as vu comme il est gentil, Samy? Franchement, Samy. Ah, il me fait pitié, il est debout, là, un bras, il penche. Ouais, lui, il était contre le mur, mesquine. Nous, on est assis dans l'équipe. Ouais, ça va, ouais. On est bien installé, hein. Ouais, je me lèverai peut-être tout à l'heure, mais je garde ma chaise, on sait jamais. Il faut la passer au-dessus. Ah, il y a Tankul qui vient d'arriver, qui nous dit, mais il y a une drôle d'odeur dans la rue de Skyrock, que se passe-t-il? Eh ben, Cédric est de retour, je t'en dans les studios, je t'en parle même pas, quoi. Moi, je viens d'allumer une cigarette exprès, faut pas fumer dans les studios, hein. Là, j'étais obligé, Romano m'a fait signe, il me fait, vas-y, fume. Ah ouais, j'ai allumé, ça fait plaisir à tout le monde, même aux non-fumeurs de l'équipe, hein. Ah, s'il te plaît. Ouais, je vais allumer les gars, allumer d'autres soupes. On va allumer plein de clubs. Excuse-nous, Samy. Pose-les comme ça tout autour. Il y a Hugo Bordeaux qui nous dit, donnez-lui ses cachetons qu'on se marre un peu. On le mènera à l'interrogatoire pour savoir s'il se fout des trucs dans le cul. Ah, mais là, je sais pas, j'ai grave froid, donc j'en ai pris un tout à l'heure, là. Ouais. J'espère que j'ai pas. Non, mais tu sais, quand t'as grave froid, tu peux prendre un pull, là, par exemple. Ouais, non, mais j'ai. Non, mais c'est pas con. Ouais, c'est pas con. C'est un pull que j'ai sur moi. Là, tu prends des cachets maintenant quand il a froid. Oh là, j'ai froid, je prends de la mourfine. Ah, c'est bien ça. Ça réchauffe. Voilà, ça réchauffe. Explique la vraie histoire de l'accident, Cédric, s'il te plaît. Sans mentir, message de Guigui, 15 ans. Non, mais c'est simple, il y a un mec, en fait, qui était caché derrière un camion. Caché. Comme ça, il attendait Cédric. Il est caché, attention. Je soupçonne la team Romano d'ailleurs. Ah, c'est il ça, m'a mis ça en tête un soir, c'est pas sorti de mon cerveau. Ça. Non, mais le mec, il m'est rentré dedans. Franchement, en fait, ma voiture, elle est nickel. Le mec, il s'est barré pépère, quoi, tranquille. Ah ouais, t'es pépère, moi je suis rentré chez moi, je suis allé trouver mon chien. Moi, j'étais sur le sol, en train de pisser le sang, normal, quoi. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je descends de la bagnole, lui mettre un coup de pied ou je le laisse tel quel? Tu as été gentil, Romano. Tu lui as pas donné de coup de pied. Je me suis dit, j'aurais dû finir parce que je suis direct. Donc de retour. Et le mec, il n'y avait pas de caméra, il n'y a rien. Non, j'ai demandé de ces pas de témoin, rien. Là, j'étais voir les entreprises, c'est qu'il y avait autour là où j'ai fait l'accident. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit de filmer la rue en fait. Donc du coup, c'est vrai que t'as pas le droit. Ils n'ont pas de preuve. Bon, ben voilà, Cédric, de retour ce soir, ça fait plaisir. On démarre bien cette semaine. Ah moi aussi, putain, je me fais. T'es content, Nathan, hein? Oui. Ah, ça s'entend. Ah ouais, t'as l'air heureux. T'as l'air motivé, mon pote. Ah ouais, la gueule de ça fait envie. Plaisir. Ah ouais. Je peux lui poser une question? Ah, bah bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Cédric ce soir. Hein, si vous avez une question à poser au 41759 sur l'appli Skyrock, vous envoyez tout ça et avec le skyrock.fm aussi. Vas-y, Nathan. Il a avalé combien de kilos de morphine? Bon, là, j'avale du sperme, c'est trop cher. C'est mieux. Ah, tu sais, j'étais en panique parce qu'en fait, j'avais plus de. Bon, l'ordonnance a été terminée. Je commençais à avoir mal et j'avais rendez-vous chez un médecin. Le mec, il voulait plus me donner de morphine. T'es devenu accro, c'est vrai. Non, je suis pas devenu accro, mais ça soulage grave la douleur. Ah non, je crois que c'est un truc de ouf. T'es un tox. T'es un tox, casse-toi de là. T'es une biatch tox. Hashtag Cédric, la biatch tox. Ouais, c'est que le mec, je tape un peu. Facile à dire. Ouais, pas facile à dire. Du mal. Mais à écrire, c'est plus facile. Hashtag la biatch tox Cédric. Tox. J'ai galéré, laisse tomber. Là, j'essaie d'en prendre un petit peu moins, mais ça soulage grave, quoi, ce truc-là. Putain, franchement. Eh ouais, ça, c'est pour les douillettes. Ouais, les douillettes. Romano, dis-lui que j'ai eu un problème à l'épaule et que moi, je faisais pas chier le monde. Difou, il a eu une tendinite. Il nous a fait chier pendant un mois. Je vais chier personne. Bah, il le fait. Un mois non-stop. Qu'est-ce que t'as dit, Nathan? Je t'ai entendu rien. Faites-moi caro, attention. Hein. Faites gaffe à vous. Non, mais t'as entendu Nathan quand il nous faisait chier Difool avec sa. Difool, il fait chier personne. Sa tendinite de merde. Il souffre en silence. Bien dit, Marie. Bah, moi, j'en ai eu une cet été, j'ai fait chier personne, tu vois. Bah, c'est normal, on était pas là. J'ai pris mes cachets et. C'est normal, j'étais en vacances. Ah, mais je pensais pas que ça faisait aussi mal, hein. Putain, c'est un truc de ouf. Ah, maintenant, tu sais. Bah, ouais, c'est. Ouais, voilà. C'est les douillettes, ça y a plus de douille. C'est quand je voyais Difool qui nous faisait chier, je me fais putain, arrêtez de nous faire chier, mais en fait. Ah, merci, c'est Ouais, mais vous avez pas eu la même chose. Ah bah clairement pas. Tu t'es cassé la clavicule, gros. Moi, c'est beaucoup plus grave ce que j'ai eu. Bah oui. Bah attends, quand même. J'imagine. Bon, donc Cédric de retour, ça fait plaisir, ou presque. Bon, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir? On va écouter. Oui, ça fait plaisir. Oui, je voulais vous passer le. Bah dis, déjà, on va démarrer avec Panda, tiens. J'en ai fait le week-end ivre mort chez moi. Ouais, moi aussi je tape. J'ai tapé en écoutant Panda. Voilà. Mais je faisais des bruits. Plus t'es bourré, plus tu tapes bien. C'est vrai. Un lit qui roule. On écoutera du Panda dans l'émission. On écoutera aussi Travis Scott. Qu'est-ce qu'on va se passer? JJ Ignaz aussi tout à l'heure avant minuit. Rap français, c'est bien JJ Ignaz. Et puis du Niska, non? Tu veux Niska et Gims? Allez, je note. Ah, j'adore ça, c'est le truc du moment. Quoi. Elle avait son Joe, Niska et Gims aussi avant minuit. Bon, bah, il reste de la place. Si vous avez envie d'écouter un son, vous nous faites signe. Blablabla. Fais un dab, Nathan. Vas-y, dab. Vas-y, Cédric aussi. Cédric, dab avec ta clavicule. Ah ouais, avec un bras. J'y pense, ouais, avant la fin de l'émission. Bon, alors, Nathan, tu nous appelles ce soir. Ah, c'est toi qui as un truc à te reprocher par rapport à tes parents, c'est ça hein? Oui. Eh oui, ça arrive des fois. Le pire truc que vous avez fait à vos parents, je vous l'ai demandé. Alors, on nous dit, moi, j'ai brûlé une partie de la maison. C'est pas vrai. Le truc le pire que vous avez fait. Ils ont pas dû apprécier. Il y a Coco, lui, c'est encore pire. Écoutez le truc. Coco, il a 15 ans. Et il nous dit, moi, j'ai fugué en laissant une lettre d'adieu sur mon lit. Et mes parents m'ont cherché dans toute la ville, alors que j'étais dans le jardin. Oh, le T'as la fugue que t'as fait, Coco. Tu sais, malade. Dans la cabane à outils, tu sais. Oh là. Mais c'est pas fou, parce que là, ils vont pas te trouver, en tout cas. Alors, Jordi, qu'est-ce qu'il a fait? Casser la télé. Moi, j'ai déjà éjaculé dans leur voiture. Bah, arrêtez de vous branler depuis tout à l'heure. Ça n'arrête pas de se branler. J'ai cassé les 3 iPhones. Ah ouais, des 3 iPhones qu'on t'a acheté, tu les as cassés, là. C'est le Camerounais. Salut le Camerounais. Ça casse plein de trucs, hein. Pire truc que j'ai fait. Pire truc que j'ai fait. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Ils se branlent quand ils entendent la voix de Marie. Vas-y, parle, Marie. Vas-y, parle. Non, mais pourquoi tu dis ça? Bah, pour que les auditeurs se branlent. Ah ouais, d'accord, bah super. Bah oui, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages tous les soirs. Et parfois même des photos de l'effet que vous fait Marie. Vous en avez de la chance. Ouais, ouais. Ça, super. Et Marie est ravie. Alors, les trucs que vous avez fait, tu vas nous raconter le truc que t'as fait à tes parents, toi, et qui a priori ne leur a pas fait super plaisir, notamment avec ta mère, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Et oui, c'est là. Et voilà. C'est la hasse avec sa mère. Ouais, je me dis, ouais, c'est la hasse avec sa mère. Alors, il paraît que c'est la hasse avec ta mère, on m'a dit, là. Donc, on va voir ça. Tu frère, il fait un truc de ouf. Le pire truc que vous avez fait à vos parents. Les témoignages de l'équipe, témoignages de Nathan, vous tous en direct. Oui, Cédric. Avec une friteuse, il a voulu faire des frites, ce con, et en fait, il a allumé la friteuse, il s'est barré, je sais pas où, il est sorti dehors. Ouais. Et il est rentré, il y avait un nuage noir, mais toute la cuisine, elle avait cramé, en fait. Elle devait être contente, ta mère. Ah, ma rhum, elle était vénère. Elle devait sentir bon encore là-dedans. Lui qui crame. Mais qu'est-ce que vous avez pas infligé à votre mère? Oui. Là, je te jure, on lui a fait la misère à ma mère. Que ça n'a pas pris feu, ouais, t'as raison. Ouais. Non, mais ça a pris un petit peu feu, tu vois, le meuble, mais ça s'est rétanché. Non, mais en plus, ce vla, l'huile, il devait y en avoir partout. Ah, mais là, il y avait de l'huile. Voilà, c'était ce jour-là que j'en ai plein la gueule. Les meubles, c'est tout noir, mais laisse tomber. Il y a Extrat qui nous laisse un message et qui lui nous dit c'est chaque fois que je ramène mes notes et mon bulletin à la fin du trimestre. Ouais, forcément, il y en a plein qui nous ont laissé ça. C'est quand vous avez des sales notes. Ça peut craindre. Ah ouais, ça, ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis rentré chez moi complètement bourré. Trois fois dans l'année. Oui, le bulletin, ouais. Mais les notes, par contre, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu plus souvent. Je suis rentré chez moi complètement bourré après les cours. Ma mère m'a directement emmené à l'hôpital tellement qu'elle a flippé. C'est le message de Mathis, 18 ans. Tellement qu'il était bourré, Mathis, sa mère l'a envoyé à l'hôpital. Ouais, un petit truc, t'allais faire un coma éthylique. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Ouais, ouais, tiens, quand ma mère m'a chopé. Mieux, oui. Quand ma mère m'a chopé en train de fumer, dans le jardin. Bah, tiens, encore une histoire de jardin. C'est l'inconnu qui nous envoie un message. Le truc que vous avez, le pire que vous avez fait à vos parents, Romano, à part d'être né, puisque ta mère a pleuré quand tu es né. Bah, il y a eu la fugue. La fugue. Ah oui, t'as fugué pendant 2 heures, toi aussi. Ouais, ouais. C'est presque aussi bon que la fugue qu'on a eu. T'étais plus loin que dans le jardin, toi. T'as été courageux, toi. Ouais, moi j'ai été dans la forêt, puis après dans un local poubelle. Ouais, et tu flippais. Parce que dans la forêt, je flippais trop. Ouais, t'avais peur, ils faisaient. Non, mais ça faisait des bruits et tout. J'ai l'impression qu'il y avait des monstres. Mais non, mais il y a des bêtes, il y a pas des monstres. C'est normal. Qui allait sortir, tu sais, comme dans les films, genre avec les zombies, c'est un bras qui sort du sol et tout. Ouais. Salut les filles. Ah, ouais. Oh, le monstre. Voilà, excuse-moi. J'étais en train de me promener dans la forêt, je cherchais des glands. C'est bien, bravo. Voilà. Tiens, il y a Cosny, 45, qui a lui failli écraser son père avec la voiture en faisant le con. J'ai brûlé la poubelle. Faut faire attention avec les trucs que vous avez brûlés. Matteo Uchiwa, là. Ah, sinon, si on avait pris la voiture de mon grand-père pour aller en boîte, il a cru qu'on lui avait volé, tu vois. T'as dû te faire démonter, toi. Il a porté plainte, ouais, t'as dû te faire démonter. Non, non, il a pas porté plainte. Non, mais à soir, on voulait aller en boîte. Je dis, bah attends, on n'a pas de voiture. Je vais prendre celle de mon grand-père, je savais où étaient les clés. On l'a pris, on s'est barré. Le lendemain, il arrive, la voiture était pas là, tu sais. Ah bah oui, forcément, bon, il y a un petit après, on l'a pris. Après, on est arrivé, on l'a reposé. Et lui, il a vu au kilométrage. Je me suis fait défoncer par mes parents. Ah bah, tu m'étonnes. Oh là, ton père, il peut pas me défoncer, Romano. Ça va aller. Non, non, non. Voilà. Désolé, Cédric. Comme je peux pas baiser avec le fils. Non, mais t'inquiète, je vais te baiser tout à l'heure. Alors, les trucs les pires que vous avez, on va y revenir tout de suite. Et à PTS qui dit j'ai défoncé la baie vitrée des parents pour me taper une soirée, alors que j'étais en foyer. Oula, Ronan du 49 qui nous envoie ça. Et PTS VHR, c'est son pseudo. Salut PTS VHR. J'ai raté quoi, nous dit Didi Foule le beau gosse. Ah, tu viens juste d'arriver. Le retour de Cédric. Et ouais, vous l'entendez, beaucoup d'excitation dans l'équipe. Beaucoup de messages du public. Cédric est de retour. Il est là. Moi, j'ai fait pleurer ma mère de Queen. Oh, c'est bien, on parle des darons ce soir. Parce que je lui ai fait payer 600 euros pour mes appels parce que j'avais appelé à l'étranger. Ah, c'est The Queen, elle a 14 ans. Salut The Queen. Elle voit un peu les trucs, là. Qui, elle, a fait une crise de nerfs. Il y a 13 ans, qui a fait une crise de nerfs. J'ai tapé sur la télé avec des ciseaux. Eh oui, forcément, la télé, elle a pas dû aimer. Je vais d'ailleurs poser la question à Romano. Je t'aurais tarté la gueule. Voilà, la réponse, je l'ai avant d'avoir posé la question. Ah, mais je t'aurais tarté. Ah, ben non, mais attends. Surtout la télé. Comment elle va, ta nouvelle télé? Bah, elle va bien, écoute. Comment elle va? Elle va bien. Très bien. Elle me diffuse une très belle image. Magnifique. Ah, bah, pour les 600 balles que tu l'as payé, heureusement qu'elle diffuse une belle image. Ouais, tu m'étonnes. 699, s'il te plaît. Il y a Copon, du 76, 21 ans. J'étais complètement bourré au collège à 15 ans, complètement bourré. Ma mère était à ce moment sur le point d'accoucher. Ah, putain, le stress que t'as dû lui mettre. Pas mal, ça. Hein. Bon, alors, on va t'écouter, Nathan. Dis-nous, qu'est-ce que t'as fait à ta mère? Et puis, vos messages, il y en a d'autres. Hein, on va mater tout ça. Les pires seront lus, bien sûr, à l'antenne, comme d'habitude. Nathan, ouais, pourquoi ta mère, elle t'en veut, là, ces temps-ci? Alors, parce qu'en fait, déjà, l'année dernière, j'étais dans un centre d'apprentissage. Oui, t'apprenais quoi? Un CAP, employé de restaurant, serveur. Serveur, bien. C'est bien pour rencontrer des gens, en plus, c'est un boulot sympa, serveur. Après, faut taffer, hein. Pas ah ouais, ça, ouais. C'est ouais, pas c'est le boulot dur. Le plus facile. Ah ouais, c'est clair. T'as des sacrés horaires, ouais. Ouais. Et donc, t'as fait quoi? Et en fait, bah, déjà l'année dernière, bah, je sortais des cours, j'écoutais rien. J'espère que tu écoutais Skyrock, quand même. Oh la vanne. Non, mais c'est normal. C'est une connerie, enfin, bon programme. Oui, et donc, ouais, tu avais des sales notes, quoi. Ouais, et ouais. J'ai été convoqué dans le bureau de la directrice. Et elle m'a dit, on te laisse une dernière chance pour l'année prochaine.

qui m'avait mis dans le Uber le soir même et qu'ils ne comprennent pas pourquoi je réponds pas. Ouais, voilà. Du coup, elle a appelé la résidence où je vivais. La dame, bah, en fait, elle s'est trompée de chambre. Elle est rentrée dans une chambre, donc elle a dit à ma mère, bah, votre fille, elle est pas dans sa chambre. Donc ma mère, elle a encore plus pété un câble. L'angoisse qu'elle a dû se taper, ta mère. Ah ouais, c'est clair. Le stress qu'elle a dû avoir. Du coup, t'es loin elle, et a tout. Pris la, oui. elle a pris la voiture et elle a démarré pour aller à la gare pour prendre un retard, quoi. Et à ce moment-là, moi, je me suis réveillée. Et je me rappelais plus de rien, je savais pas ce qui m'est arrivé, je vois mon téléphone, j'ai eu 10 000 appels en absence, etc. Oui, tu t'es dit, du coup, je l'appelle. Ouais, et je l'appelle. Mais t'étais où, du coup? Mais j'étais chez moi, en fait. Ah, t'étais chez toi, dans sa chambre. Mais t'étais quoi? T'étais complètement décabanée, non? Ah ouais, mais complètement, je ne savais même plus ce qui m'est arrivé. T'as vite pris le pli anglais, hein. Tu sais, les anglais sont très comme ça. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai appelée et là, elle était en panique, elle était en pleurs. Elle m'a dit depuis ce matin, j'étais de joint, etc. Enfin, ah, c'est inquiète, maintenant, je suis juste bourrée. Voilà. Bon, elle a compris que t'étais bourrée, tu lui as dit? Comment ça s'est passé? Bah, elle a compris parce que j'arrivais pas trop à parler le lendemain matin. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas bon, ça, ouais. Quand tu vas en soirée et que tu dis que t'appelles et que t'appelles pas, les parents s'angoissent. Et en plus, c'est sûr. Jusqu'au lendemain matin, toi, en plus, ça, ouais. Ouais, c'est le lendemain matin. On salue Jason, 16 ans, qui, quand il était petit, a inondé tout l'appartement en pétant le radiateur, obligé d'appeler les pompiers, carrément. Et dans un autre style, c'est. Ah non, mais tu pètes un radiateur, mais. Ça inonde tout. Ah, mais en 5 minutes, l'appart, il est inondé, hein. Bravo, Jason. Un bébé. En fait, dans les radiateurs, il y a de l'eau. C'est de l'eau qui arrive souvent sous pression, quoi. Jason, c'est pour toi. C'est en gros, c'est comme si tu ouvres ton robinet à fond et encore, c'est même pas, c'est encore plus puissant. Ouais, j'ai de la douche. Ouais, voilà. Ouais. Et donc en 2-2, c'est inondé. Ouais. Tiens, un truc dans la salle de bain. Crazy Rock, 19 ans. Salut Crazy Rock. 19 ans à Mulhouse, qui nous dit qu'il a laissé brancher le sèche-cheveux et dans la nuit, la chambre de bain, elle a cramé. On a été réveillés par les chiens. Putain, il y avait de la fumée dans toute la maison. Et ça s'entend en plus, un sèche-cheveux. Bah, logiquement, ça fait du bruit. Bah, aussi. Peut-être que le truc, il y a eu un court jus ou quoi. Ça a chauffé à bloc, quoi. Ouais, tu devais être bien décabané peut-être aussi. Ouais. Hein. Dis-nous si t'étais bourré, là. Alors. Non, mais de toute façon, moi, quand je suis trop bourré, j'utilise rien, tu vois. Non, parce qu'il est incapable d'utiliser. Non, mais tu sais, je vais pas me cuisiner un truc. Ah, tu sais, j'ai trop peur qu'il m'arrive une galère. Même quand t'es pas bourré, tu te cuisines rien. C'est vrai. C'est pas faux. Mais non, mais tu sais, des fois, quand t'es bourré, t'as des envies, des idées à la con. Tu t'enflammes pour rien. Ouais, tu sais, genre, je vais faire une choucroute. Ouais, c'est chouette. T'as une petite idée pour te faire pardonner. Je sais pas si ça va marcher, Nathan, mais on va venir aux idées plus en détail tout à l'heure, là. Il doit bien se comporter, faire le suceur avec elle. C'est l'Albanais, 20 ans. Pour te rattraper, offre un chien à ta prof. Elle va kiffer. Ah, ta prof chinoise. Ah ouais. Non, merci. Bah non, évite, je crois. C'est pas mal comme idée, ça. Hein, ouais, parce que tu en penses, Nathan. Bon appétit, madame. Nathan. Bah oui, mais je suis plus. J'y suis plus, là. Oui, c'est fini, ah, ça. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous nous avez dit d'autre? Trouve une autre école très rapidement, comme ça ta mère, elle sera contente. Ah, et Tom, 18 ans, qui dit à chaque fois que je fais une connerie, j'offre des fleurs à ma mère. Ça marche, crois-moi, ah, mec. Avoir des bouquets, man. Merci, Tom. Ouais, ouais. Il y en a certaines. Un jardin de fleurs. Il y en a certaines qui deviendraient fleuristes, ouais. Ah, c'est clair. Bon, et toi? Fleuriste du coin d'être content. Ah, toi, t'as encore fait une connerie. Ah, c'est ça. Bouge pas, Inès. Et, d'accord. Il y a Chat, là, qui voulait témoigner. Le pire truc que t'as fait à tes parents, toi, c'est quoi, Chat? Bah moi en fait un jour bah mon frère il avait lâché son handicap dans la maison. Oui. Et genre bah c'est un truc qui fait 20 grammes et genre bah j'ai marché dessus et je l'ai écrasé en fait. Hamster. Ouais. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais ça fait pas de bruit, hein. Non mais même toi t'as une mort sur la conscience, quoi. La mort du hamster. Ça va, la mort d'un hamster, quoi. Non mais ça va. Non, c'est dégueulasse. C'est horrible de tuer une bestiole. Moi je sais pas, ça me met mal, moi. Bien dit, Romano. Moi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Imagine par exemple, tu te lèves demain matin, tu écrases le chien. Comment réagit ta meuf qui est un peu ta mère? Non mais écoute. Non mais c'est pas, ça va, je baisse pas avec ma mère. Non mais tu baisses avec ta mère. J'ai dit ta meuf, c'était un peu comme ta mère. C'est-à-dire sans elle, tu es rien. Tu sais pas te faire à bouffer, tu mangerais des bouts. Non mais ça va, ça va. Je sais faire des trucs. C'est un peu comme ta daronne, car je suis pas débile. T'es hagard, t'as. Oui, c'est vrai, elle te hagard tout ça. Je t'assure. Pourquoi elle est dans le hangar? Et non mais toi tu comprends rien. Hagard. Malamment quoi. Non mais je sais faire des trucs tout seul. Bah te branler. Quoi? Se branler. Bah par exemple, ce week-end, j'ai installé un cadre. Wow. Ça bah, Diffoul, il fait waouh, je suis bien sûr qu'il est capable de le faire. Ouais, parce que moi, j'ai pas assez d'argent pour acheter des cadres, moi. Bah, j'utilise l'argent pour des trucs utiles, pas pour Bah, moi, je décore mon appartement. Ouais. Je sais faire des trucs, hein, mis à part ça. Non, mais le hamster, en plus, sous le pied, ça doit être une horreur, le truc est mou. Et ça, non, parce que moi, mon chien, par exemple, tu sais, il va. Il a fait, ça fait quel bruit? Ça fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça a couiné. La queen, ah bah oui, la queen. Mais ça, c'était le dernier cri, là. Non, mais à ce moment-là, fallait lever le pied.

Et donc, je me suis inscrit au service civique. Bon, ben, au moins, c'est, ce qui est bien, c'est que t'as pas, tu fais pas rien. C'est-à-dire que tu... Ah, c'est le truc, là, ouais. C'est quoi, pendant 6 mois, c'est ça? Ouais, de 6 à 12 mois. Ah oui, et puis t'es payé un peu, ouais. Ouais, au moins, tu fais pas rien. Et tu fais des trucs pour des assos et tout ça, ouais. Ouais. Au moins, bah, pourquoi et là, pas? Je vais peut-être aller à la gendarmerie de Versailles. Eh ben voilà, vous avez vu le futur gendarme, c'est ça? Ah, la jeunesse. Ah, là, non, mais faut montrer à ta mère que t'as, oui, que t'as un objectif dans la vie, que tu te laisses pas aller, que tu vas, parce que la pauvre, t'imagines, tu te fais virer de ton centre d'apprentissage, elle se dit, mon fils, il va avoir une vie de merde, il va rien faire, il va rien apprendre. Non, mais surtout, on est fin septembre. Ah, c'est quoi. Certain. Et en plus. Ça fait même pas un mois que t'as repris, quoi. Ah oui, tu t'arrêtes vite, toi. Ah bah ouais, ouais, c'est un peu ça. Tu as dû avoir honte de ta mère face au directeur et tout, là. Ah bah ouais, avec le truc de Shintok, machin, tout ça. Clair. Et là, tu commences quand, là, ton bordel, là, civique? Alors, bah, en fait, j'ai un rendez-vous, civique. J'ai un entretien le 6 octobre. Bah, essaye d'assurer pour l'entretien, et puis après, hop, service civique pendant 6 mois, 1 an. Eh bah oui. Allez, hop. Non, après, ouais. C'est pas ça qui, bah, c'est pas ça qui t'apprend un boulot, quoique. Si, si, tu peux apprendre des trucs, hein. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Alors, Inès, toi, qui m'a l'air assez raisonnable. Inès, c'est celle qui était complètement bourrée, et qui a pas prévenu ses parents, enfin sa mère surtout. Ouais, qui était à Londres et sa mère a failli débarquer. Ouais. Voilà. Elle a failli prendre le train ou l'avion pour Londres, imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place de Nathan? Bah, moi, ce que je ferais, c'est que je trouverais une autre école. Parce que, enfin, je sais que j'ai mon frère qui a eu un peu la même situation que lui. Pareil, c'est vrai. Et du coup, il a arrêté les cours, etc. Et maintenant, quelques années après, il regrette vraiment. Et là, il a envie de reprendre, justement, de retourner dans le domaine scolaire. Mmh. Et du coup, moi, je lui dirais de se motiver à retourner en cours. Ouais, pour montrer à ta mère que t'es motivé, quoi, oui. Ouais, voilà. Ouais, que tu vas pas passer ta vie à rien branler. Il va le regretter un peu plus tard, donc vaut mieux qu'il s'en rende compte maintenant. Il y a Nas qui me dit, mais elles me font bander, les deux auditrices, elles ont quel âge? Non, mais ça va pas. Putain, mais l'autre, il est au taquet. Nas, il arrête pas depuis tout à l'heure. 23 ans, Nas. Il en peut plus. Bon, Inès, t'as 21, toi, c'est ça? Ouais. Ouais. Et puis Chat, elle en a 15, donc attends un petit peu. Ouais, on va attendre un peu, ouais. Ah, Chat, on va faire comme ça. Voilà, pourquoi? Ah, ouais. Parce qu'il y a des trucs. Ouais, attends un petit peu. Limite un peu vieille pour moi. Bah, pour toi, oui, Cédric, peut-être. Mais bon, tout le monde n'est pas comme toi. C'est et con, ouais. Heureusement. Ah, ouais, heureusement, ouais. Bienvenue à Pédoland. Voilà. Ah, ouais, c'est merveilleux. Quel ouais, pays merveilleux. C'est merveilleux. Ah, ouais. Et toi, Chat, tu ferais quoi par rapport à Nathan pour lui filer un coup de main? Moi, je chercherais une autre école. Toi aussi, mais pareil. Genre, une école où faut apprendre maçon ou paysagiste, un truc comme ça. Ouais, ou serveur, comme il voulait faire, mais enfin, bon, faut trouver une école. Ouais, un truc qui lui plaît, ouais. Quoi. Mais toi, Nathalie Miroir nous dit solidarité avec la prof asiate. Solidarité asiate pour Daily Mirror, 19 ans. Non, mais Nathan, toi, sinon, t'as envie de faire quoi dans la vie? Rien. À part rien. Non. En fait, j'aimerais travailler, parce que moi. Dans quoi? Ouais, mais dans quoi? C'est quoi? Non, je sais pas. Tu sais pas. Ah ouais. Oui, c'était clair sa question surtout. Et ouais, mais il a répondu, tu vois. Et serveur, le truc que tu faisais en apprentissage, ça te plaît pas? Bah si, mais en fait, c'est que faut être rapide et moi je suis assez lent. Ah oui, ouais. Ça te va pas en fait. Bah, c'est vrai que serveur, faut être rapide, ouais. Ah bah oui, c'est sinon tu restes pas longtemps. Ouais. Non. Oui. Et toi, c'est que si tu mets trois plombes à emmener un plat et puis qu'il arrive à chaque fois froid, c'est vrai que ça risque d'énerver les gens. Là. Et le patron aussi. Ou tu passes à côté, que tu prends pas la commande. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, Tom, pour se faire pardonner par sa mère, tu penses quoi, toi? Désolé, en fait, j'ai pas trop écouté. J'étais en train de parler avec ma classe qui. Salut. Ah, pourquoi j'avais promis que j'allais leur faire une dédicace. Ah bah salut la classe. Ah oui, t'envoyais des messages. Non, c'était juste pour savoir quand tu fais une connerie, comment tu te fais pardonner par tes parents pour Nathan. Bah, tu fais une lèche-cul, hein. Ouais, ça y est. Ah bah ça ouais, déjà. Ouais. En général, t'as pas le choix, ouais. Ouais. Il y a une part de ça, ouais. Non, tout faire à la maison. Ça c'est obligatoire. Je me suis assagi, donc ça va mieux. D'accord. Bon, c'est déjà ça. Donc là, tu te démerdes, hein, Nathan. Hein, non, mais déjà, c'est bien parce que t'as montré à ta mère que tu t'étais pris en main si t'es allé au service civique là pour faire quelque chose. Ouais. Déjà, elle voit que t'as pas envie de glander et t'as envie d'apprendre un truc. Non, mais sinon, t'as retrouvé une école et puis serveur, si c'est pas ta voie, essaye de trouver une autre voie. Hein. Bah ouais, bien de sûr. Devient escroc comme Romano. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais bon, ce n'est pas. C'est Melchior. Je crois que t'es pas diplômé. Être diplômé de ça. Tu fais pas une école d'escroc, Romano? Je pourrais monter ça, ouais. Bah ouais, tu devrais. Hein. L'école des conseils pas chers. Bon, soyez gentils avec les darons et les daronnes. Enfin, essayez, hein. Parce que c'est pas facile tout le temps. Marie, le pire truc que t'as fait, tu nous as dit. Oh putain, moi, il y en a eu un. Allez, y en a eu un paquet. Choisis un que t'as pas raconté. Bah alors, peut-être, quand j'étais plus petite, ma mère voyageait beaucoup et on avait un appartement. Bah du coup, j'ai couché avec son mec. Non. Mais non, c'est pas ça. On avait un grand appartement. Ouais. Et en fait, ma mère est rentrée plus tôt. Elle est rentrée dans la nuit et moi, j'avais la connasse!

langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. La nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. La petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. You speak English? Romano. Oh, allez, vous n'allez pas me dire que vous êtes honnête quand même. Cédric. T'as pas peur pour le clash, ça va aller? Non, mais c'est, ça fait 10 fois que tu me poses la même question. Ça y était lourd là. Marie. Est-ce qu'elle est épaisse ou pas? Samy. Là, il y a un aéroport qui fait délirer, c'est à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne. Et Karim. Ostracisé, ça vient du mot racisme? Non. Diffoul Radio Libre, 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh ouais, une équipe d'attaque est en pleine forme avec vous et même le retour de Cédric ce soir. Ah, ouais. Avant son opération mercredi, passe sur le billard mercredi. On va lui mettre une broche. Mercredi matin. Déjà ce soir, je vais lui soigner son trou de balle. Ouais, alors. Mais casse-toi de là, toi. J'ai l'infirmière qui va s'occuper de toi. Nous avons en direct avec nous. Ah merde. La clinique vétérinaire dans laquelle tu vas être interné mercredi pour te faire opérer. Ah, mais là, j'ai regardé les avis sur internet et tout, ça va, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal la clinique vétérinaire. Ouais, elle est sympa. Alors, on accueille immédiatement Horribla qui est avec nous. Horribla. Ici, c'est Horribla, c'est son prénom. Qui a décidé donc de témoigner en direct. Oui, bonjour. Bonjour Horribla. Allô. Allô. Allô. Ah, ça y est, on l'a connecté, parce qu'elle est juste arrivée au standard. Bonjour Horribla. Bonsoir. Vous êtes infirmière dans une clinique vétérinaire, oui. Clinique vétérinaire porcine à l'appareil. Ah, moi, j'avais une touche avec elle. Spécialisée dans les porcs. Oui, exactement. Oui. Dans les porcs. Ah, on entend un de vos animaux. Porc, truie, sanglier. Ah, de vos animaux d'ailleurs même. Lait comme Cédric. Ouais, lait comme Cédric. Donc mercredi, c'est bon, vous lui refaites la clavicule là. Oui, vous voulez pas qu'on lui refasse la gueule? Ah, c'est là. Ah, on peut faire qu'on refasse la gueule. Parce qu'il faut ça serait un peu plus cher. Ah, mais tu m'étonnes. Mais il peut vous faire la gueule également. Ah, c'est gentil. Bon, comment ça va? T'as pas mal? Ah, je suis super malade. Tu m'as tué, ça fait trop mal, t'es malade. De quoi? Je suis gros, ça fait super mal. Non mais t'es douillet. Non mais tu tousses, tu pètes, tu respires. Tu sais que je peux plus du péter. Calme. Hein. Je peux plus péter. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Ah bah ça vous préserve, c'est cool. Bon, Horribla, vous nous le soignez bien, hein, Cédric. Hein. Ah vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui. Au prix qu'il me prenne, je peux te dire qu'il en a un bien me soigner. Ouais. Comment ça te coûte? Alors si tu veux faire la même chose que moi, dis fou, je t'annonce direct. Non mais moi je sais faire de la moto, moi. Tu c'est non non. Je suis pas à Guignol, j'en ai fait avec ton épaule déboîtée là. Je fais de la moto avec Jules ce week-end. Non mais avec ton épaule déboîtée là, tu devais mettre une broche. Ouais. Bah tu sais combien le mec qui me demande? 1000 balles. Bien enculé, t'as vu ça un peu? Ah ouais. Ça va encore. Bravo, Horribla. C'est pour lui, hein. 1000 balles. Ouais. En plus, les frais d'hôpitaux. 1000 balles, si tu dis bonjour et tu caresses l'épaule, c'est 1000 balles. Hein. Tu vas te faire une petite. On va partir en vacances à cause de ce con. J'ai dit un petit week-end. Oui, plutôt grâce, ouais. Une petite virée ce week-end. Non, on fait carrément des vacances. Ah ouais, des vacances. On va se prendre 15 jours à Tahiti, là. Ouais, je suis toujours les mecs qui m'ont dit vous voulez rester à l'hôpital 2-3 nuits. Je fais non, ça va aller. Il y a Karim Decé, 29 ans, qui dit Cédric, tu peux pas retourner à l'hôpital, s'il te plaît? Non. Ouais, mais c'est mercredi. Je vais aller mercredi, mais je vais revenir. Parce que c'est un truc privé. Bah oui. Ah ouais, c'est ça d'aller dans le luxe. Là, c'est ça le luxe. Non, mais gros, j'étais à l'hôpital classique. Les mecs, ils ont rien vu du tout. Vous avez pas vu que j'avais une côte cassée. Moi, je me fais toujours soigner à l'hôpital public, moi. Ah bah écoute, parce que c'est moins cher, mais par contre les mecs ils y vont à l'arrache quoi. Bon, je vais vous poser. Non mais t'es mal tombé. Non mais déjà je vais faire un truc au cerveau parce que je crois que j'ai un truc au cerveau aussi. Mais ça c'est que longtemps c'est vrai. Non mais ça me prévient. La bonne nouvelle déjà c'est qu'il y a un cerveau là-dedans. Ah mais ils l'ont vu. Parce que ça on n'en était pas sûr. Ils ont vu son cerveau. Là ils m'ont montré l'image et tout machin, le scanner. À l'hôpital Cédric il est arrivé. Bonjour monsieur, vous venez pour votre visage j'imagine. C'est vrai. Non pas du tout. Votre ventre, vous venez pour accoucher. Cherche mon cerveau. Il est où? Bon, on va donc avoir le clash de la drague qu'on va faire dans un instant. Cédric, t'es prêt? Ouais. Allez, les familles sont prêtes aussi? Yes. Yes, allez. Bah, comme vous voulez. Hein. Le clash avec les méthodes de Cédric et Romano. Bon, avant ça, bah, tiens, on va faire un petit jeu là maintenant. On va jouer pour vous offrir FIFA 17. Je vais vous poser une question sur le morning. Et le premier ou la première qui répond arrive à l'antenne avec nous. Et après, on fera un petit jeu avec les membres de l'équipe. Mais le premier ou la première qui répond repart avec son FIFA 17. Et après, on jouera avec les autres membres. Qui a pas écouté le morning ce matin? Marie, tu dormais? Non, ouais. J'ai pas écouté. Toi, t'as pas écouté non plus? Parfait. Bon, Romano, je te pose pas. Bon, je suis seul à avoir écouté. Je crois que je me suis réveillé ce matin à 6h pour vous écouter. C'est gentil, Karim. C'est bien. J'étais souvent fine, j'ai pas écouté. Voilà. Je comprenais pas tout. Voilà ça. Bon, si vous avez. Je comprends pas. Si vous avez écouté le morning, même si vous avez pas entendu ce moment-là du morning, parce que c'est vrai que le morning, on l'écoute pas forcément en entier. Mais enfin, quoique, levez-vous plutôt. Ouais. Profitez-en un peu quand même. Alors, on parlait ce matin des trucs qui ont posé des problèmes, des espèces de confusions. Genre, par exemple, tu veux te laver les dents, tu te laves les dents avec. Avec du shampoing. Avec du shampoing, par exemple. Ouais, par exemple. Au lieu de prendre du dentifrice. Bon, c'est des trucs qu'ont fait des gens. Alors, on a fait la compile du jour. Compile du jour, c'est à 9h05 tous les jours. Et on a compilé, donc, les gens qui ont eu des problèmes à cause de quelques petites confusions. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi. Alors, on a eu en 3 de la compile une mère de famille qui a confondu les gouttes pour les yeux avec. Alors, je vais mettre. La javel ou une connerie comme ça, non? De Money Drop. Avec du canard WC. Non. Elle, c'était avec de la colle. Oh non. Bon, la colle qu'elle avait, dans sa salle de bain pour ses faux ongles. Ah merde. Et donc, elle s'est collé un œil. Bon, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant 8 jours. L'œil fermé, comme ça. Elle est pas bien, elle. En 2, on a mis une femme qui s'est retrouvée à l'hôpital pour avoir confondu la mousse à cheveux. Écoute bien, Romano. Ouais, ouais, non, mais j'ai écouté ça. Avec ça, la crème épilatoire. Non, pas de la crème épilatoire. Ah, non, parce que bon. ils faisaient la salle de bain avec de la mousse isolante. Vous savez, c'est une espèce de mousse que tu mets pour les fenêtres et les portes et ça sèche très vite. Mais la meuf, on dirait un Jackson 5, quoi. Et ça, c'est la du volume en 2-2. Ça, c'est bon. Elle aussi, elle est obligée d'aller à l'hôpital, elle est obligée de se raser. Ah, la haine. Et alors, je vais vous demander. Qu'est-ce qu'a fait, on va aller en Côte d'Ivoire là maintenant. Qu'est-ce qu'a fait l'ivoirienne qui, au moment de faire l'amour, confondu le lubrifiant, mais avec quoi? C'est la question que je vous pose maintenant tout de suite sur Skyrock dans la radio libre. Avec la colle? Si vous savez, vous nous dites au 41-759 sur l'appli Skyrock. On attend. Alors, vous avez la bonne réponse, vous nous dites. Moi j'irais de l'huile pimentée à pizza. Ouais, je pensais peut-être un truc comme ça. De l'huile pimentée à pizza dans la chatte. Ça lui a brûlé le cul. Ah bah la chatte aussi, ça lui a tout brûlé. Vous avez la réponse, 41-759, skyrock.fm, le premier ou la première se retrouve avec nous en direct et gagne FIFA 17, le jeu que vous gagnez et que vous avez gagné d'ailleurs en exclu sur Skyrock. Ouais. Et qu'on continue de vous offrir, bah oui, toute la semaine évidemment, puisque. Il y en a encore. Il y en a encore et il sort cette semaine donc. Bon, vous avez trouvé là, je vois les messages. Bon, c'est bon, fallait être rapide, hein, ça a écouté le morning, hein. Allez, on vous retrouve dans un instant et on en reparle. On reviendra d'ailleurs à ce qu'on a fait, ce matin, parce qu'on a parlé de plein de choses, on a parlé d'embrouilles dans le foot, on va y revenir. Ah cool, c'est bon ça, les embrouilles dans le foot. T'es pas au courant de l'embrouille du week-end? Alors, qui du moins? Alors l'embrouille du week-end, je vais pas te dire. Justement, si je te dis embrouille du week-end. Embrouille du week-end. Menace. Ah non, menace. Menace dans le football. Ah non, menace, je suis pas au menace courant. De cassage de gueule. Ah non, ça j'ai pas vu. Ah, on va te dire dans un instant. Faut se mettre à la page. Reste bien là, Samy, de toute façon, je crois que tu lâches qu'à minuit. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Très j'ai bien vu ce week-end que David Beckham, il faisait des pompes en slip, sur un piano. Avec une meuf qui buvait du vin à côté de lui. Très bien. Voilà, j'ai vu une vidéo comme ça. C'est pour une pub, non? Non, en fait, c'est en ce moment, tu sais, comme il y avait le Ice Bucket Challenge, des trucs comme ça. Ouais, ouais. En ce moment, il y a un challenge qui tourne, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, c'est un truc des militaires américains, là. Tu dois faire 22 pompes par jour pendant 22 jours. Ah ouais. Et en fait, Beckham, il a fait. Et moi, si j'en fais 200 par jour. Ouais, tu peux le faire 200 pendant 200 jours. Putain, le Ice Bucket Challenge, c'était quand même plus simple de se vider un saut sur la gueule. Ouais, c'est clair. En fait, c'est une galère, leur truc, les militaires. Putain, vos paris, les gars. Et le délire, c'est de faire les pompes dans des endroits un peu chelous. Et Beckham, il commence sa première vidéo, il fait des pompes dans un jet privé. Donc, tu vois, il est dans l'allée du jet privé. Ça va, l'endroit chelou. Et après, il fait les pompes sur un piano à queue de ouf avec des bouteilles de. Voilà, et moi, si je pompe dans une cave. Ouais, tu peux. Ou alors, je pompe le piano à queue. Ouais, vas-y, ça marche. Piano. C'est un autre délire. Une grosse queue. Ouais, voilà. Ah, bah, les pianos, ils ont des grosses queues. C'est ah, ouais, il y en a, putain, des sacrées queues, quoi. Alors, on a déjà la réponse, je vous ai dit qu'on avait la réponse. C'est qui est en direct avec nous? Brian, 17 ans à Rennes. Salut, Brian. Salut. Salut à toi. C'est bien, Brian. Tu te réveilles avec Skyrock et tu as bien raison, Brian. Parce que ça va te permettre de gagner ton FIFA 17 ce matin. Exact. Alors, notre Ivoirienne. Ce soir, ouais, plus, ouais. On n'est pas le matin, gros. T'as dit ce matin. Ah, vous n'êtes pas ce matin, vous. Je suis déjà demain, moi. Et voici la question que j'ai posée il y a un instant en Côte d'Ivoire. Au moment de faire l'amour, une jeune femme a confondu le lubrifiant avec Brian. De la colle. De la colle forte. Bravo, Karim. Mais toi, t'as écouté, on t'avait dit de pas jouer. Non, mais je l'ai dit au pif, gros, j'avais pas entendu ça. Ça, c'était en fin de morning. Ah oui, t'as écouté à 6h, à 9h, t'étais parti. Ça y est, je dormais. Écoutez le morning pendant 3h tous les matins. Hein. Vous pouvez gagner 1 500 euros et en plus, vous pouvez même jouer avec nous le soir. Et toi, c'est gagné du coup. C'est gagné, Brian. FIFA 17. Merci. Et voilà, FIFA 17 qu'on va t'envoyer à la maison à Rennes, toi, c'est ça hein? Ouais. Bon, t'es content. Bien joué, man. T'aimes bien FIFA? Ouais, ouais, j'adore. Tu vois, le nouveau, il déchire. FIFA 17, il est pour toi. Et tiens, j'ai d'autres questions à vous poser. Alors, est-ce que t'es au courant, puisque t'es écouté ce matin, t'étais à l'écoute vers 9h? Alors, attention. Ouais. C'est à 9h qu'on en a parlé. Est-ce que tu es au courant de l'embrouille footballistique? Ah, l'embrouille footballistique du week-end. Oui, genre. Ça s'est pas passé ce week-end, mais c'est sorti ce week-end parce qu'il y a un journaliste du journal The Sun. En Angleterre, que je lis tous les jours, parce que j'adore lire les journaux américains et chinois et italiens et japonais aussi. Et donc, il va sortir un bouquin et il parle. Il balance une embrouille entre deux stars du football. Ah ouais? Ah, il y en a plein qui écoutaient ce matin qui savent. Bravo Soso Sky, félicitations. Bravo à Nounouille aussi qui a trouvé. Bravo Nounouille. Ah, ça d'accord. Pourquoi que tu le meuf? Putain, vous êtes naze, les footballeurs de l'équipe. Ouais. Non, je suis pas au courant. Enfin, je sais que les deux se détestent, hein. C'est connu. Cool. Ils s'envoient à cause d'une meuf ou c'est. C'est pas Valbuena qui s'est embrouillé. Ah ouais, Valbuena, il était pas content quand il est sorti dimanche du terrain. Vous êtes pas souvent content en ce moment. Les Lyonnais, vous avez perdu. Ouais, contre Lorient. Alors, il s'agit d'Arsène Wenger et de Mourinho. Mourinho, José Mourinho. Ils se détestent les deux. Ah bah, ils se détestent. Et Mourinho a déclaré. Le jour où je le croise en dehors des terrains, je lui défonce la gueule. Ah ouais, oui. Ambiance. Il avait failli déjà sur le terrain se défoncer la gueule, hein, sur les bancs. Hein. Ouais, et donc il a déclaré ça. Donc Mourinho veut casser la gueule d'Arsène Wenger. Arsène Wenger, c'est celui qui était sur TF1 avant, tout mou là. Entraîneur d'Arsenal, ouais, entraîneur d'Arsenal depuis 20 ans, entraîneur d'Arsenal. Ouais, c'est pourquoi il veut lui péter la gueule alors. Il se déteste, gros. Bah, il se déteste ces deux là. Juste comme ça, cadeau. Ouais, bah, ouais, juste comme ça. Moi, j'ai envie de te péter la gueule, quoi. Mais par exemple, quand il y a, tu sais, quand Manchester ou avant Chelsea rencontre Arsenal, les deux ils se serrent pas la main, quoi. Des fois ils se traitent sur les. Ouais, ils se détestent. Ouais, c'est, ouais, tout le monde le sait. Même eux le disent ouvertement. Bah, je vais te baiser. Ah, ils se détestent. Mais toi, mais fais gaffe, je vais du gros, je peux pas te taper, mais je vais te donner un coup de combiné, tu vas voir. Attention, ouais, Romano, tu vas prendre un coup de clavicule avec ton corps en vrac. Un coup de cubine. Il n'y a pas eu un entraîneur en France viré où il y a eu une embrouille. Avec un entraîneur là? Ouais, un entraîneur qui a été viré du truc, non? J'ai rêvé peut-être. Non, tu t'es bourré, Marie. Oh, c'est pas un rêve, hein, c'est l'alcool. Non, ouais, des fois les entraîneurs ils se prennent des cartons rouges, ils vont en tribune, tu vois, mais ça arrive tous les week-ends, quoi. Ouais, mais là, deux entraîneurs entre eux. Ah, non. Bah, deux entraîneurs qui veulent se taper sur la gueule, non. Ouais, ça va finir en bagarre, cette histoire-là. On oublie, j'ai vu ça dans ma tête. Dis non, là, sur SMS. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre comme info aussi? Zlatan qui s'est retrouvé avec un sosie de lui sur le terrain, vous avez pas vu ça? Ah, si. Il y a la photo sur les réseaux de Skyrock, on l'a mis ce matin. J'ai vu. Et donc Zlatan. Avec le même nez ou quoi? Pas la même gueule, ouais. Le mec lui ressemblait grave. Et Zlatan a fait. Zlatan. Il est embrouillé. Bon, bah, tu pourras jouer avec Zlatan et avec tous les autres joueurs. Bravo à toi, Brian. On t'envoie le FIFA 17 à la maison. Yes, Brian. Merci. Bien joué. On nous dit l'entraîneur de Auxerre s'est embrouillé ce week-end. Ah, il s'est fait virer. Si, Moldovan. Il a traité un peu ses dirigeants. Ouais. Il a dit que c'était des amateurs, gros. Bah, il s'est fait virer. Ah, donc j'ai pas rêvé. C'est l'entraîneur d'Auxerre. Bravo, Marie. Deux. Félicitations. Enfin, super l'info. Je sais que depuis que Giroud est parti, ça va plus. Ça va plus. Bon, eh bien, d'autres FIFA à choper tout à l'heure. Et puis écoutez bien le morning tous les matins entre 6h et 9h. Tiens, que vous connaissez l'endroit où on fait le plus l'amour à l'extérieur? La voiture. Ah oui. Ouais, on a bien joué ce matin. Bravo le l'équipe. Du jour. Bravo l'équipe. Vous êtes des baiseurs, les gars. C'est bien. Vous êtes trop fort. Tiens, regarde le sosie de. Je suis sur les réseaux de Sky, là. Il est sur tous les réseaux. Le sosie de. Ouais, j'avoue. On va vous le mettre d'ailleurs si vous l'avez pas vu ce matin. On vous le remet sur Snap, sur Facebook et sur tous les réseaux Skyrock. Et sur le difool.skyrock.com. Bon, il a rigolé, mais il lui a fait. Il n'y a qu'à Zlatan. C'est moi. C'est Zlatan. Vas-y, bouge. Allez, dégage. Allez, t'as fait ta photo, bouge. Allez, I'm the boss, il a dit. Bon, Brian, on t'envoie ça à Rennes. Bravo à toi. On va faire le clash là dans un instant. Juste avant, on va prendre des nouvelles et on reviendra peut-être aux conneries que vous avez fait avec vos parents. D'ailleurs, on aura. Y a qui? Y a Marwan là qui nous a contacté sur le Snap de Skyrock. C'est Skyrock FM, le Snap de Sky. Conneries. Par rapport à sa mère, c'est pas vraiment une connerie, c'est un truc qui arrive à tout le monde, mais on va y revenir. Il doit être avec nous d'ailleurs, on va le saluer. Merwan de Nîmes. Salut Merwan. Salut Merwan, ne bouge pas Merwan. Mais juste avant, j'avais parlé d'un éducateur qui devait débarquer, un peu notre Pascal le grand frère de ce soir, pour Nathan, qui a merdé par rapport à sa mère, enfin par rapport à l'école, surtout il se fait virer. Ouais. À 16 ans. Alors qu'on l'avait prévenu,

Lila, ouais, ouais, tu vas voir. Lila qui dit qu'il demande un certificat médical, comme quoi il est dépressif, ça justifiera son attitude, ils seront plus cléments. Non, mais elle est pas, c'est pas con, Lila. Ouais, mais après, ils vont l'envoyer en HP parce qu'il est dépressif, ils vont lui dire ça va pas. Ah ouais, ouais, c'est mort, gros. Merci de l'idée, Lila. Bon, et on va vous mettre la vidéo dont tu l'as mis, Samy. Ouais, je viens de la mettre à l'instant. Ouais. Bon, Beckham en slip. La vidéo de Beckham en slip, c'est pour vous, les filles, le mec qui fait des pompes sur son piano. Tu voulais faire une dédicace, vas-y, Jeff. Ah cool, merci. Déjà, ma mère, mon père et ma sœur, quoi, ma famille, les salut potes, famille. Ma copine que j'aime. Mmh. Et s'il y en a qui font du BMX, ceux qui kiffent le BMX, Instagram, monde, ouais. Jeff Verboom BMX. Eh ben, je vais te revoir, donc Jeff Verboom BMX. Jeff Verboom avec un V au début. Ah, Verboom, d'accord. Mais boom parce que tu te casses la gueule, non, c'est quoi? C'est ton famille, c'est peut-être. Famille, j'y peux rien. D'accord, ouais. Exactement. Donc c'est Jeff Verboom. Salut, voilà. Jeff. Merci du coup de fil. Ciao, Jeff. Ciao, ciao, ciao. Salut. Alors, on va vite prendre Samir parce qu'il a 5 minutes, Samir. On va le prendre avec nous. C'est, ouais. Et juste après, on fait le clash. Ah, on peut faire la pesée aussi. Oui, on fera la pesée, Cédric, mais pas tout à la fois. Ah ouais, je suis impatient de faire la pesée. Ah bah ouais, parce qu'il a maigri, Cédric. Ouais. Tout le monde me le dit, je te jure. Et casse-toi l'autre clavicule. Tu veux pas qu'on te casse une jambe aussi? Laisse-moi tranquille. Romano, t'as pas un marteau? Ouais, si on peut s'arranger. Ouais. Tu veux pas qu'on te casse la gueule aussi? Aussi. Non mais ça va aller. Si tu maigris chaque fois que tu te casses un truc, Cédric. Regarde. Ah, c'est mort. Bon, la pesée, on va faire. Samir, t'es avec nous, Samir. Salut, ça prévente Skyrock. Wow. Quand vous nous appelez, on vous laisse pas tomber. On fera pareil avec Nathan. On prendra une nouvelle de Nathan là. Tu m'as l'air bien heureux, Samir. Ça fait plaisir. Bon, alors. Pas trop, hein? Oh merde! Non, mais non. Donc, toi, tu nous avais appelé. Non, ça s'est très bien passé. Ah, trop bien, on est à Toulon, 89 FM pour écouter Skyrock à Toulon. Donc, c'est toi, ça. Tu voulais demander ta meuf en mariage, donc t'as 25 ans, t'es toulonnais. Et c'est le jour de son anniversaire. Et tu voulais faire ça le jour de son anniversaire et tu nous as demandé qu'est-ce que je pourrais faire de spécial pour marquer le coup, tout ça. On a eu des idées, mais. Johnny très très bonne idée. Johnny l'auditeur. Ouais, Johnny là. Ah, Johnny l'auditeur. Oui, c'est vrai. Rock and roll. Johnny Hallyday. C'est putain, Johnny Hallyday dans l'émission. Ah ouais, non. Je me rappelle plus. Non. Non, donc voilà, donc il avait donné une bonne idée. Donc ce que j'ai fait, je vais. Parle bien dans ton téléphone, Samir, quand t'entends bien. Là, tu m'entends? Ouais, super. Ouais, donc voilà, en bref, ce que j'ai fait. Donc en fait, je suis resté en France parce qu'elle avait un problème de passeport, il était périmé. Ah, on t'avait dit d'aller faire un tour, mais sans passeport, tu peux aller, tu peux aller à Venise par exemple, aller en Italie. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec ta pièce d'identité. Ouais, mais en fait, comme je savais pas, j'ai pas pris le risque. Bien fait. Mais pour l'instant, on peut encore, tant qu'ils ont pas remis des frontières et des murs autour de la France, pour l'instant, c'est pas encore fait, ça ne saurait tarder. Ah, ben, je le saurai pour la prochaine fois. Donc profitez-en, pour l'instant, on peut encore sortir de notre pays. On peut se promener. C'est possible. Ah ouais, donc comme j'étais pas au courant, j'ai pas pris le risque. En fait, je suis parti sur la Côte d'Azur, donc sur Nice. Bon, ça va, c'est moins loin, c'est moins cher, hein, Romano. Ouais, c'est vrai. Quoi, Nice, c'est pas donné comme ville. Hein. Ouais, mais Toulon, Nice, c'est moins loin en voyage. Si, voilà, comme on dit, c'est pas donné. Ouais, c'est pas donné. Tu vas voir le prix du hôtel. Donc franchement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis parti deux jours à l'avance. Donc j'ai pris un hôtel de luxe. Je suis parti. Combien la chambre? La chambre. En fait, j'ai pris un pack. Assieds-toi, c'est toi, Romano. Attends, je vais me mettre en condition. Ouais. Romano, s'assoit. T'es assis. Ça va. Vas-y. Ouais, donc, en fait, j'ai pris. Quand je suis parti voir le responsable de l'hôtel, il m'a proposé un truc. Donc, j'avais expliqué que c'était pour une demande, c'était pour un anniversaire, etc. Mm-hmm. Donc, lui, il m'a proposé un chauffeur qui vient récupérer la. T'as sorti le grand jeu, ouais. Qui vient vous récupérer quand vous arrivez à Nice. Ouais, t'as sorti la carte bleue aussi. Ouais, c'est ça. Qui vient récupérer donc ma copine à la gare. Oui. Qui l'amène à l'hôtel et ensuite qui l'amène au restaurant. Ouais. Donc il y a eu ça. Il y a eu. Tu l'as pas reçu dans ta chambre. Moi, j'aurais reçu directement dans la chambre d'hôtel. Il y a eu la mise en place de la chambre. Donc pétales de rose en cœur sur le lit. Comme c'est romantique, c'est cucu, mais c'est romantique. Champagne, mais c'est cucu. Boîte de chocolat, voilà, champagne, etc. Combien donc, Romano, il veut le prix. Il y a eu un violet et deux verres pommes, 700 euros. Ah ouais, quand même. Combien? Une nuit ou deux nuits? Non, deux nuits. Non, deux nuits. Ah ouais. Mais ça, c'est que l'hôtel. Franchement, je m'attendais limite à plus. Moi, je m'attendais à ça. Bon, c'est déjà pas mal. 700 euros, c'est déjà pas mal. Non, mais parce qu'apparemment, ils m'ont fait une remise. Ah, en plus, ils t'ont mis bien. 700 euros, ils te font une remise. Ouais. Heureusement qu'ils ont fait la remise. Non, mais si t'étais dans un gros. Mais le 5 étoiles, c'est pas. Non, mais j'étais dans un beau truc. C'est bien. Franchement, il était magnifique. Et alors, tu l'as fait ta demande en mariage quand? Donc en fait, je lui ai laissé son billet dans sa boîte à gants, enfin sa sœur lui a laissé.

scraped her up in ice. I put my phone ice. Birds in the trap sing by midnight. Percocet and codeine, please don't take my life. She had a dream with Celine, so I bought it twice. Your nigga make it right back tonight. Girl, you're so cute and your ass is nice. Drinking the phone and I'm shooting dice. Wrist pull a bad Klondike. And I'm loving all races. Hell nah, don't discriminate. Drinking on clean, sanitized. Out your seats with the frog eyes. You forever call your phone, baby. Better believe it's only one time. Pick up the phone, baby. Hit in the block, it don't bleed it. Throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. Ce morceau de Travis Scott, évidemment découvert sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. C'est nous, Pick Up The Phone. Travis Scott, et ça se finit comme ça. T'en crois à l'église. C'est mignon, hein. Ouais. Ouais. Alléluia, mes frères et mes sœurs. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et on est là, vous aussi, ça tombe bien, Radio Libre. C'est tous les soirs en direct sur Skyrock. Ne loupez pas le rencard. En plus, on a des surprises. Cédric nous a fait la surprise de revenir dans le studio ce soir. Il nous honore de sa présence. Après deux mois d'absence. Ouais, deux mois. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es pas deux là? Deux semaines. Ah ouais. C'est dingue, hein. Je te manque. Regarde les courbes d'audience de l'émission. Regarde depuis deux semaines. Pourquoi il y a des points? Ça monte. Pourquoi ça monte comme ça? Je sais pas. C'est dingue. J'ai les courbes d'audience de l'émission qui ont monté, mais comme jamais ça a monté. Et alors, par contre, t'as kiffé quand je gagnais les clashs? Non, mais avoue, t'as kiffé quand j'ai baisé Seul à l'équipe. Ah, t'as kiffé, Cédric. En plus, je les avais baisés sévèrement. Pour une fois, tu vois, juste, on le fait une fois. Les pucelles. C'est le nom de leur film. Bon, allez, on y va pour un clash en live ce soir. Vas-y. Les autres étaient en live aussi. Hein. Pour ceux qui te demandent de retourner à l'hôpital, tu y retournes mercredi pour te faire opérer. Ouais, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, une petite opération. Donc, quand on aura mercredi soir, tu seras à l'hôpital. Ouais. Donc, quand on aura à l'hôpital, défoncé mercredi soir. Ah, bah, il y a des chances. Ouais. Faut venir, hein, jeudi matin me voir. Hein. Ah, hein, si tu veux. Faut me ramener des croissants. Si tu veux. C'est à côté de l'appart. Je te jure, gros, ça. J'expliquais à Cariole l'autre jour, c'est. Tu vois le pont à côté de l'appart? Juste à droite là. D'accord. Ah, ouais, c'est bien. En plus, Cariole, quelle source de l'orientation, elle va m'emmener complètement à l'opposé. Vous allez vous retrouver à Créteil. Ah ouais, je sais pas. Juste derrière les hôtels. Bon, donc Cédric de retour, clash de la drague, allez, on y va vite. J'ai hâte de voir les prestations, nous dit Joachim. Cédric a eu le temps d'imaginer des méthodes pour le clash, nous dit Nicolas. Bah oui, en effet. T'inquiète. Il y en a plein des méthodes dans son cerveau, car on a appris qu'on avait découvert que tu avais un cerveau. Avec une truc cérébral. Non, mais je vais leur demander qu'ils me réimpriment le truc de mon cerveau, comme ça je vous montrerai mon cerveau. Oh, bah super. Vous allez voir le beau cerveau que j'ai. Je demande qu'ils fassent un zoom. Oui. Bah pourquoi un zoom? Faut agrandir. Là. Bah ouais, qu'on voit quand même. Ah ouais, qu'on voit un truc quand même. Alors, Cédric, quelle est ta méthode? Alors, ma méthode, c'est que. Alors, attends, c'était quoi? Là, c'est le truc. C'est que je bande bizarre là, depuis quelques jours. Là, je prends des médicaments. Bite un coup, un bande à gauche, un coup à droite. Et je voulais que la femme me suce un petit peu pour voir si le sperme il était normal, lui, par contre. T'as la bite difforme, quoi. Ouais. Non, mais comme ton visage et ton corps. Ça bande, après ça débande, allez. Après je sais pas, quoi, tu vois. Ou ça m'inquiète un petit peu, quoi. Mais tu as bien raison. C'est excitant d'entendre parler de la bite de Cédric, vous trouvez pas? Ah, c'est magnifique. Ah, tu sais que j'ai même pas réussi à bander depuis deux semaines, hein. Ah ouais? Ah, je te jure, gros, j'arrive pas. Tu bandes plus? Ah, mais ça m'inquiète. L'autre jour, j'avais mal au huc, j'ai chié un truc gros comme toi, ton poing quand tu rentres comme ça, là. Ouais. Ça fait trois jours que j'avais pas hier, j'ai chié un truc comme ça, mon pote, je peux te dire que. Et t'as un trou du cul comment? Parce que mon poing qui me passe par le cul, ça fait ça quand même. Ah, hein. Mais gros, j'ai mis. Ça veut dire que le trou du cul de Cédric, il est au moins comme ça. Non, mais je te jure, c'est ce que tu m'as raconté ce matin, là. Non, mais il m'a raconté ça ce matin, gros, je te jure, c'est un truc de ouf. C'est quand tu chies, t'en as pour 20 minutes parce que ça veut pas sortir, ça rentre, ça sort. En plus, ça te fait mal. Mais t'es pas humain. T'as le cul démonté. Tu sais, tu serais une femme, tu pourrais accoucher du cul. Mais t'es une bête. Ah, mais non, mais la prochaine fois, je vais la prendre en photo. Non, mais non, c'est bon. Ah, mais le truc, je jure, c'est une pomme de terre, quoi, le truc. Ah, c'est une pomme de terre. Une grosse patate, quoi. Une méga patate, quoi. Si vous voulez enculer Cédric avec des potes, vous rentrez à plusieurs à l'intérieur. Plusieurs en même temps. En même temps, bien sûr. Ah, bah ouais, simultané. Bon, Romano, ta méthode de. Bon, vu que c'est la journée mondiale de la contraception. C'est vrai. pour qu'il n'y ait pas de Russes, que je vais enculer la famille. Ah, comme ça, pas de risque de bébé. Allez hop. En fait, la journée mondiale de la contraception, la pilule, le préservatif, tout ça. J'espère que la famille sera réceptive et qu'elle voudra fêter cette grande journée avec moi. Et moi, je vous conseille donc de bien écouter ce clash et puis de voter Cédric aussi. De voter après. Ou Cédric. Voter Romano. Ou Romano, c'est comme vous voulez. Tadar, il a mal parlé sur toi, j'ai entendu au début de l'émission. T'as entendu, il a mal parlé. Ouais, oublie pas, ouais. Je l'ai remis à la main de tour. Romain, les réseaux sociaux, je suis à combien de victoires à la suite? Qu'est-ce que tu lui demandes ça à lui? Alors, ça fait une semaine, mais t'es complètement idiot. Je gagne depuis la rentrée. Okay, bah, calcul, connard. Merwan est avec nous aussi, on le retrouve juste dans un instant. Rapport avec ta mère, hein, Merwan. Tu veux parler de ta mère? C'est un peu la soirée des darons ce soir. Des darons qu'on énerve. Alors, Merwan, t'as un petit préféré pour le clash ou pas du tout? Ou un gros préféré comme Cédric? Merci, mon pote. Ah, c'est le petit préféré, alors, c'est Romano. Eh ben, on y va pour le clash. Zéro défaite depuis la rentrée. Ce soir, on continue dans la win. Votez Romano. On change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Mais moi, je suis, c'est ça. Une équipe blessée, il faut la soutenir, la famille. Allez, on l'achève ce soir. Non, je compte sur vous tous et vous toutes pour me soutenir. On achève le Belge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et on fera la pesée de Cédric tout à l'heure parce que tu dis gros, mais un peu moins gros, a priori. Moi, je dis que tu fais. Mais tout le monde me le dit, hein. 85. Tu sais que ça me fait plaisir parce que je me dis putain, je me fais. Mais c'est vrai que t'as un peu perdu de la gueule. Ouais. T'as deux mentons et demi, trois quarts, là. Ouais, non, mais je te jure, mais même moi, quand je me regarde, je suis un peu moins, tu vois. T'es dans la glace. Un peu moins. C'est bien. Mais tiens, Cédric, pour continuer. Photos sur tous les réseaux de Sky. Pour continuer dans la finesse concernant ton caca gros comme une grosse patate. Ouais. Il y a Cumusclé, 19 ans. Bonjour Cumusclé. Cédric, tu peux pas tester. J'ai déjà bloqué le trou des chiottes tellement elle était grosse, ma mère. Oh putain. Non, mais t'es inhumain toi aussi. Mais comment tu peux sentir ça d'être trop. Mais moi, Yélène, elle a disparu carrément. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans le truc et tellement elle était balèze, elle est partie directement. Non, mais ça arrive souvent, ça. Ah ouais? Ah non, moi, ça m'arrive pas souvent. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, j'ai chié. Bah, c'est normal, Cédric, pour la première fois de ta vie, tu chies dur, alors que d'habitude, tu chies liquide. Non, mais elle glisse toute seule, je sais pas, elle doit avoir une forme aérodynamique, elle part. Non, moi, je voulais voir quoi ça ressemble. C'est comme un toboggan aquatique, quoi. Moi, je voulais voir quoi ça ressemble, le truc, il s'est barré. Bah, fallait mettre la main, elle a retiré. Ouais, c'est ça. Pensera pour la prochaine fois. C'est ça, c'est comme un aqualand ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, toboggan aquatique. Bon, on y va pour la première famille. Bon, vas-y. C'est pour toi, Cédric. Allez, vas-y. Vas-y, naze. Ce soir. Allez, Mathieu, Alexandre. Vous réagissez pour le clash sur tous les réseaux et évidemment sur le 41759 et le skyrock.fm et l'appli Skyrock. Tout ça, ça arrive directement sous nos yeux. On salue Biff sur le boule. On salue Amine, Cortez également. Toi, Toancho qui vient d'arriver. Là, c'est Max qui, c'est Alex, du 38 et on appelle Alex, ouais. Anto du 22 qui vote Romano. Anto, 14 ans. Merci, Anto. Ah. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Alexandre Lechèvre. Pour le moment, veuillez me rappeler ultérieurement. Je vous remercie. C'est Alexandre Lechèvre. Eh ben oui, c'est chose qui arrive. Salut les filles. Salut les filles. Allez, une autre. C'est marrant parce que Roger lui, il va décrocher, il va écouter sur le répondeur, il va entendre salut les filles. Allô, allô. Roger. Ouais, Roger, comment ça va? Roger. Oui. Ouais, ça va, nickel. Allô. Qui est à l'appareil là? Ah ben, je me présente, moi, c'est Michel. Je t'appelle parce que là, j'ai pris 2-3 médicaments là depuis quelques jours. Et j'ai le zizi qui bande bizarre. Tu comprends? Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça m'inquiète un peu, donc je voulais que tu me fasses une petite fellation, histoire de voir si le sperme, il allait bien, quoi. Ah ouais? Parce que j'arrive pas à le faire sortir, le bordel. Ça te dirait pas de me faire une petite gâterie? Allô, Roger? Ouais. Ouais, je voulais venir à la maison, histoire de faire un petit câlin. Non, mais... Non. Tu pourrais me dire ton nom? Ben, je viens de te dire, c'est Michel. Michel le beau gosse. Avec la bite qui bande à droite ou à gauche. C'est au choix. Voilà. Allô? Bravo. Je suis sûr qu'il est parti regarder sur Internet. Ouais, mais bien sûr, mais bien sûr. Ah bah, Michel le beau gosse. Je pensais peut-être plus sur le Minitel, lui. Bien sûr, le mec est tellement en panique qu'il n'arrive plus à raccrocher son téléphone. Ouais, que... Il appuie sur toutes les touches. Je crois qu'il ne vit pas forcément à la même époque que lui. Non, mais il a un téléphone, Romano. Oui, il en a quand même, oui. Ouais. Oui, quand même, toi, ça fait un moment que ça existe. Hein. Mais ouais, mais il en a quand même. Hein. Il en a quand même. Un téléphone à fil. Ouais. Il vient de se le faire installer. C'est truc. J'espère qu'il n'a pas fait un arrêt cardiaque, nous dit. Non, mais non. Mais non. Ah, mais ça va, il est en pleine forme, Roger. Mais oui, je suis sûr qu'il est en plus. Veuillez me donner votre nom. Non, je suis sûr qu'il est parti googliser mon nom. Ouais, c'est sûr, il a Google et il adore ça. Lui, maîtrise en Michel le beau gosse, quoi. Il allait voir, c'est un hacker, lui. Il allait voir Google sur le Minitel. Pas mal. Ouais. Bon, Romano, à toi. Bon, bah, devant cette triste démonstration. Je suis malade. Oui, bah, écoute, fais-toi soigner. Je fais que ça, gros, j'en ai marre. C'est alors, qui? Patrick pour Romano. Bonne chance Romano, la team Romano en force pour le poteau. Poteau du 95. Merci poteau, votez Cédric tout à l'heure. Ça encourage également Romano du côté du 21, c'est la Bourgogne. Bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. Après le bip sonore. À bientôt. Pas de problème, ma chérie. Ah, il y a quelqu'un. Allô. Allô. Jean-Marc. Allô. Ouais. Oui. Ouais, comment vas-tu, Jean-Marc? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Dis-moi, je t'appelais, je suis un copain de ta femme. Allô? Jean-Louis. Jean-Louis, ouais. Et dis-moi, aujourd'hui, tu sais, c'est la journée mondiale de la contraception, là. C'est quoi ces conneries? Ben, c'est pas des conneries, t'as pas regardé les infos, ils l'ont dit. Et soit pour fêter ça, pour qu'il n'y ait aucun risque, je serais prêt à venir sodomiser ta femme. Mais seulement pour fêter la journée. Hein. Voilà. Je suis pas sûr, ma gueule. Ouais, mais lui, il était pas chaud, lui. Bah, si, il avait l'air chaud. Non, non, il était pas chaud. Mais je comprends pas ces gens qui sont pas chauds. Tu viens baiser leur femme, ils sont pas chauds. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Oui, c'est très étrange. C'est pas complètement fermé d'esprit alors qu'on est quand même en 2016. Il devrait être content, quoi. Exactement, Cédric. Tu vois, ouais. Romano, ta méthode est approuvée par Cédric. Merci, putain, c'est un peu. Ouais, mais pas sur la peine. J'ai peut-être en changé, du coup. C'est pas sur la peine, rien fait. Attends, je vais réfléchir. Deuxième tour. Vas-y, on va chez qui? Allô? Allô, bonsoir, madame. Jean-Claude, il est là, s'il te plaît? De la part de qui? C'est de la part de Michel, le beau gosse. Bon, attendez, je vous le passe. Merci, merci, ma belle. Michel, le beau gosse. Allô? Ouais, comment ça va? Qui est à l'appareil? Ah ben, c'est Michel, Michel, le beau gosse. Je t'appelais parce que là, depuis 2-3 jours, là, je prends des cachetons là et ça me fait bander bizarre. Ouais, va te faire voir. Bah attends, je t'explique. Oh putain, vas-y, rappelle-le. Eh, c'est vrai que franchement, tu pouvais te foutre de ma gueule. Il demande un rappel, on lui donne. Attends, ah, tu veux un rappel? Eh ouais, on peut noter sur votre iPad. Ah ben, attends, faut raccrocher déjà la ligne. Occupé. Ah, si c'est occupé, ça compte quand même. Hein. Ah, t'as de la chance, ça ressonne. Alors, c'est ton rappel, Cédric. Ne crie pas victoire trop vite, Romano, on ne sait jamais. Non, mais j'ai rien crié du tout. Allô, ouais, Jean-Claude. Bon contact. Jean-Claude, ça a coupé, je voulais passer à la maison. Mais je suis... Quel Jean-Claude tu demandes? Bah, n'importe lequel, moi, c'est du moment que tu me fais une petite gâterie, ça me suffira, hein. Connard, va. Bah quoi, je voulais juste voir si mon sperme, il était normal. Ouais, abruti. Tu veux demander à ta femme de le faire? Voilà, hop là. Putain. T'as bien fait de passer ton deuxième... Bah, tu peux parler, Romano. Vraiment. Le talent, allez t'abrute. J'ai envie de te taper, tu m'énerves. Il talento bah, ouais. Allo stato puro. Eh, de toute façon, je vais te dire un truc, Cédric, si t'as envie de me taper, c'est que t'es pas bien malade. Si, ah, mais je peux pas, justement. T'aurais vraiment mal. Bah, traduis ce que j'avais dit juste avant, Marie. Ah, d'accord. Ah, mais je te jette un standard dans la gueule ou un truc, quoi. Oh là, l'autre, il est violent, en plus. Ou je dis à Karim de t'en coller une, tiens. Non, mais il le fera pas. Ah, timide Cédric, là, on va donc. Non, il fait un snap, je sais pas, t'es sur quoi, sur Periscope? T'as fait un snap? Ouais, c'est ça. Il y a un super snap, Romano imitant Cédric en faisant quatre mentons. Pas mal. Fais voir. Et là, c'est moi, là. Bon, vas-y, appelez-moi quelqu'un, là, bon. Je suis chaud, là. Allez, à toi, Romano. Oh, cacao. C'est ton deuxième coup de fil et t'as un rappel. C'est Fabien. Allez, Fabien. Fabien. Il est content. Je suis content. Tu me mords de rire. C'est la meilleure vanne de la soirée pour lui. Eh, mais t'es bourré, toi, ça, ou quoi? Non, il est con. C'est juste. Ah. Tu parles de qui? De Romain des réseaux sociaux. Les lignes de votre correspondant sont momentanément interrompues. Chez lui, quoi. Votre non, il a plus de téléphone plutôt chez lui. Julien. Allez, Julien. Et attendez pour voter, hein, parce que je vois Alex qui dit je vote Romano 5 minutes. Vivi qui vote pour Cédric. Allô, Julien. Allô, Julien. Oui. Oui, ah, ça c'est la femme de Julien, ça. Ouais. Il est là, Juju? Ouais, il est là. Ah, j'oublie pas, c'est bien. Ah, putain, comment elle fait? Une radio, allô, un truc comme ça. Ouais, Julien, comment vas-tu? Ouais, c'est qui? C'est Jean-Louis, là, à l'appareil. Je t'appelais pour la journée mondiale de la contraception. C'est Jean-Louis? Jean-Louis. J'ai entendu, bon, du coup, j'ai parlé à ta femme, elle est là. Est-ce que ça te dérangerait qu'éventuellement je vienne la sodomiser pour la journée mondiale de la contraception? Je te dis, c'est une radio. Mais non, c'est pas une radio. Hein, non. Ah non, c'est purement sexuel. Je passe dans 5 minutes. Comment il s'appelle déjà? Julien. On prend un troisième tour ou pas? Je crois pas, je crois qu'on va prendre. T'as le choix de. Non, vas-y, on prend un troisième tour. Bah, moi, je transforme mon rappel en tout. Mais c'est pas toi qui décide des règles. Dans ce cas-là, j'ai c'est comme tour, si un joueur de foot sur le terrain à la 90e minute, tu fais bon, allez, on va jouer jusqu'à 120. On va faire les pénalty après. Ouais, 120, on fait les pénalty. Bon, je donne un troisième tour aux deux, allez. Allez, vas-y. Bah, Cédric, t'as rien fait. C'est quand même dommage que tu reviennes. Putain, fais chier. Avant de te faire opérer mercredi, il est de retour aujourd'hui et il fait rien. Allez, Cédric, montre de quoi t'es capable. Ouais, mais je sais pas, la famille, là, était pas. Jean-Claude, ça va, elle était un peu chaud, mais. Ah, il était un peu chaud. Ouais, ah, il m'envoyait chier, mais t'es pas chaud pour baiser, quoi. Ah non, pour baiser, non. Ah oui, tu veux dire qu'il était chaud, chaud. Ah, il était bouillant, lui, ouais. Alain. On est chez qui? Alain? Oui. Ouais, bonsoir, Alain. Comment ça va, ma poule? Oui, qui est-ce? Eh ben, je me présente. Moi, c'est Michel. Je t'appelle parce que j'ai un petit problème, là. J'ai pris des médicaments, là, depuis 2-3 jours. Et ma bite, elle bande bizarre. Un coup, elle bande à gauche, un coup à droite. Je suis un peu perdu, quoi. J'ai un peu peur. Donc je voulais que ce soir tu me fasses une petite fellation histoire que voir si le sperme ça fonctionne quoi. Histoire que voir si le sperme ça fonctionne. Parce que quoi. Ça veut plus sortir. Ça... Alain, c'est sympa. Moi, je dab sur la musique qui passe aussi. Ah, pas dab. Oh, putain. Et voilà. Allez, vas-y. Remballe. Remballe le naze. Allez, allez, allez. Il est parti, Alain, c'est drôle. Et moi, j'ai un appel et un rappel. Oh là là là là, mais que c'est va-t-il Patrick. Nous faire? C'est Patrick, c'est pas le même que tout à l'heure. Non. Et c'est pas notre Patrick à nous. Ah, puis, oh putain, je, ce serait le temps. Hello. Ouais. Hello. Alors, comment tu vas, la vieille? Ça va et toi? Ah, ça va nickel. Il est là, il est là, Patrick? Non, il est couché. Ah, il est couché. Bah, je vais venir me coucher avec toi un peu, moi. Hey, on va faire l'amour pendant que Patrick il dort. Oh putain. J'arrive dans 5 minutes. J'avais un petit truc à boire. Parce que vu ton état, t'as dû tout finir. La femme à Patrick. Allô, beauté. Hé hey, hey. Beauté! Elle est tombée, je crois. Elle est décabanée, elle est décabanée. Allô? Chérie? Chérie? Ah, ils sont là, on entend de la très belle musique derrière. Voilà, elle est peut-être partie chercher Patrick. Voilà, non, on sait jamais. Elle a peut-être soif. Allô? Je crois qu'elle s'est elle est partie servir un petit verre. Ou alors elle est tombée raide. Non, je pense qu'elle s'est couchée, là. La meuf, elle a 3 grammes dans chaque bras, nous dit. Ah ouais, non, mais là, c'est même plus 3 grammes, là. C'est même dans les jambes, elle en a. Allô? Elle est bourrée. Allô, ma belle. Elle a l'air défoncée, vous trouvez? Bon, il y a plus de tour là. Non, il y a plus de tour, mais je... ouais, on mais du coup ça va. On raccroche et on la rappelle. Ouais, mais c'est un passionné occupé. On va voir, on essaye. Hein. Alors, on raccroche. Non, on la rappelle. Elle. Suspense. Oui, on va pas rappeler sa sœur, Cédric. Ouais. Oh là, rappelle elle. T'es sûr que Samy t'as pas essayé de faire une magouille là? Non, je rappelle la même, moi. Tu crois qu'il rappelait quelqu'un d'autre? Mais t'es complètement parano. Attends, donne-moi ça, je vais. T'es dans ta paranoïa, man. Allô? Allô? Ouais, comment vas-tu? Bah, ça a coupé. Bah ouais, j'ai fait tomber le téléphone. Ah bah oui, bah ça, évidemment. Dans l'état où t'es, ma pauvre. Je vais arriver dans 5 minutes là. Ouais, tu viens avec Koué? Non, je pense pas qu'il viendra, lui. Non, il viendra pas. Mais je vais venir avec du rouge. Ah ouais, du rouge ou du rosé? Ouais, du rosé, les deux. Les deux. Oh, ouais. Et du blanc, tant qu'on y est. Du blanc. Ah ouais. Ouais, ça c'est bon ça. On boit un peu et puis après on fera l'amour. T'habites aussi? Bah, je suis pas sûr. Oula, oui. Bah, je vais venir faire l'amour avec toi avant que tu t'endormes. Ouais, je suis pas sûr là. À tout de suite, ma chérie. Je crois que t'es éteint. À tout de suite, j'arrive, ma chérie. À la tienne, hein. À la sienne. Elle est toute contente. Trop cool, je passe à la radio. Hey, on coule. Et alors là, vraiment, et puis ça, on va t'envoyer l'enregistrement. Je pense que tu seras fier de toi quand tu seras net et que tu vas te réécouter. Fais écouter à la famille. Fais écouter ça dimanche. Hey, vous avez vu, hein? Elle n'empêche, elle a dit oui. Hein. Femme qui a bu. À moitié dans ton lit. Non, rien du tout. Femme qui a bu, il lui casse le cul. Ah voilà, si tu veux aussi. Non, elle a reconnu sa coupe. Femme qui a bu, un serrage. Jamais, rien du tout. Bah si, Cédric, j'ai serré. Non. Blanc, rouge, rosé, j'arrive, je lui fais l'amour, elle a pas dit loin. Moi, Marie, je la fais boire tous les soirs, gros, c'est pas pour autant que je la baise. Ah, hein. Bah, tu me fais boire. Elle a peut-être du goût. Je t'ai fait boire, ouais. Ah, Marie a du goût, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bravo, Marie. Exactement. Alors, vous votez au 41-759 ou alors sur l'appli Skyrock, vous votez pour Romano ou pour Cédric. Pour Cédric ou Romano, qui est le plus beau, qui vous a le plus ému pendant son serrage? Ça c'était là, c'est bien passé, toi, t'es content? Ouais, ça va, franchement, c'est bien pratique d'avoir de la viande saoule. Il y en a plein qui disent ça, mais c'est pas bien. Ah non, mais ça, ouais. Non, mais c'est pas bien, ça va, c'est au téléphone. Hein, Oui, non, mais pas toi. Mais... Cédric, alors, une petite déclaration. Bah, écoute, ouais, je suis Jean-Claude, non, c'est Cédric, c'est moi. Oui, mais. Il a dit Cédric. Mais je vois pas trop ce que tu vas déclarer. Bah, laisse-moi déclarer. Mon brave ami. Je m'en fous, je veux déclarer quand tu même. Tu vas dire quoi? Pendant 3 tours, t'as losé? Tu peux respecter monsieur l'arbitre, s'il te plaît, déjà, pour commencer? Bah, je le respecte, l'arbitre. Bah, alors, tu connais c'est toi Cédric, que je le respecte c'est moyennement. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, moi, j'ai eu un petit contact avec Jean-Claude. Jean-Claude, il était chaud. Chaud, chaud, chaud. Donc, pour ça, voter Cédric, c'est EDRIC. Je vous aime très, très mais fort. T'es un gros mytho. Je vous jure, c'est qui grave malade? C'est qui le grave contact avec Jean-Claude? C'est la dernière famille qu'on a, l'avant-dernière. Ah, celui qui voulait te casser la gueule? Ouais, c'est ça. Donc il y pour avait ça. Rien de chaud, quoi. Mais ta gueule, toi. On t'a pas demandé ton avis, mon pote. Quand c'est chaud, faut voter Romano. Non. Donc, pour ça, votez Cédric, c'est EDRIC. Je vous aime très, très fort, moi. Je vous aime, la famille. Votez pour moi. Mercredi, je me fais opérer, s'il vous plaît. Votez pour moi, ça sera un beau cadeau. C'est difficile, il a pas sorti encore. Ça me redonnera de la force. Je vous jure, j'en ai besoin sur la tête de ma mère, c'est vrai. Bon, et toi, Romano? Ouais, moi aussi, mes amours. Je pense à vous et moi. Contrairement à Cédric, je n'ai pas manqué 15 jours d'émission. Oh, 3 semaines presque. Oh, l'enfoiré. Quasi 3 semaines. Ouais, c'est bon. Et ce soir, mes amours, moi, j'ai eu la femme de Patrick, ivre mort. Mais qui veut du blanc, du rouge et du rosé. Et surtout mon sexe. Ce soir ça va sexer avec la femme à Patrick. Votez Romano

tu braques le bras. Prodigue au départ, c'est dans ta bouche qu'on met le canon. Skyrock, on écoutait à la cool. Et allez, Radio Libre, c'est reparti. Skyrock, Romano. Excuse-moi de te déranger, man. T'aurais pas un petit. J'ai des kilos, moi. Diffoul. Qu'est-ce que tu racontes, Cédric? Ta gueule, Cédric, t'es pénible. Mais quoi, ta gueule? Mais c'est pas ta gueule, il est fou, moi. Bien dit. Le mec, il respecte même pas les règles, ça. Hein. Marie. Bon, bah, c'est la folie, quoi. Samy. Ah ouais, en Allemagne, j'ai même pas je coupe les données, je suis en 3G normal. Et Karim. Non, moi, je suis un arabe sexy, gros, donc. Diffoul Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Ah, attention, les résultats du clash, j'avais dit jusqu'à la fin de Jaja et Dinaz, vous votez. Eh bien, c'est fini, Jaja et Dinaz. Terminé. Donc, les votes sont J'espère finis. J'espère qu'on le baise. Les votes sont clos. Et dans un instant, Cédric et Romano, voilà. Vainqueur pour ce soir. On a. J'ai mal. Ta copine a eu beaucoup de succès, Romano, à ta nouvelle. Ouais, la poivrote, ouais. Elle était mignonne. T'es un peu bourré. Ah, bon, elle va aller se coucher, là. Ah, bah, il vaut mieux. Ah, oui. Bah, oui, il faut qu'elle dorme. Ah, un c'est peu. Mieux, ouais. Ouais, je pense qu'à un moment, il faut aller se coucher. J'étais comme ça aujourd'hui. Eh bien, c'est bien, Marie. Et tu allais te coucher, alors, t'en as profité. Voilà. Voilà. T'es le coucher, il était midi. Bon, Merwan est avec nous. Mounir est avec nous aussi. Ah oui, Mounir. Ah oui, c'est vrai, ça fait 2 heures qu'on parle. Bah, ouais, le pauvre. Mounir, t'es là? Tu t'es pas endormi? Oui, je suis là, l'équipe. Ah, excuse-moi, Mounir. Ah, Mounir. Mais c'est vrai qu'on a eu plein de trucs. On a parlé des trucs qu'on devait pas faire aux parents, mais qu'on leur a fait subir. Ouais, c'est clair. Les pauvres parents. Ou que vous leur faites encore subir, parce que moi, j'ai toujours été parfait avec mes parents. Hein. Ouais, bien sûr, l'autre, hyper parfait. Ouais. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On a, bon, ça a clashé il y a un instant. Ouais. On a offert déjà FIFA 17 qu'on vous file tous les soirs dans la Radio Libre le matin aussi. Vous pouvez le gagner, le FIFA 17. Oui. Et donc, Mounir, on a annoncé en début d'émission qu'on ferait, comme on appelle ça ici, le service après vente. Voilà. Le service après conseil, Radio Libre, le SARL. Le SARL, donc, qui est ouvert maintenant avec donc, la story que tu nous as racontée jeudi. Jeudi, tu stressais un peu quand tu nous as passé un coup de fil. Parce que tu devais aller bouffer chez tes beaux-parents. Enfin bon, ouais, les parents de ta meuf, quoi. Les parents de ta meuf. Yavol. Et le père, eh bien, il est là, il vient de dire Yavol. Bonjour, monsieur. Routenard. Et le père est un peu raciste. Yavol. Ouais, apparemment, ouais. Un peu beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. Ah bah ouais. Voilà. Avec la mère, par contre, ça se passe mieux. Elle est plus ouverte. Ouais, ça va mieux. Bon, alors. Mais ouais, mais ça se passait mieux après, ouais. Alors, comment ça s'est passé samedi? Parce que samedi, t'allais bouffer chez eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait un rôti de porc? Une tête de porc. Pour t'accueillir. Le menu? Alors, ouais. Non, mais vas-y, raconte comment s'est passé. On fera le menu après. Marie, elle veut le menu tout de suite. Bah non, mais t'en parlais. Alors. Donc, déjà, je suis parti, j'ai rejoint ma meuf. Tu devais être stressé, non? Ouais, mais je suis parti. Déjà, je me suis mis bien propre sur moi, petite chemise, tranquille. Ouais, ce que j'allais te demander. Fais attention, ouais. Comment tu t'es habillé, ouais. Tout ça, pour faire bonne impression. Après, on est passé à la boue. Passer à la boulangerie histoire de prendre un petit gâteau. Ouais, donc ouais, t'arrives avec bien. Un truc, c'est bien pour la santé aussi. Et des petits chocolats pour la maman. Mm-hmm. Donc déjà, j'ai essayé de faire les choses bien déjà en arrivant, tu vois. Oui, t'es arrivé avec des trucs. Mais t'as bien fait, on te l'avait dit, ouais. Non, ouais. Mais c'est vrai, la première fois que tu vas bouffer chez les beaux-parents, faut amener une saloperie. Ouais, bah oui, ça tu vas bouffer chez des gens, en général. Non, mais un truc, un machin. Mais... Non, des fleurs, ça passe bien. Des fleurs, oui, pour la daronne. Les darons, elles kiffent grave. T'avais ramené quoi chez la mère de la gothique la première fois que t'avais mangé chez elle? Une. Non, t'avais mangé une morue. Non, parce que moi, en fait. Tout à la morue. Tout. La glace à la morue en dessert. Non, mais moi, j'avais rien ramené parce qu'en fait, la première fois où j'y étais, il était 5h du matin. Ah oui, c'est vrai, tu nous en rentrée de boîte. Donc, Ah, c'est la première fois que t'as vu la mère de la gothique? Ouais. Et alors, tu l'as trouvé comment en première vue? Bah, bon, il était 5h du matin, elle s'est levée pour déplier le canapé, donc. En chemise de nuit. Ouais. Elle était sexy? Non, pas du tout. J'ai dit dans 30 ans, ma gothique, elle ressemblera à ça. Ah, bah là, tu comprends pourquoi je suis pas resté avec. Mais non, je me suis pas dit ça, non, mais bon. De prime abord, elle avait l'air sympa, tu vois. Elle déplie le lit, elle fait, ouais, bonne nuit, à tout à l'heure. Voilà. Ouais, bonne nuit, connard! Non, là, elle était encore normale. Ah, elle avait pris ses cachets. C'est après qu'elle. Ouais, elle était endormie, quoi. Après quelques visites qu'elle est devenue. Ouais. Barjotte. Oh, le connard! Non, non, mais ça avait été. Donc, ouais, moi, j'avais ramené, du coup. Mmh. Ah ouais, moi, je rapporte toujours des trucs. Oui, mais là, il était, c'était la nuit, c'était pas oui, prévu. Oui, là, tu Marie, pouvais pas, oui, c'est clair. Oui, là, pour trouver un fleuriste à 5h du matin, c'est pas facile. À moitié bourré, c'est pas évident. Donc, t'as ramené des fleurs, des petits gâteaux, des chocolats. Non, mais c'est bien, ouais. Non, pas de fleurs que. Pas de fleurs. Ah oui, non, excuse-moi, c'est Cédric qui arrive avec ses c'est fleurs. C'est déjà bien. Ouais, les fleurs, ça passe bien. On va le peser, Cédric. Et des pissenlits. Ah, par contre, je voulais pas qu'on fasse bien parce que je suis vraiment pas bien là, je crois que je vais pas tarder à y aller. Ouais, t'es relou, l'émission elle est pas finie, ça termine dans une heure. Bah, je vais l'écouter dans une voiture. Bah, pourquoi tu vas écouter l'émission dans une voiture? Je suis fatigué. Mais tu rentres comment là? Bah, Yovan, il va me ramener. Ah bah non, non. Si, si, fais l'aller-retour, t'inquiète. Ah non, parce qu'à minuit, il doit être là. Hein. Moi, je suis désolé. Bah, je vais un taxi, je vais aller coudre. Yovan, c'est la sécu, là. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Bon, alors... Attends 5 minutes. Ouais, j'attends 5 minutes. Ah bah oui, il faut qu'on te pèse déjà. Bah oui, bah attends quand même. C'est toi, non, mais évidemment, le mec veut se barrer parce qu'il sait qu'il va perdre de clash. Ah, il va te faire. Ah, il fait un sourire bizarre. Je l'ai vu, ton petit manège. J'ai grave pas mal. Non, mais ça va. T'as une sale gueule. Ouais. D'habitude, t'as pas changé, Cédric. Tout va bien. Non, mais ta gueule, c'est dégradé. Non, mais par rapport à tout à l'heure, t'as une sale gueule. Non, mais je me sens pas bien. T'as une sale trogne. Ouais, allez, c'est bon, hein, n'en fais pas trop. Je peux pas, j'en ai pas. T'es très vilain. Non, non, j'ai pris un truc de morphine là tout à l'heure, là. Je te jure. Prends un autre. Tu peux pas mélanger, gros, bah, comme ça. Faut pas mélanger. T'es fou, tu veux que je me réveille dans 3 jours, toi? Bah oui, comme ça, au moins, t'es. Avant ton opération, tu te réveilles juste après, tu vois. Ouais, bah. Bon, Cédric, tu veux te taire, histoire on est en train que je paye 1000 euros dans le vent, quoi. Ah ouais, si on pouvait finir avec Mounir quand même. Ouais, ouais. Bon, alors Mounir, moi, je t'ai dit, offre des fleurs, mon pote. Non, mais c'est bon, rendez-vous, il a eu du con, hein. Eh bah, tu peux en offrir après, ça fera toujours plaisir. Voilà, c'est ça. En cas où c'est mal passé. Ça s'est passé la première fois. Ouais, déjà, ouais. Pour savoir si t'y retourneras, ouais. Bon, alors là, on en était à la boulangerie, vous avez fait vos petites emplettes. Bon. Voilà. Là, vous êtes pointé à la maison après? Donc après présentation et tout, je dis bonjour à la mère, je dis bonjour au père. Le père, il me serre la main, j'ai cru qu'il allait me péter la main, le mec. Ah ouais, tiens, ah, regarde, j'aurais écrasé la main au morveux. Il t'a mis un peu de pression. Ouais. Je te broie les phalanges. Je suis là, quoi. Et donc après le repas, salade et tout, ils ont fait du poisson. N'est-ce pas? Ah, c'est bien. Pas de viande, pas de porc, pas de viande, donc ça va. Non, mais bon, s'ils avaient fait du porc, c'est vraiment que c'était des enculés, quoi. Ouais, oui, c'est clair, oui. Tu vois, là, vraiment, sur le coup, c'est des gros cons. Tu m'étonnes. Hey, goûtez ma glace au jambon, elle est délicieuse. Je l'ai fait mais ils sont... Oui, je l'ai préparée ce matin, spécialement pour vous. Après. Donc après, ouais. Il a vu, à mon avis, il a vu que j'étais propre sur moi, il a vu que je m'exprimais bien et tout, et finalement, c'est très bien passé. Il a fait deux, trois blagues fachos, tu vois, moi, je suis rentré dans le lit, j'ai rigolé et tout. Il les a placés. Alors, ah, ah, c'était alors attendez, avant de partir, je vais quand même vérifier si vous avez rien volé. Monsieur Mounir. Ouais, ce genre de conneries, ouais. C'est quoi les blagues fachos qu'il a fait? Les blagues fachos qu'il m'a dit? Oui. Une petite. Il m'a sorti les veilles bagues de Jamel Debbouze, là. Il m'a dit, ouais, la différence entre une chauve-souris et un arabe, il dort le jour, il voit la nuit. Oh, le mec. En fait, cette blague. Il était content. Moi, je voulais lui casser la bouche, mais bon, je rigolais, je rentrais dans son délire. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Si vous êtes drôle, espèce de gros con. Ah, pardon, monsieur. Non, mais, tu vois, cette blague, un pote te l'a fait. Tu la prends bien. Lui, il te l'a fait, tu te dis, bon. Ah, oh, bah, c'est certain, ouais. Non mais en plus oui, tu savais que le mec était déjà limite donc ouais, chauve-souris les arabes ouais. Pam, c'est dans la nuit et un peu ça vole le jour, enfin l'inverse c'est plus hein, c'est rigolo ouais. Bah, ça vole tout le temps quoi. Ah le bâtard. Ah putain. Bon et au final donc ouais ça s'est bien passé. Au final ouais il m'a pris à part tu sais à la fin du repas il m'a pris à part. Mmh. Il m'a dit qu'il avait en fait des préjugés, il croyait que j'étais un mec de quartier, une petite racaille et tout. Il a vu que je m'exprimais bien et au final il m'a accepté, en fait. Tu vois. Ah, bah, c'est que, bien. Tu vois que t'étais ceux qu'on voit à la télé dans les reportages de. Ouais, les préjugés, c'est tu ça, vois, ouais. Des bourgeois et tout. Mais c'est bien qu'il t'ait parlé à part. Hein. Non, ouais, non, mais c'est bien qu'il t'ait dit ça à la fin. Ouais. C'est bien, moi, c'est bon, ouais, c'est bien fin, passé c'est bien du passé. Coup. Il m'a même dit, tu vois, on parlait de s'installer avec sa fille et tout, tu vois, à la fin, donc nickel. Ah oui, quand même. Putain, le chemin que t'as fait en peu de temps. Ah ouais, t'as bien avancé, ouais. Non, mais le mec, il est psychologiquement instable, ce monsieur, non? Regarde ce que nous dit toi, Anne. Votre auditeur a peut-être soigné son beau-père du racisme. Non, bah, c'est comme ça que les gens évoluent. Le mec, je t'ai dit, il est instable psychologiquement. Bip, bip, bip, bip, bip pour toi, Anne. Bip, bip, pas bip, bip. Bip, bip. Non, mais attends, le mec de tout au tout. Non, mais de tout au tout, le mec, il change, il veut que tu t'installes avec sa fille. Le mec, ça marche. Non, mais il savait que t'étais avec sa meuf de. Enfin, avec sa fille. Ouais. T'étais avec ta meuf depuis un petit moment, quand même. Ouais, 9 mois. Ouais, ouais, donc il savait que ça commençait. Non, puis il y a plein de racistes qui aiment bien un rebeu ou un blague. Oui, mais un seul, genre, ouais. Le boulanger, quoi. Mais lui, il est pas pareil. Ah, ça va, deux, bonjour les dégâts. Merci, Marine. Oui, c'est ça. Bon, bah merci Mounir. En tout cas, c'est bien d'avoir des nouvelles comme ça, tu vois. Bah, c'est cool. C'est une belle histoire. Oui. Merci à l'auditeur là qui m'a donné les conseils. Joli. Johnny Hallyday, Rock and Roll. Non, Johnny, ah non, Johnny, c'était l'autre. Ah, c'était pas Johnny, toi. Non, Johnny, il a pas fait tous les conseils de la soirée. C'est le mec. C'est l'auditeur qui donne tous les conseils. C'est Johnny, Rock and Roll. Bon, non, c'était un mec de Lyon, je me rappelle plus de son prénom. Bah, moi non plus, je suis en train de chercher. Bon, bah, le Lyonnais, on te salue, on t'embrasse. Et ben, merci pour les conseils, en tout cas. Ouais, c'est bien. Oui, comment il s'appelait, oui, je sais. Il avait le même problème que toi, lui aussi. Mais bon, on le salue. Marie est partie en train de le chercher. Autrement dit, on le retrouvera jamais. Dans un mois. Dans un mois. Ou jamais, le Lyonnais. Mais merci. Poteau, tu vas faire vraiment bonne impression là. Le scorpion est content, il dit belle histoire. T'envoies 2-3 roses à sa daronne et là, tu vas faire super bien. Non, mais c'est quoi l'intérêt de faire le suicide? Mais non. N'importe quoi, c'est horrible. Courage à toi, Cédric, pour mercredi. Ah, merci, ma gueule, t'inquiète, ça va bien se passer. Opération mercredi, Cédric. Ouais, ouais, ouais. Oh non, mais on a eu l'infirmière de la clinique vétérinaire. Ils ont l'air sur deux. C'était Madame Horrible. Ouais, ouais. Ils sur deux, ouais, ils vont prendre 1000 balles, ouais, ça, ils sont sur deux, ouais. Ça, ils sont sûrs de te les prendre, ouais. Ah, ouais, putain. Tu signes une décharge. Ouais, ouais. Non, mais ouais, mais le mec, en plus, c'est le premier truc qu'il m'a écrit sur un papier. Excusez-moi. Hein. Oui, ah, et Madame Horribla de la clinique vétérinaire est là. Clinique vétérinaire porcine. Oui, bonjour madame, spécialiste dans le porc. Oui, bah, écoutez. C'est Farid de Lyon, c'est bon, on l'a retrouvé. Ouais, c'est Farid. Merci Farid. C'est pour ça qu'on prend votre ami, hein. Par contre, qu'il n'oublie pas les 1000 euros. Les 1000 euros, s'il vous plaît. Non, tu sais, ça m'a foutu l'aime, parce que le mec, il te montre juste ce qu'il te fait. Il dit, tiens, je vais te mettre un morceau de métal dans ton truc, dans là, cul. Dans ton os. Dans ton cul. Il n'oublie pas les 1000 euros, hein. Non, deux secondes après, le mec, il te dit quoi? Il dit, bon, par contre, il te montre un papier, il écrit un chiffre, il dit, alors ça, c'est ce qu'il faudra me payer. Bah oui. Bah oui. Bah, il va pas bah oui, hein. Bah oui, bah, il faut payer, monsieur. Bah, c'est 1000 euros. Ouais, mais c'est un peu cher, je trouve, moi, tu vois. Bah non, mais c'est dans le privé, hein. Bah, privé, ouais, c'est payant, ça. Hein. Ouais. Le mec, quoi, il prend 1000 balles pour t'opérer, ouais. Tranquille, quoi. Bah moi j'aurais pris plus pour t'opérer Cédric. Bah il a du courage personnellement. Hein. Bon tu veux faire la pesée. Merci Mounir en tout cas du coup de fil. Hein. Ouais. De rien. Dis full. Et merci pour les messages que vous envoyez. Il y en a qui trouvent pas cette histoire cool. Voilà, personne n'est irrécupérable. Il y en a qui sont plus irrécupérables que d'autres, mais c'est vrai en tout cas. C'est sûr. Vas-y Mounir, vas-y. Je voulais te demander, y a moyen d'avoir un petit cadeau là de la part Skyrock ou pas? Ah Skyrock est très généreux. Bien sûr ma gueule. Bien sûr. Bah attends, tu me connais, je vais t'offrir un truc. Bon bah tu bouges pas Mounir, on t'en prend. Oula. On passe au manoir, on prend ce que tu veux. Et ouais, t'inquiète. Et tiens au courant de la suite de l'histoire. Hein. Bah ouais, bien sûr. Pas de soucis. Salut Mounir. Tiens au jus. Bon Merwan il arrive dans un instant, juste la pesée pour Cédric. Cédric il fait chier Merwan. Parce qu'après il veut se barrer. Hein. Il veut se barrer, il fait le cinéma, genre je suis malade. Il est pas bien, il en a pas. Je lui dis Merwan. Tu peux pas mélanger. Gros porc. Qui passe vite, gros porc. J'ai compris, gros porc. Vite, gros porc. Non, qui se casse vite. Ah! Un message d'encouragement. C'est qui ça? C'est Merwan. Ah, ouais. Merwan, je te fais un bisou. Je t'encule. Ah, sympa. Bah, peut-être dans 2-3 semaines, parce que là, pour l'instant, je vais les avoir un peu mal. Puis là, c'est bouché en plus. Donc, Merwan, qu'on a chopé sur Snap. Cédric, allez, on va te poser, c'est parti. Allez, vas-y. Allez, on y va. Ensemble. Allez, dépêche-toi. Ah, attends, mais me fais pas de blague là. Si j'appuie là, ça va. Non, mais la tête de ma mère, gros, j'ai super. Parle pas comme ça de ta mère. Arrête, je suis pas mère, je sais pas. Juste là. Arrête. Romano, t'as vu Romano. Ah, mais c'est une baltringue. Baltringue. Tout ça pour avec son bras posé sur une clavicule cassée, Cédric. Alors. Mec, il a le bras sur le ventre. T'as mis une chemise à carreaux. Mais non, c'est pas une chemise. C'est quoi? L'autre il fait sortir son caleçon. C'est ou un t-shirt ou un pull. Ah, tu fais ça pourquoi? Pour être sexy? Non. Pour mixer. Mais moi tu te pèses dans les chiottes, ça pue. Ouais. Parce que c'est ça. Bah justement parce que ça pue. Ah ouais, c'est pour ça. Samy me demandait pourquoi il se pèse dans les chiottes. Bah oui. On est dans les toilettes de Sky. Alors, dans les toilettes de Sky. À mon avis, combien il fait d'après toi, Romano? Là, il était à combien la dernière 93, fois? 93,9. T'étais à combien? 93,9. 93,9. Allez, je dirais 90. Ah. Non, c'est pas 90. Ah. Bah, moi je dirais. Il est déçu, il est grave déçu. La gueule qu'il fait, Cédric. Ah, parce qu'il a pas maigri. Sur Facebook Live et sur. Combien il a fait? 91,1. Ah ouais? Quand deux semaines casser une clavicule pour deux kilos. Non, mais t'es irrécupérable. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, gros, que j'arrive pas à aller descendre en dessous des 93? Bah, je sais pas, l'année dernière, t'étais descendu à 91, 92. Non, hein. J'arrivais pas. Bah, si, t'étais déjà arrivé l'année dernière. Ah ouais? Bah ouais. Ah, je me souviens plus. Vérifie le cerveau quand même. Parce que t'es irrécupérable, ma gros. Vérifie s'ils ont pas. La tête. Ouais. C'est-à-dire qu'en étant malade et blessé, t'arrives pas à maigrir, mais c'est foutu. Bah, un peu quand même. Excuse-moi, mon pote, j'ai perdu comme quelques kilos là. Ouais. Bah, 2,5 kilos. Non, mais deux misérables kilos en 15 jours, en quasiment 3 semaines, parce que ça fait 3 semaines que tu nous fais. Non, pas 3 semaines, jeudi ça fera 3 semaines. Ah ouais, c'est. 3 semaines déjà. Putain. Ça va, elle est belle la rentrée cette année. Ah bah ouais, pas mal. Je suis pas à la plage, hein, mon pote. Hein, je suis pas à la pilule. Ça, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que tu faisais des trucs chelous, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, j'ai les résultats du clash à donner. Allez. Ah non, non, je me barre. Non, non, attends, non. T'es venu, t'as fait ton clash. Non, j'ai mal et tout, l'autre, il va me faire chier encore. Qui va te faire chier? L'autre, putain. Mais Romano, fais pas chier. Cédric. Bah écoute, si te faire chier, c'est ce que je gagne, moi j'y peux rien. Hein. Alors, aujourd'hui, vous avez voté, merci pour tous les votes que vous avez. Je peux rien, c'est le talent. Ça s'appelle le talent. Eh ben Romano, le talent ne t'aura peut-être pas suffi ce soir à vaincre Cédric. Impossible. Pourquoi, t'as vu les messages? Non, j'ai vu les votes tout à l'heure. Franchement, j'aimerais bien gagner. Cédric, il est à la ramasse, je crois. Alors, Romano, t'aimerais faire combien? Bah, j'aimerais faire combien Allez, plus de 60, je suis satisfait, moi, tu sais. Ok, Cédric, t'aimerais faire combien? Bah, plus de 60, moi aussi. Et tu serais satisfait? Eh bien, je peux vous annoncer tout de suite. 62%, je serais heureux. Qu'il y en a un qui sera satisfait ce soir, Cédric. Vas-y. Le gagnant du clash de la drague. Moi, j'ai 62% pour moi. 62 pour toi? Eh ben presque. Eh, hey, t'es de 20, Cédric, c'est un truc de ouf. 62% pour Romano. Eh bah ben ouais, je t'ai encore bien enculé. Tu as trouvé le score, Cédric. Ouais. Bravo. Ah, je t'ai baisé. 62-38. Je t'ai baisé le cul. En effet, ils t'ont trouvé un cerveau, mais t'en as un. Ah, t'as vu un peu? Mais ouais. Ah, ça fait plaisir. Putain, mais là, je suis sur des statistiques de ouf depuis la rentrée. C'est vrai. Faudrait me faire le bilan, là, s'il vous plaît. Là. Enfin, bilan, à la fin du mois, Romano, dans 3 à 4 jours. C'est quoi? Ouais. Ouais, à la fin là, de je semaine. Vais quasiment faire un mois plein. Hein. Fin de semaine, on vous fera le bilan du mois. Ah, c'est un truc de ouf. Cédric. Bon, en tout cas, merci à toute la team Romano. Putain, merci. On l'a baisé, ça fait plaisir. Maintenant, Cédric, tu es venu, tu as vu, t'as perdu, tu peux te barrer. Oh, l'autre, mais l'enfoiré. Non, bah écoute, c'est vrai. On vient de m'appeler au standard en disant que tu n'étais qu'une petite merde et que t'étais pas sympa avec Cédric. Ça, c'est vrai. Je suis très aussi sympa. Qui est allé voir Cédric? Merci Marie de laisser les auditeurs s'exprimer. C'est qui nous a appelé? Je ne sais pas, elle n'a pas donné son prénom, elle a raccroché derrière. Anonyme en plus. Ouais, mais elle était vénère. Non, c'est Marie, un combo, quoi. T'inquiète. Hein. Moi, je suis venue, la Prums. Ah, Marie, elle me fait des FaceTime la nuit pendant une heure et demie. Ouais, elle fait des discussions. Elle doit te manger la tête, non? Je me suis endormi. Non, mais moi, je vous dis. Marie, elle devait continuer à parler toute seule. Non, mais Cédric, j'étais le vendredi matin, donc on parlait tout. De rien, surtout de rien avec Cédric, vous imaginez bien. Il faisait ce genre de bruit quand je lui parlais. C'est bizarre. C'était la morphine, non? Et à un moment donné, il me dit, ouais, Marie, et je balance ça, Cédric. Qu'est-ce que t'as dit comme truc? L'autre fois, l'autre nuit, j'ai eu Marie au téléphone, en FaceTime, elle m'a mangé la tête de ouf. Je fais, t'es vraiment un connard. Je viendrai pas te voir. Marie, c'est la première qui est venue. Je lui dis, ouais, elle devait être bourrée un peu. Il me fait, ah ouais, elle me fait me raconter des trucs, je comprends. Je comprenais rien. Ah non, mais t'es vraiment enfoiré. Non, mais gros, au bout d'une heure et demie, je comprenais plus rien. Ah non, mais déjà, au bout de 10 minutes, je pense, Marie, elle est en pleine nuit. Non, j'ai tenu une heure. Monsieur Grobédo, comment allez-vous? Je pense que t'en as plein le cul au bout de 10 minutes. Non, j'ai tenu une heure, mais après, franchement, j'étais dans les vapes. Je me souviens plus ce que je répondais. À chaque moment, je faisais des blancs, je disais. Après, ah ouais, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Là, je suis complètement Oui, c'est vrai, Marie, elle est un peu comme ça, c'est vrai. T'es complètement perché. Non, mais elle est venue. Tu sais, tu fais. Ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil. En effet, mon Et tu as raison. Bon, prochain clash. Je suis retourné à l'hôpital, c'est jour où elle est venue me voir d'ailleurs. C'est vrai. Elle est restée deux heures chez moi après, boum, les urgences quoi. T'as porté la poisse. Ah merde, Marie. Ah ouais, putain. Bon, ah ouais. Cédric, mercredi donc. ou en direct de l'hôpital. Ouais, bah oui. Ou alors tu te fais représenter par quelqu'un. On a fait avec des auditeurs, on a fait avec Samy, on a fait avec Karim. Ouais, bah nous on est un peu foiré. Ouais, mais il reste pas beaucoup de clash avant la fin, tu vois, faut que j'en gagne un. Ah, tu veux absolument niquer. Non, mais mercredi, il va nous faire sa comédie, la pitié. Je m'en fous, t'as l'hôpital. Il a raison, si ça marche. Bah, moi, j'y serai aussi. À l'hôpital? Je me fais mettre dans un lit d'hôpital. Pourquoi tu veux tu vas pas me faire pour chier, faire la pitié aussi. Je vais dire, tu vas pas me faire chier. Et tu vas te faire opérer de quoi? Des cheveux? Peut-être. Bon. Non, mais tu sais que j'ai toujours mon plan à Milan, là. D'ailleurs, je salue ceux qui nous écoutent en direct des hôpitaux, parce qu'il y en avait plein qui ont laissé des messages pour expliquer comment c'était de la clavicule. Ouais, bon courage à vous tous. Voilà. Et pareil que c'est rien à ton opération. C'est à quelle heure tu t'es opéré? Non, en début d'après-midi. Ouais, mais jamais le soir, tu seras foncé, tu pourras même pas parler. Tu? Anesthésie générale le soir même. Alors chez le planning, à 14h nous avons la truie. Ah oui, c'est ça. Piggy la truie. Piggy la truie. Là, Emoji, il faut venir à 10h. À 15h nous avons le sanglier. Bon, on passera à 14h. Ah, c'est ça en plus, c'est 14h. Entre la truie et le sanglier, il y a le belge. Je te jure, il m'a dit ça. On va trouver une place, Cédric, à la clinique vétérinaire. Ne vous inquiétez pas, vous serez bien accueillis. Il m'a dit, me prend entre deux, t'inquiète. On vous met des glands à votre réveil. Oh là, j'adore. Yovan, viens voir. Oh ouais. Il s'est barré ce connard. Déjà, c'était pas Yovan, c'était Oran. Ouais, il y avait les deux. Non, on te respecte plus, Cédric, ici. T'as vu, tu parles 3 semaines. Et... En tout cas, merci pour les messages. Anto qui pense à toi, Cédric. Ah, bah, qui nous dit après, je suis en train de chier. Bah, écoute, salut à toi, Anto. Anto du 14. La morphine, elle est bonne, Cédric. Non, mais bon courage quand même, Cédric. Espèce d'enculé, Romano. Vive Cédric pour Bouchard. Non, bien sûr que je fais attention à lui. Bah, on compte sur mais bon, le clash, je le baise, moi. Bon, bien joué. Tu m'as rien volé chez moi l'autre jour? À aucun moment, j'étais tout seul. Ah si, j'étais aux chiottes. Ah, bah justement, tu vois, c'est ça que j'ai fait. Volé. Non, j'ai rien volé. Hein. T'as pas volé le papier, tu... C'est pas très propre. Si, ah ouais. Si, c'était très propre. Non. Tiens, justement, Merwan. Non, sur ta machine à laver, gros, c'était le bordel. Il y avait de la poussière, des trucs qui traînaient. Alors, Merwan. Mais non. Faut la nettoyer. En parlant d'appartement dégueulasse, ça tombe bien. Parce que, alors, Merwan, c'est celui que vous avez entendu au téléphone, mais le problème, c'est que vous avez... Ouais, on l'entendait mal. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en plus, je pense que s'il parle comme ça, c'est qu'il y a la famille autour. Ouais, sa mère, elle lui a dit d'aller dormir. Et donc, il y a eu un petit clash avec la daronne. Malheureusement, ouais. Il n'y a pas assistant direct, c'est dommage. Dommage, ouais. J'aurais dû le laisser à l'antenne, Merwan. Ouais. Donc, Merwan, 18 ans, à Nîmes. Je lui parle comme ça, Merwan, parce qu'il a la famille à côté. Ouais. Et donc, Merwan, lui, il avait un problème par rapport à sa mère. Sa chambre, elle la trouve dégueu, sa mère, comme les daronnes. Enfin, comme les darons la trouvent. Je pense pas que sa mère soit dégueu. Ou que votre daronne n'était pas dégueu. Wow. Non. Donc, et lui, il la trouve pas sale, sa chambre. Mais ça, c'était ça, ça arrive à tout le monde. C'est un classique. Pour ta mère, la chambre, elle est jamais assez propre. Non, mais puis tout le monde a un niveau. Non, mais il y a des gens. Regarde, Cédric, toi, l'appartement, tu trouves comment? Bah, très propre. Ah ouais, non. Oui. Même Marie, elle a dit que c'était propre. Tout le monde n'a pas le même niveau d'hygiène. Tu veux que je mette la photo avec tout le bordel qu'il y avait derrière? Non. Pourquoi tu veux pas? Non, tu mets pas ça. Ah, tu veux pas pourquoi? Bah non, parce que ça, c'est la honte, tu trouves ça dégueulasse. Ça, c'est la partie de l'appartement où j'ai... Non, depuis... mais la partie de l'appartement, c'est en plein milieu du salon. Mais non, parce que là où il y avait l'espèce de couette. Ouais, il y a la couette, parce qu'en fait, ça me faisait trop mal. Ah, mais il l'avait pas rangé une semaine après. Je crois que la couette, c'est ça qui me faisait mal dans le dos. Avant que je me pète les couilles, je crois que c'était ça qui me faisait mal dans le dos, donc je l'ai jeté par terre. Vous imaginez un salon, il y a une télé, il y a un canapé, enfin, un espèce de truc qui fait canapé. Ouais. Une table. Juste à côté, t'as une couette. En plein milieu, comme ça. Et puis derrière la couette. Mais une couette en boule, mais par terre, hein. Oui, comme ça. Et derrière, t'as plein de Ouais, c'est un peu ton bordel. Boîte de chaussures. Ouais. Des vêtements là qui sont découpés là, je suis dégoûté. Des vêtements sales. Non, pas ça, c'est des vêtements d'accident. C'est quoi, c'est ta salle à manger? Ouais. Ouais. Salon. Ouais. Ouais, salon, c'est ça. Salon. Ça te sert également de dortoir. Non, dortoir, c'est dans la chambre. Et de bac à linge sale. De bac à linge sale. Non, bac à linge sale, c'est dans la salle de bain. Et de poubelle également, puisqu'il y avait des plein de boîtes sales. Quelle bande de salopes. Non, alors la poubelle, il achète. Tu peux mettre la photo alors? Non. Ah bah, pourquoi tu veux pas que je la mette? T'en feras une quand tu veux, si tu veux, tu viendras à la maison. Tu sais qu'il achète des sacs poubelles qui sentent la vanille. Ouais. Imagine, sans le sac poubelle. Bah, dors dedans. Bah non, c'est vrai, j'hallucine. Trop petit, j'ai regardé. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi à part les payer plus cher? Bah ça parfume, on me les a offert. Bon, genre. Ah oui, c'est que... non, il m'a dit ouais, c'est lui qui t'a offert des sacs poubelles. Mais c'est sa meuf. Non mais ouais, ils se foutent de ta gueule ceux qui t'offrent des sacs poubelles, gros. Non mais je suis dégoûté, bon, on m'offre ça, c'était quoi pour Noël? Je suis malade. J'ai plus de sacs poubelles. La tristesse du cadeau. Moi ça me fait Romano, pour ton anniversaire, sois pas jaloux, je t'offrirai un sac poubelle. Et qui sentira la vanille. Moi j'ai pas de sac poubelle, moi je prends les sacs des magasins. Ah bon? Ah mais c'est des petits aussi. Bah ouais mais bon. Hein? Ils en donnent plus? Si, ils en donnent. Alors j'ai demandé à un commerçant justement comment ça s'est passé. Alors, voilà, vous avez souvent posé cette question vous aussi. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Une loi à la con. Non, mais c'est une loi à la con. Oui. Parce qu'en fait, donc, ils devaient interdire les sacs plastiques que t'avais dans les magasins, genre quand t'allais faire tes courses ou d'ailleurs dans tous les magasins en soi, même quand tu vas acheter des fringues, les sacs ils devraient pas en donner. Si, ou en carton. Mais alors, ils ont trouvé une faille dans la loi. Donc maintenant, tout le monde fait ça. C'est qu'en fait, il faut qu'ils fassent des sacs en plastique, toujours en plastique, mais plus épais, qui sont considérés comme réutilisables. Il y a juste marqué réutilisable dessus et ils continuent tous d'en donner. Donc en fait, ils ont interdit les sacs plastiques qui étaient plus fins pour arrêter la pollution. Et les mecs ont trouvé le moyen de faire des sacs plastiques qui polluent encore plus parce qu'ils sont plus larges. Oui, c'est ça, plus épais, mais ça, c'est toléré parce que c'est marqué réutilisable dessus. Et surtout, ils sont payants, comme ça au moins. Non, ça dépend où. Ah ouais. Mais c'est ça, ouais, ils sont plus épais en fait. Ah ouais. C'est comme ceux que tu payes, genre à Carrefour ou à Leclerc. Et dans certaines boutiques, maintenant ils te donnent ça. Ils ont dit, la loi, on a le droit de faire ça. Ils sont réutilisables. Eh ben, ils sont fait bien baiser ceux qui ont fait la loi. Bah voilà, bonne loi à la con. Bon. Alors pour Merwan, on va quand même en reparler de cette histoire, puisque bon, et pour Cédric aussi, vous êtes plutôt bordélique, vous avez une chambre qui est dans un état pas possible. Ou alors vous connaissez, et ça c'est bien aussi, vous connaissez quelqu'un qui est bordélique, je sais pas, votre frère, votre sœur, vos parents. Ah ouais, c'est possible. Moi j'avais été, hein, ça m'est déjà arrivé hein, d'aller chez des potes, c'était un peu le bordel quoi. Bon alors vous nous dites, si vous avez des photos, c'est bien aussi, vous nous envoyez ça sur l'appli Skyrock par exemple. Du bordel. Oui, du bordel. Petite photo de votre chambre en speed comme ça avant de dormir, ou si vous êtes dans votre lit, n'hésitez pas. Et on en reparle pour Merwan. Mais bon, en gros Merwan, je pense que toutes les daronnes elles sont un peu comme ça. Ouais. Qui s'est pas fait prendre la tête par sa daronne? Moi. Tout le temps. Range ta chambre. Parce que quoi, c'était pas rangé. Non, mais moi, c'est ma mère qui rangeait. Donc elle avait pas de problème. Elle te disait jamais, ouais, c'est trop le bordel, je range tout le temps. Mais non, parce qu'elle rangeait. Mais elle t'a jamais engueulé parce que c'était mal rangé, non? Ou parce que ce qu'elle avait rangé, non, toi t'avais tout rangé en une journée. C'était quelqu'un qui rangeait, je lui aurais dit, bah t'as qu'à mieux ranger, ça te convient pas. T'as combien rangé, ça te convient pas, ça, j'ai déjà dit ça. Je pense qu'on l'a tous déjà dit. Mais non, mais le truc, moi, je n'ai jamais rangé ma chambre parce que c'est ma mère qui le faisait. Bah, moi, je savais pas quand ma mère rangeait ma chambre. Ouais, moi, ça me dérangeait pas, moi. Tais-toi à sa place, pas où il faut. Ah, ça, t'as un bordel organisé. Tu vois, dans mon bordel à moi, je sais où c'est les affaires. Organisé, bah, ouais, pareil, c'est un bordel organisé. Bon, racontez-nous, dites-nous par rapport au Daron, mais histoire de rassurer Merwan, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Ou alors, bon, si vous êtes du genre maniaque et que vous vivez avec des pas maniaques, ça peut être marrant aussi. Non, mais après, c'est différent, ranger et que ce soit sale. Il y a Oussama qui nous envoie la photo de la chambre. Comment tu la trouves, Romano, spécialiste de la déco. Il y a beaucoup de choses, mais ça va. Ça va, si, les placards, ça a l'air d'être un peu bien rangé. Non, non, c'est bien ta chambre. Il y a peut-être un peu les sacs au-dessus de l'armoire, il faut les mettre ailleurs. Ouais, mais attends, par rapport à chez Cédric. Oui, non, mais bon, là, oui, mais en même temps, Cédric, c'est du propre. Casse-toi, c'est propre chez moi. C'est du propre, lancer l'émission d'M6. Cédric aurait pu être dedans. Non, il y a que la cuisine où c'est un peu le bordel, peut-être. Ah, putain, j'ai rempli. Non, la cuisine, tu sais, franchement, ça allait l'autre fois. Mais ta salle de bain, tu regarderas sur ta machine à laver, c'est dégueulasse, mon pote. Ah ouais, putain, c'est ça. Ta brosse à dents électrique et tout, c'est un vrai foutoir là-dedans. Ta meuf, elle viendra, elle me fera le ménage, tiens. La tienne, elle peut pas le faire. Ça pourquoi toujours les meufs en plus? Ouais, bah parce que sa meuf, elle aime bien faire le ménage. Bah ouais. Bon. Ah oui, bah elle adore. Ah bah super, c'est sa passion. Ça fait le genre. Ouais. Merci Clément pour ta chambre. Mais c'est le bordel dans ta chambre, Clément, toi. Ah ouais, ça, moi, je foutrais tout par terre ou par la fenêtre. Ah pourquoi, il y a quoi? Oh là là là là là, Pierre Dévreux. Mais comment tu fais pour marcher? Parce que tu peux pas mettre un pied devant l'autre tellement il y a des trucs par terre. T'as un gros sale. Pierre Dévreux, 18 ans. Bah chez Cédric, c'est un peu plus dégueulasse que chez toi. Pourquoi ouais, c'est ça en pire. Marie, elle a mis le nez sur l'écran. C'est ignoble. Pourquoi c'est ignoble? Mais dis donc, c'est vachement bien rangé par rapport à chez moi. J'adore ta déco. Il y a un mug avec genre du café ou je sais pas quoi séché sur le côté là. Non Marie, c'est une poubelle par terre, c'est pas un mug. Oui, parce que sinon le mec il prend un café mais sinon, le mug, il dort pas pendant 10 jours. Bah, le mug c'est la taille d'une poubelle en fait, de gros mug. Ah, c'est comme mes stops de bière. Bah, ah ouais, tu comprends ton état. Ouais. Dingue, hein. Stay, lui il connaît un pote qui a sa maison entière, c'est une vraie décharge mais vraiment. Putain, si tu trouves une photo de sa maison, envoie-la nous, Stay. Bon, vous nous envoyez tout ça, on en reparle dans un instant, il y aura aussi Ricardo qui sera avec nous. Ricardo, il est où? Il est à Paris, il a 18 ans. Salut Ricardo. Salut Ricardo. Ouais, ouais. On peut t'appeler Ricard. Moi, ça sera Ricard, mais sans eau. Sans eau, ouais. Exactement. Ah, Romano, t'achètes pas, toi. Cédric, la famille. Ah, bah voilà, Cédric. Bah, il va partir. Tu vois, t'as bien fait de venir, Cédric. Bah, ouais, grave, franchement, ça me fait plaisir. Quand tu te barres, hein. Ouais, je me casse. Bah, okay. Attends, tu vois, Ricardo, t'es gentil avec lui, il part. Non, mais non, parce que franchement, Ricardo, je suis mal, je te jure, sinon je serais resté. Mais franchement, je vous remercie à tous ceux qui m'envoient des messages, que je vois les SMS aussi de chez moi là. Vous avez bien entendu le message de Cédric. Je vous remercie à tous ceux qui m'envoient des messages et ça c'est gentil. Et j'ai que ça qu'à dire. Ah mais je suis fou. Ça j'ai cru que Franck Ribéry était en interview chez nous là. Non mais je remercie ceux qui m'envoient des messages, des mails et tout. Franchement ça me fait super plaisir. Mail. Cédric, le meilleur. Pas de Romano. Ah merci la gueule. Bah tu reviens demain Cédric. Ouais t'inquiète. Demain matin ou demain soir. Je vais pas vous rappeler le résultat du clash. On s'en bat les couilles. Non, ouais, t'as perdu. On s'en fout gros. Mais il a aussi perdu 2,5 kg, ça c'est ouais. Bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon Cédric, c'est déjà ça. À demain. Ricardo, bah bouge pas, reste avec nous. Et toi les gens ils te trouvent chelou, mais tu vas nous expliquer pourquoi ils te trouvent chelou les gens. Et on fait un petit tour sur vos chambres là. On va y lire la chambre la plus dégueulasse de la soirée. Je vois celle de Quasimodo, elle est pas mal. Hein. Ouais, c'est Alexis en fait. Ouais, elle est dégueulasse aussi. Ouais. Alors Quasimodo, alias Alexis, ouais. Ah ouais, il y a la console par terre d'après ce que là, c'est bien rangé. Des câbles de partout. Là, c'est bien rangé. C'est qui Max? Bravo Max. Max, 17 ans. Ah ouais, elle est bien. Putain, ta chambre. Mais elle est géniale ta chambre. Il y a l'aquarium. Ouais, elle est jolie ta chambre. Ah, la chance. Mais il y a une salle de bain privée. Qu'est-ce que tu regardes, Romano? Non, de l'équipe de France. C'est l'équipe de France, ça. Bon, on y revient tout de suite. Ricardo, tu bouges pas, le week-end. Le son de The Weeknd tout de suite. On se le met, c'est parti. The Weeknd et Daft Punk, une découverte Skyrock. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Difool t'offre les cadeaux qui te déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7. Romano prend tous les risques. Et mon point, c'est ta gueule, je veux t'en venir de la thune, moi. Ah non, la thune, c'est Skyrock qui la donne. Quelle est ta radio préférée? Skyrock, c'est Skyrock. C'est gagné. Bravo, bravo, bravo, bravo. 6h-9h, réveille-toi avec le morning de Default sur Skyrock. Une seule radio t'offre 1 500 € toutes les demi-heures. Ah bah c'est Skyrock. C'est Skyrock. Free Gun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix de canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Free Gun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Free Gun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Free Gun pour suivre tous les délires de la team Free Gun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert Skyrock présente. Allons-en en concert au Dôme de Marseille.

Ouais, non. Mais je crois que c'est des métaux. C'est des trucs faits pour. Ouais, ouais, c'est du métal chirurgical. C'est ça. Bon. Tu sais, c'est pas genre des vis le roi Merlin ou Castorama, quoi. Bon, bah, ouais, tu t'es pas opéré à Ikea. Tu me passes la clé de douche, je vais visser le bordel. Une plaque de fer. Pas la boîte à outils. T'as pas un bout de ferraille qui traîne. Ouais, mais c'est pas. Non, mais c'est des trucs faits exprès. Mais dans un an, il repasse sur le billard. À tous les ans, il va nous faire ça. Non, non, mais dans un an, il faut qu'il lui enlève la plaque. Eh oui, bah oui. La plaque, il la garde pas à vie. Ouais, toi, par contre, si t'as opéré quand t'étais une plaque, tu voudrais pas qu'on te la reprenne. Ah, déjà, ça me traumatiserait. Moi, j'aurais pleuré, moi. Mais t'aurais pleuré. J'aurais pleuré. Ça aurait pas changé grand chose. Ah, bah, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai à l'hôpital, je suis en train de pleurer. Hein. Bon, on va retourner dans les chambres. Parce que je voyais que tu regardais avec amour toutes les photos que vous avez envoyées. Ouais, j'aime bien regarder chez les gens, moi. Donc, vous envoyez les photos de vos chambres. Même envoyer des photos de. C'est un voyeur, Romano. Il kiffe ça. Ah ouais, mais moi, tu sais que ça m'est déjà arrivé de me coller aux fenêtres. Mais t'es un ouf, gros. Dans la rue. Mais pourquoi? Pour espionner les autres. Non, mais j'aime bien voir chez les gens, tu sais, voir comment c'est décoré, tout ça. Eh ben, t'es complètement taré. Non, mais j'aime bien. Ça m'intéresse. Laisse-moi m'intéresser. T'intéresses à quoi? Ah non, mais moi, je vois un mec qui est là collé à ma fenêtre, gros. Tu lui mets une patate. Ah, ouais. Je mets une baffe, je sais pas. C'est pas génial. Qu'est-ce que tu fais, gros? Je regarde. Tu sais, ouais, et après, en plus, la même tête que toi avec des lunettes. Hey, je regarde. Mais tu sais, cet été, j'ai traumatisé un gosse. Oui, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ricardo. Ah, Ricardo. Ricardo, t'es encore là. Bon, bouge pas, Ricardo. Ouais. Vas-y, dis. Ouais, les gars, j'ai un petit souci, là. Qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, gros, quand je parle, tu vois pas. Quand je parle, j'ai un vrai problème. Tu vois? Ouais, quand je parle, tu vois, j'ai toujours, tu vois ou pas? Tu vois ou pas? T'as joué, tu vois ou pas? Je vois ou pas? Je vois bien, ouais. Ah, ouais. C'est pour ça que les gens, ils te trouvent chelou, toi. Un peu. Non, mais t'es chelou, Ricardo, c'est vrai. Quand je vois, gros, quand je parle, tu vois, j'ai du chou, genre, faut pas ma gueule de bail comme ça, tu vois. Tu veux dire que tu ponctues tes phrases par des. Tu vois. Des ma gueule, tu vois, t'as vu. En fait, quand il parle, Ricardo, les gens, ils écoutent et ils lui disent, mais j'ai rien compris. Et en fait, ils comprennent pas parce qu'il dit tout le temps ma gueule, tu vois ou pas ma gueule. Bon, raconte-nous un truc, Ricardo, je sais pas, raconte-nous. Parle-nous du truc avec ta meuf, là, que tu m'as parlé au standard. Ah, vas-y. Genre, toi, au lycée. Ouais. Vas-y, on laissait une gaufrière dans ma classe, tu vois, elle est grave mignonne, ça, tu vois. Oui. Elle m'a dit, tu vois, je vais la capter, ça, mais la go, elle est un peu chelou, tu vois. Pourquoi elle est chelou? Parce que, tu vois, entre nous, tu vois, le fling, ça passe, tout ça, tout ça, tout ça, tu vois. Et genre, elle dit à mes potes, genre, elle attend que je fasse le premier pas, tu vois ou pas? Là, je vois moi, mais continue. Mais vas-y, il le faut pas, gros. Tu vois, genre, elle se confie à moi, elle me dit des secrets, ça, ça, sur Snap, tu vois. Ouais. Mais gros. Genre, j'envoie un message, tu vois, elle me répond genre une fois sur six, tu vois ou pas? Ouais, on voit. Elle te répond quoi? Une fois sur six. Elle lui répond, tu vois ou pas? Ah non. J'ai compris, tu veux une saucisse. Non, tu veux pas une saucisse. Elle te répond une fois sur six. Et gros, j'ai chaud de faire pour pas, tu vois, parce que je sais pas, elle va dire quoi de ça, ça. Mais genre, toi, tu sais ce qu'il y a sur sa famille, tout ça, tu vois. Je vois, tu veux dire qu'elle se confie à toi, mais t'as vu, on arrive à se comprendre. Ouais, ça va Ricardo. À peu près, oui. Non, mais tu vois. Mais je vois. Donc, moi, je lui dis, t'as vu, on arrive à se comprendre, Ricardo. Et gros, même au problème, les profs, quand je parle, je fais, wesh, enfin, dis-tu ou pas, t'as juste dit ou pas, des mecs comme ça, tu vois. C'est clair que si ouais, le prof, que si tu lui fais wesh ou pas, le prof, il peut se dire, wesh, gros ou pas, ou quoi. Elle va rien comprendre, j'ai la bonne réponse, tu vois. Tu parles au prof ou ouais, pas. C'est ça, ouais. Tu vois ou pas? Ouais, t'as plein de tics. En fait, ça sort tout seul, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça vient d'où? Il y a un pote qui disait ça avant ou ça t'est venu tout seul? Non, je sais pas, en fait, je parle comme ça d'habitude, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Tu sais que Marie, tu lui poses cette question, elle est pas mal ta question parce que ça me rappelle Marie quand t'es sortie avec le mec qui arrêtait pas de dire ma gueule, elle s'était transformée un peu en rockeuse. Ouais, je disais elle était là, ma gueule. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, je lui ai dit, je disais souvent ma gueule. Ma gueule. Mais un jour, je lui ai demandé pourquoi tu t'arrêtes pas de dire ma gueule. Ouais, ma gueule. En fait, elle était avec son mec qui m'ont raccompagné en voiture, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ma gueule? Elle me dit, parce que nous, les gens qu'on aime bien, on leur dit ma gueule. Marie, elle était en mode Renault, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On marche à l'ombre. Bon, mais quand tu parles à la maison à tes parents, tu parles pareil? Les gros, c'est la même. C'est la même. Bah, c'est ta manière de. Tes parents, ils répondent. Oui, mais pareil. Des gens qui sont pas habitués, je pense que c'est normal qu'ils comprennent pas. Tu vois, genre un vieux, qu'est-ce que tu veux qu'ils te comprennent? Ah, bah ouais. Avec les parents, tu vois, j'ai ça un peu de. Tu vois, je parle pas, genre, quand je suis avec mes potes, tu vois. Ouais, on voit. Genre, quand je parle, genre, même genre, je vais chercher un taf, tu vois. Et des fois, le monsieur, tu vois, je fais, tu vois ou pas, je suis terminé, ça, tu vois ou pas? Tu vois pas? Mais t'as compté combien, je sais pas, y a pas qu'un de tes potes qui l'a fait, le nombre de fois où tu dis, tu vois ou pas dans la journée? Parce que là, tu nous en as fait au moins 50. Ah ouais, si, y a une phrase où t'as fait rien. Ouais, tu t'es concentré. Ah. Des fois, il me fait, ouais, c'est bon, je vois, arrête de dire, tu vois ou pas? Bah oui, tu vois ou pas. Ah, mais gros, c'est chelou. Mais on a tous des tics. Je sais pas, t'as un tic, Romano, quand tu parles? Bah, tu fais beuillant, mais bon. Je sais pas, non. Non, ouais, on parle. Cédric, il arrête pas de faire. Ah ben. Ah ben, ça, ah ben. Ah ben. Ouais, ça, c'est au clash. Cédric, il est chelou, c'est normal, c'est qu'il est pas normal, lui. Bah, en plus, tu sais qu'il se drogue maintenant, il prend de la morphine. Ça y est, c'est un drogué. C'est vrai, Cédric, c'est. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Ouais, mais pas depuis toujours. Non, mais depuis. Ben, lui aussi, c'est venu après, ouais. Ah ben. Cédric, ouais, c'est fait quelques mois. Ouais, il devient un peu une biatch. Oui. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, et là. Ah bah, le pire, c'est au clash, ouais. Au clash, il arrête pas, quoi. Ah, écoutez, ah, le prochain clash, vous allez voir, il arrête pas de faire. Ah bah. Bon, Ricardo, bah, tu parles comme ça. Bon, t'arrives à te contrôler quand même dans les moments où tu dois te contrôler pour trouver un taf, pour, non? Justement, j'ai dit ça, mon patron, j'ai dit, tu vois ou pas? Ah oui, donc t'arrives pas à te contrôler du tout, hein, c'est ça. Fait délirer l'auditeur, nous dit Laura de Sky. Mort de rire. T'as vu, tu vois ou pas? Ah, il y en a plein qui nous laissent des messages. Ah, bah tu vois, ils parlent comme toi. Ah, bah pendant une période, il y avait plein de t'as vu. Ouais, les t'as vu. Vous vous souvenez, ouais, les t'as vu, ouais, il y en avait plein. Il y avait même les tac-tac t'as vu. Ah ouais, Cédric, exact. À une époque, il arrêtait pas de finir toutes ses phrases par tac-tac t'as vu. Tac-tac. C'était. Ouais, frelon. Ah ouais, ça il y avait aussi le ouais, frelon. Ouais, frelon. Parle pas mal, frelon. Hein, on comprend pas l'auditeur quand il articule. Ah, Michel du 22 a du mal à comprendre. Moi je vois, t'inquiète. Ah, t'inquiète, ouais, ou pas. Les auditeurs ils te répondent. Non mais c'est marrant comme tu parles, t'es rigolo en tout cas comme tu parles. Ouais, c'est clair. Fais d'art. Oui. Et pour la gauche, je fais quoi? Je sais pas, j'y vais ou pas? Parce que j'ai chaud un peu, tu vois ou pas? Bah écoute, envoie lui peut-être moins de messages. Si elle répond à 1 sur 6, c'est que parfois tu la saoules. Ouais, peut-être, ouais. Même pas ça, des fois, regarde. Hier soir, m'envoie un message, tu vois. Oui. Après, j'ai fait, elle m'a dit salut, j'ai fait. Salut, tu vois. Elle m'a pas répondu. Alors, mais quand t'envoies des messages, tu écris également salut, tu vois ou pas? Mais non, mec. Tu mords de rire. Non, mais arrête de lui envoyer des messages, c'est que tu dois la saouler. Puis de toute façon, c'est pas cool d'avoir un mec qui s'en fout. C'est ça le pire. En fait, j'envoie pas de message, tu vois. Puis genre, elle me voit, après, je réponds et elle répond plus. Ah, bah bon, si, oui, si elle t'envoie un message, c'est bien de lui répondre aussi. Ouais, après, tu sais, il y a des gens, ils sont pas très messages. Tu vois, j'ai remarqué des potes, t'envoies un message, des fois ils te répondent pas, tu sais, c'est des gens. C'est vrai, ils communiquent pas comme ça par texto. Ouais. Tu vois, c'est. J'aime pas ça, moi, quand j'envoie un message. Ouais, moi, je suis comme toi. Parce que toi, t'es vachement texto, moi aussi, tu vois. Moi aussi, je réponds, ouais. Des fois, ouais, des conversations entières par message, et moi, ça me dérange pas, mais il y a des gens, ils sont pas du tout texto. Ouais. Après, j'ai un problème avec mon téléphone. Ah ouais, tiens, bah, c'est vrai, alors, ouais, parce que ce week-end, tu m'as envoyé un message, je ne t'ai pas répondu. Bah, là, toi, je t'aime pas, Romano. Tu vois? Tu vois ou pas, Ricardo? Romano, il répond pas aux messages. Eh ben, j'ai un problème avec mon téléphone, je vais juste vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des messages, je reçois pas. C'est-à-dire qu'on m'envoie des messages et je les reçois pas, et après je les retrouve trois jours après sur ma tablette. Par exemple. Non, mais c'est vrai, quelquefois je te laisse un message quand tu viens me chercher, en fait je reçois. Ouais, mais ça, il le fait exprès, Marie. Oui. Non. Si, si, bah non, si. Je m'envoie des messages et le message je le reçois quand on est dans la voiture ensemble, genre. Ouais, des fois c'est décalé, ouais, je sais pas pourquoi. Est-ce que la capacité de stockage de ton téléphone, il est pas plein? Ça te dit pas? Ah, c'est possible. C'est possible qu'il est. Parce que moi, il est plein et du coup ça fait ça, et du coup, des fois ça décale. Ça m'écrit un truc en américain parfois, white, je sais pas quoi, bidule. Ah, peut-être qu'il est plein. Espace de stockage. Ah, mais c'est ça, à mon avis, c'est ça. Pareil, ouais. Parce que là, storage. Ouais, j'ai fait un drame avec une copine qui m'a envoyé un message l'autre jour pour me dire qu'elle arrivait. Le problème, c'est que j'étais pas jamais reçu et que je devais aller la chercher quelque part. Voilà. Et le message, j'ai reçu genre 3 jours après. Ah, voilà. Elle a dû te prendre pour un bouja. Ah ouais, galère, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah, elle attend depuis, comme ça. Eh ben écoute, qu'elle attend encore un peu. Donc, c'est quoi? Je pense qu'il est plein, c'est pareil. Ouais, il faut que je fasse. Bah, en fait, tu supprimes des trucs. Donc, soit des photos, des conversations par texto, des applis. Bah, je supprime les applis. Ou des textos. Tu t'en sers pas. Tu peux effacer les textos, ça prend la mémoire. Non, mais j'aime bien les textos. Ah, tu gardes tout, ouais. Ouais, Ricardo. T'as un iPhone, toi, non? Ouais. Le 6, ouais. Ouais, t'as vu? Moi, non. Hein? Envoie-le-moi, t'en as pas besoin. Ah bah, fou. Non, mais il en a besoin. Il va bien. Je vais le garder, mais pourquoi pas. Romano, tu veux pas filer un iPhone? Bah, j'en ai qu'un. Il est sympa, Ricardo. Mais ouais, mais. Le mien, je peux pas te le filer, Ricardo. Il est plein. Moi non plus, il est trop plein. Bon, moi. On peut pas partager, je te connais. Non, il partagera. Ah non, c'est clair. Non. Mais tu me connais bien, oui. Bon, pour ton truc de la meuf. Écoute, a priori, elle a l'air d'être intéressée par toi, mais si c'est pas la meuf qui est dans la friend zone, c'est une. Mais non, elle est plus dans la love zone, non? Ouais, love zone. Moi, je sens plus love zone. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Pas sûr, hein. Marie. Ah non, moi, je pense que tu lui envoies trop de messages. S'il y a la réponse sur 1 sur 6. Marie, la gauche, je renvoie pas de messages, je suis beau ou pas? Je renvoie genre, la première fois, on a parlé, après, j'ai attendu, je sais plus quoi, tu vois. Ou pas. Après, on va m'envoyer salut, tu vois. Après, j'ai dit salut, tu vois. Après, elle m'a plus répondu. Ah. Enfin, moi, après, j'ai rien envoyé, après, tu vois. Moi, j'aime pas faire le forceur. Ouais, salut. C'est non, vrai. Non, ça te répond pas, tu réponds plus. Ouais, ouais, voilà. N'insiste pas derrière. Ou alors, elle s'est peut-être rendu compte que le salut, elle voulait l'envoyer à quelqu'un d'autre, non? Ah merde, ouais. Ah ouais, pas con. Bah non, mais c'est vrai, parce que c'est bizarre. Elle te dit salut, derrière, tu réponds salut. Salut et... Ou alors, elle est débile, tu vois. Ouais, non, c'est un peu fermé, ouais. Même sur Snap, des fois, il fait ça. Ou alors son téléphone il est plein comme le mien. Ouais, elle veut plus. Ouais. Elle reçoit plus tous les messages. Non, ouais. Ça marche plus. Attends, son crazy, c'est pas plein. Je sais pas, elle est chelou, frère. Je sais pas quoi faire. Bah, ce que tu peux faire, t'as en plus. Parle lui qui en vrai, tu, arrête les messages. Tu peux aller la voir direct et tu lui demandes. Tu me vois ou pas? Tu quoi? Il dit à mon pote truc, attends que je fasse le premier pas. Wesh, mon crazy. Bah là, j'ai pas compris. Elle a dit à son pote qu'il attend, enfin, que c'est à lui de faire le premier pas. Ricardo, il devrait y aller. Bah vas-y, Ricardo. Elle a dit à ton pote. Non, moi je dis vas-y, Ricardo. Tu lui fais, tu veux s'entraîner avec moi, t'as vu ou pas, tu vois? Ouais. Ou pas. Vas-y, la go, gros. En même temps, t'as rien à perdre. Bah oui, vas-y, Ricardo. Comme ça, oui. Ouais, ouais, mec. Elle t'intéresse, cette meuf, vas-y, avant qu'un autre y aille. Demain, c'est géré. Ah, je sais pas, elle est de ma classe quand même, je sais pas, t'as vu? Bah, et ça, c'est pratique. Bah, et alors? Quand tu sors avec elle, quand tu ronds, ouais. C'est moins pratique. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, t'as vu, sauf si elle te fout avant, quoi. Si elle te fout avant, après, c'est vrai qu'elle est dans ta classe. Ah, c'est un peu plus galère, ouais. Tu vas l'avoir tous les jours. C'est des brûlers, ils vont tous être au courant, tu vois. Ou alors, oui, ça, c'est clair, oui. Ou alors, tu vas de manière un petit peu plus discrète, tu sais, la traditionnelle invitation au bar, tu l'invites ouais, à boire. Tu l'invites à boire un café. Un café, scandale, une bière, autre. J'ai avec ma copine, tout ça, non, elle veut pas. T'as une copine? T'es esquive. Non, il a dit, elle, à chaque fois qu'il lui parle un truc à part, elle veut venir avec ses copines, machin. Non, mais t'es esquive, gros, laisse tomber, alors. Ah oui. Ah bah, c'est clair. À ce moment-là, oui, c'est mal barré. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Sondage express pour Ricardo. Allez, 41759, skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages. Et l'appli, bien sûr, hein, l'appli Skyrock. Vous envoyez vos messages directement. Est-ce que c'est bien engagé? Oui ou non? Vous en pensez quoi? Il doit y aller, oui ou non? Enfin, c'est la même question. Vous répondez oui ou non. Il doit y aller, c'est bien engagé. Ou alors, il faut pas qu'il y aille. Marie, oui? Non. Oh, toujours négatif. Tu connais les négatifs, Ricardo et Marie? Non mais sinon tu renvoies des messages quand t'es intéressé par quelqu'un. Romano, oui ou non? Ah moi je dis non. Et en plus l'histoire, la meuf quand tu l'invites, elle veut tout le temps venir avec ses potes, c'est mal barré. Samy, oui ou non? Non moi je dis c'est mort, change de cible. Ah toi aussi? Et ouais voilà. Parce que là si elle veut venir à chaque fois avec ses copines. Il lâche l'affaire, nous dit Jules du 02. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est mort, tu vois. Ah c'est mort, tu vois, t'as vu. Merci le joker de Skyrock. Karim, tu dis oui ou non? Moi je dis pardon, excusez-moi, je mange en même temps. Bah bon appétit, c'est pas chier là, tiens. Tu manges un sandwich au cochon. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, moi je pense que c'est mort, mais que tu devrais pas lâcher l'affaire, gros. Moi je laisserais pas tomber. En tout cas, je serais peut-être pas direct comme ça, mais je laisserais pas tomber. Ouais, pareil, ouais. Bon, on va voir ce que vous. Et là, les gars, vous irez jusqu'au râteau, quoi. Laisse tomber, tu vois, pour Kelvin, 16 ans, Escobar, qui dit qui tente sa chance. Vous avez vu, c'est partagé, hein. Ricardo, parle-moi vite. Ah, si tu as des trucs à lui demander, c'est Cook, 31 ans, elle veut que tu parles un petit peu moins vite. En tout cas, si tu veux lui demander. Mais sinon, il y a un message qui revient, c'est pas con, tu fais un test. Tu sais, quand elle t'envoie salut, toi, t'envoies salut et tu lui poses une question et tu vois si elle te répond. Si elle te répond pas, c'est vraiment qu'elle s'en bat les couilles. Et dans ce cas-là, c'est mort. Bah ouais. Oui. C'est bon, bien ça le test. Donc c'est mort, c'est pas mort. Allez-y, vous nous faites signe et tu ne. Bah, à mon avis, ça pue, mais. Tu ne quittes pas, Merwan. Ricardo. Merwan. Ah oui, les réactions pour Merwan. Je voulais des messages pour Merwan aussi. Bon, à tout de suite, Ricardo, hein. Bouge pas, mec. Allez, ok, j'attends. Alors. Romano, t'as fait une petite sélection des chambres que vous nous avez envoyées. Ah non, pas tout, quoi. Ça défile, mais je peux sélectionner en direct. Hein. Ah ouais, peut-être, c'est vrai que ça défile encore. Vas-y, fais tourner le truc. Et tiens, on a Antoine qui veut réagir là-dessus. Salut, Antoine. Salut. Comment va, Antoine? Ça va. T'as salut, Antoine. 15 ans et t'es dans le 94, toi. Ouais. Alors, et Samy, il est au téléphone avec, Ricardo. Ricardo, je l'appelle sur un autre numéro, il a plus beaucoup de batterie. Ah, il t'a fait ta vue? Ouais, bah, au moins 10 fois, gros, juste pour le numéro de téléphone. 06, t'as vu, 13, t'as vu, tu vois, ouais. Bon, alors, Antoine. Ouais, toi, tu nous appelais par rapport au, alors, c'est Merwan qu'on a entendu tout à l'heure rapidement, mais qui était obligé de nous quitter parce qu'il drape dans la famille. Et à chaque fois que sa mère, elle va dans sa chambre, elle la trouve dégueu, alors que lui, il trouve ça pas sale. Romano, t'as fait une sélection des chambres. Tu nous as envoyé la photo de ta chambre, Antoine, toi? Non, j'ai essayé, mais mon téléphone a bugué. D'accord, parce que là, je vois Valeno là qui nous a laissé sa chambre. Oh, ça va, Valeno? Ah non. Qu'est-ce qui va pas, Romano? Je dis non. Il faudrait filmer en Facebook Live et Periscope, comme ça, en même temps. Vous voyez les chambres. Oui, parce que... Bordel. Donc, filmez pas les numéros de téléphone. Voilà, essayez d'être intelligent. En plus, Valeno, ça se voit, t'as un branleur, il y a un sopalin juste au pied de ton lit, gros. Ah, tu t'es branlé, ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais de toute façon, ça, c'est non, je dis non. Et à cause du sopalin plein de foutre? Ah, du sopalin, le casque par terre, le lit en vrai. Le lit dégueulasse avec des draps en poche. Ah ouais. La lampe de chevet, elle est complètement bancale. Regarde, elle est pas prête à tomber. Ah ouais, sur le côté, ouais. T'es dur, Romano. Non, on se dit non, Waleno, il faut ranger ta chambre. Donc, Waleno, Il est. Par contre, les gars, si vous voulez faire un Facebook Live, il faudrait le faire maintenant parce que. Il n'y a plus les photos. Ouais, c'est qu'à un moment donné, ça ne servira plus à rien quand il n'y aura plus de photos. Moi, je vais me mettre sur Périman. Très bien, d'accord. Mets-toi sur Périman. Réveillez les traumas des réseaux sociaux. Ah, il arrive. Mais il vient d'où? Parce que. Il vient de. Le studio et. Non, mais il marche en moonwalk. Ah, d'accord, ok. Il marche à l'arrière. Ouais, c'est ça. Mets-toi dans l'autre sens. Il va arriver à un moment ou à un autre. Donc qu'est-ce que Quasimodo. Ah non, Quasimodo ça va pas non. Non mais c'est un gros porc. Oui, pourquoi c'est un gros porc? Il y a une bouteille d'eau. Bon. Ah, une bouteille d'eau. Moi aussi j'ai une bouteille d'eau dans ma chambre. Il y a des câbles qui traînent, je sais pas, il y a un nounours, mais tu as quel âge, Quasimodo? À 20 ans, mais j'ai 20 ans, c'est écrit. Il y a des CD par terre, des fringues, il faut ranger tout ça. Bordel. Mais... bordel. Bon, alors attends, on va regarder juste toi Antoine, puis si t'appelais pour ça. Toi c'est ça c'est bien. T'es plutôt genre bordélique ou bien rangé? Moi entre les deux. Ça dépend des fois. Donc toi, j'imagine que pour toi, ouais, c'est entre les deux, mais pour ta mère, ça doit être dégueulasse, non? Ouais, c'est pas rangé. Fin. Mais dégueulasse comment? Comme Cédric? Allez. Quand même pas, non. Mais c'est toi, est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a deux trucs. Ça peut être ouais, sale, c'est le bordel, ouais. Ou alors ça peut être juste bordélique. Et ça peut être les deux. Et ça peut être aussi sale et bordélique, oui. Il y a surtout beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière. Ah, c'est sale. Et il y a plein de bazar. Ah, ça me dégoûte. Toi, t'es sale et bordélique. Qu'est-ce qui te dégoûte? Ah, la poussière, j'aime pas. Ah, bah, dans la piole, en plus. En plus, tu respires mal. Ouais, en plus, mais ça te fait pas éternuer, t'as pas d'allergie? Ah, non. Ouais, t'as de la chance. Bah, tu vis peut-être dans ta poussière depuis tellement longtemps qu'en fait, tu t'es habitué, t'es plus. Ouais, ton corps s'est habitué. Ouais, t'es immunisé. Ouais, c'est ça. Et ta mère, alors, par exemple, quand elle voit tout ça? On a ma mère, elle me fait, ouais, Antoine, faut faire des poussières. Je fais, oui, bien sûr, mais. Et tu les fais jamais? Non. Putain, il y en a un par contre, t'as regardé Max, ça change quand même bien rangé. Ah, on m'a applaudi Max. Non, mais c'est bien, ouais, lui, c'est il a pas rangé. Lui, il a pas une poussière, c'est clair. Ah, rien, tout est rangé, rien qui traîne. Max, bien. Tu le prends, on n'en voit rien. Bon, c'était au 77. Bah, si, on voit, mais c'est un tout, peu sombre. C'est tout sombre. Faut ouvrir les volets par contre. Bon, ou alors. Sur-ci, ça y fait nuit. Hein. Ou créer une fenêtre. Oui, mais sur ci il fait nuit. Ou peut-être installer l'électricité. Bah, ça, mais sinon, c'était bien rangé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Oussama ELM, pas mal. Bien, ouais. Ouais, ça va à peu près. Ouais, Oussama, bien, parquet par terre. Ouais, ouais, bien, sac à dos, mais s'il est posé, nickel. Bon, ça, c'est un ordi. Ça, oh putain, que c'est bien rangé là. C'est une chambre alors. C'est chambre. Gary. Gary, il est toqué lui. Gary, 31 ans, qui vient nous envoyer. Attends, il n'y a pas grand-chose dans la chambre. Il y a le lit et une table de chevet. Ouais, mais ça suffit. Ouais, mais c'est vrai en même temps. Bon, ouais, une chambre, un lit, ça suffit. Et un cadre au-dessus du lit. Mais c'est bien rangé. Ah ouais, là, il n'y a rien. Faut pas que le cadre se décroche, sinon ça te guillotine le machin. Ah ouais, c'est clair, c'est dangereux. Cantox. Cantox, oui. Bah, ça va. Ouais, c'est sombre. Télé. Ça va, c'est sombre, ouais. Ouais, t'as une super. Ah, il met le flash, mais. Ouais, une belle télé, mais plus petite que la mienne. Parce que Romano, il est content, il a une télé très grande. 138 cm. Plus grande que lui. Je vais mesurer aujourd'hui encore. 138 cm. Regarde si elle grandit. Comme la queue de mon mec. Ah ouais, quand même. Ah bah, 38 cm. Eh ouais. Là, c'est 4 dessus. Bah, 4 dessus, c'est bien. Il y a, bon, il y a un banc de muscu dans la salle. Ouais, j'en ai un aussi. Dans la chambre. Ouais. T'as le même que tu moi, d'ailleurs. Dessus, d'ailleurs. Si, il y a juste un truc dégueulasse par terre. Je sais pas, on dirait un bout de sopalin. Bah, toi aussi, tu es un branleur. Plein de foutre. Toi aussi. Oh! Attends, t'imagines le truc qui traîne. Oh là, ah ouais, alors là, Pierre Desvreux. Ah ouais, on l'a déjà vu, Pierre Desvreux, c'est pas la première photo que t'envoies là. Putain, Pierre Desvreux. Oh là, c'est Chachou, bien. Chachou, c'est une chambre de fille. Ouais, c'est bien. Et il y a un chien sur le lit. Ouais, c'est ça. Et il y a la peluche avec le logo Playboy du lapin là. Ouais, et le chien qui regarde la peluche qui croit qu'elle va lui parler. Et après, à côté, il y a un éléphant avec une trompe. C'est peut-être le sextoy de Chachou, elle se met la trompe. Magnifique Chachou. Chachou, 25 ans. J'aurais pu ranger ton sextoy éléphant. Elle est jolie ta chambre, jolie ton chien. Ah là, il a. Oh là, 21 ans. Quand mais on dit que les filles sont plus maniaques que les garçons, c'est pas vrai. Hein. Une sale. Oh, moi, c'était pas ce bordel, hein. Ah, là, il y en a partout. Il y a des fringues partout, là. Le lit est pas fait, il y a des fringues par terre, il y a des chaussures, des câbles, des fringues posées légèrement sur une chaise. Vraie chambre d'étudiante. Sur son message. Ah, et sur sa photo. Alors ensuite. Là, c'est pas bon. Là, c'est une salle de, la salle de bain de Chachou. Bon, ta salle de bain. Peut-être dans la douche. Est plus propre que le reste. Bah, dors dans la douche, Chachou. Là, c'est une chatte qu'on nous envoie en photo. Là, c'est Cynthia. Cynthia, bien rangée. Ouais, le seul truc que j'aurais, reproche, que j'aurais à refaire, c'est le bloc de prise en plein milieu de la chambre. C'est vrai, La nuit, fais gaffe de ne pas t'électrocuter. Ou de ne pas tomber avec les câbles. C'est mieux, effectivement. Pour, quand tu vas te faire un dodo. Eh oui, quand tu vas dormir. Là, alors Chachou nous envoie tout l'appartement. Là, on a eu trois. Merci Chachou, on a fait la visite de chez toi là. Le couloir, c'est le couloir. Et t'es tout seul dans ta chambre, putain, toi. Putain, mais Orient, sa chambre, c'est high tech quoi. Ah ouais. Parce que là, on a une chambre avec des lits superposés. Toi, tu vis tout seul dans ta chambre, Antoine. Non, moi j'ai mes deux sœurs avec. Ah, vous êtes trois dans la chambre. Ouais. Ah bah c'est normal que ce soit le bordel. Ah ouais, trois avec deux. Mais c'est horrible, non? Ah moi j'aimerais. Ouais. Parce qu'avant, quoi, en même temps, vous avez peut-être pas le choix. Mais... Ah bah ouais. Coûte cher les maisons. Surtout quand il y en a une qui ronfle. En plus, il y en a une qui ronfle. Non, mais des fois, tu sais, en plus, elles doivent parler truc, tu t'en bats les couilles, quoi. Ouais, ouais. Mais carrément. Tu sais, des fois, elles discutent et puis elles rigolent comme des mécasses. T'as vu? Oh, direct. Ah, trop beau. Trop drôle. Oui, mais ça, c'est ma soeur de 13 ans. Ouais. Et putain, trop drôle. Ah, trop beau, Justin Bieber. Alors là, c'est Orient 96. Alors là, c'est la chambre high tech. Tu dois être DJ. Non, moi, putain, j'ai une boîte de nuit. Elle est fluo dans tous les sens. Mais ouais, chambre. Ouais. Table en verre et tout, la classe. DJ, bien, bien rangé. Beau, beau, beau. Beau. Et vous pouvez pas vous y mettre à trois pour ta mère? Tu vois, vous nettoyez la chambre à trois. Un jour, vous dites, c'est bon, c'est tellement le bordel. Bah, en plus, vous serez mieux dedans. Des fois, on nettoie, mais ça reste c'est qui cette chambre, Manon, le drapeau de l'OM, là? Magnifique, ah, génial! Oh là, filme-la sur les réseaux, regarde, comme elle est belle, ça. Attends, on va changer, ça craint. Ah non, elle est trop belle, il a un grand drapeau de l'OM, là, bleu et blanc, magnifique. Eh, Romano, il l'a enlevé. Attends, il y avait une teammate Gamer avant. Très bien rangé ta chambre. Félicitations avec la collection de sneakers. Ça fait un bleu comme ça, un peu chelou. Bon, c'est la photo avec le truc de l'OM, là. C'est qui? C'est Max. Ah ouais. Bah, tu devrais l'enlever. Sinon, ça. Ah non. Juste avec le drapeau, c'est moche, mais sans, c'est beau. Magnifique. C'est bizarre, ça. Bon, merci pour toutes les photos que vous nous avez envoyées, là. Vous avez suivi en plus sur Facebook Live et sur Perry aussi. Sur Perry aussi. Ah, elle est bien, ta chambre Victor aussi. Ouais. Et vous savez que Romano, il va rester là jusqu'à demain matin à 6h pour regarder les photos que vous envoyez, tellement ça le passionne. T'aimes bien la déco, hein? Non, mais j'ai bien, ouais, ça donne des idées et tout. Voilà, vous avez eu l'avis. Et si vous voulez d'ailleurs lui demander son avis sur différentes pièces de votre appartement, de votre maison, de la maison de famille, tout ça. Ah, il a un écran, quoi. N'hésitez pas, putain, la maison. Toi, Ancho, lui, carrément, il a écran de cinéma dans le salon. Ouais. Ah ouais, putain, ça déchire chez toi, là. Bon, bah écoute, merci, merci Antoine. Ah, merci pour les messages. De m'envoyer ton canapé à tétière. Ah, c'est d'accord. Putain, ouais. Fais gaffe aux tétières. Essayez de vous y mettre à trois. À trois, c'est vite fait. Ça peut être rigolo. Ouais. Allez se faire les filles. Ouais, voilà, elles aiment bien. Ou alors tu te mets sur le lit, tu leur dis ça, tu nettoies, ça, tu fais ça. Ouais. Pas miseux du tout. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il faut pas faire ça. Les filles, elles peuvent même bien le faire. Elles, ouais, bien sûr, t'as raison. Moi, je veux pas être miso, mais bon. Ranger ton bordel. Non, mais tu l'es très bien. Attends, ranger ton bordel, c'est leur bordel à elles aussi. Bah, chacun range son bordel. C'est bien ça, Marie. Bah, ouais, c'est ça. Hein. Bon, Antoine, merci du coup de fil. Et puis, raccroche pas, on t'envoie le t-shirt Skyrock. Tu le laisses pas traîner dans ton bordel, attention. Hein. Oui. Salut Antoine, ciao. Salut Antoine. On va lancer la roulette qui va tourner. 10 heures encore à gagner cette semaine. On fait l'arrivée de Skyrock sur 10 heures. Ouais. Vous voulez gagner? Eh ben, c'est parti au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous voulez, non. 41-759 sur l'appli Skyrock pour agir pour l'émission. Mais pour les inscriptions, c'est 7-20-20. Ouais. Exact. 7-20-20. Vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous faites tourner avec nous. Vous gagnez un an de 10 heures pour écouter tous les sons que vous voulez. Tout illimité, téléchargement limité, sans publicité. Truc de fou, c'est pour vous. C'est parti. 7-20-20. Vous envoyez roulette et dans un instant, tiens, on a une réaction pour Ricardo, c'est Fariz qui est avec nous. Yes. Ah oui, Ricardo qui parle chelou. Salut Fariz. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Salut Fariz. Ça va. Je te présente Ricardo, t'as vu, tu vois ou pas? Ouais, j'ai entendu un petit peu. J'ai pas tout compris, mais. Je me suis adapté un petit peu. Moi aussi, pareil. T'as vu, on s'est démerdé au final. Ouais. Voilà. Et puis, je vous donne les résultats du sondage express qu'on a lancé. Est-ce qu'il doit y aller pour la meuf ou pas? Ouais. C'est le sondage express. Ah, tu vois ou pas, Ricardo? Tu vois, gros? Je vois. On va te dire tout ça après Niska et Maître Gims. Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. C'est le nouveau. Niska, Maître Gims, elle avait son Joe. La seule émission qui fait rapper les artistes en direct tous les soirs sur Skyrock, c'est Planète Rap. Cette semaine, c'est la nouvelle voix féminine du rap game. Je sers de la good vibes à ta génération. Tila te dévoile son univers au micro de Planète Rap. Donne-moi la mèche, passe par le micro, pousse-toi, man, tu ne seras pas déçu. 1, 2, 3 tests pour le début. 1, 2, 3, 4 pour le déluge. Quand je veux mon flow se décuce. C'est Planète Rap Tila. Tous les soirs, 20h-21h avec Fred sur Skyrock. Écoute, tu seras perché comme Walter White. Et en vidéo live sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Nouvelle tournée événement Skyrock. Je n'ai pas de glaçon dans mon vin. Ça prend de la place pour rien, mon frère. Maître

Ou pas. Non, tu vois ou pas. Tu vois ou pas. Ouais. Mais il y a des t'as vu qui se baladent ouais, aussi. Pas, ouais. Et parfois, t'as l'impression que les gens, ils te comprennent pas, Ricardo. C'est ça. Mais. T'as vu, nous, on t'a, t'as vu. T'as vu. Nous, on t'a. Je dis souvent aussi, t'as vu, en fait. C'est clair, ouais. Mais on t'a compris, on s'est compris, Ricardo. Ouais, plus ou moins, on a compris. Ouais, vous avez essayé, tu vois. Je vois. Je vois. Bon, on a lancé un sondage express. T'as vu. Ouais. Ricardo, le sondage express était est-ce que tu dois y aller ou pas avec la meuf. Les résultats ouais. du sondage express, est-ce que c'est ça. Alors ça c'est le clash de la drague. 62-38, tu sais, c'est clash. Ah, ça c'était le clash. Les résultats, je vous les donne dans un instant, ils sont encore en comptage. C'est encore en comptage. Bah dépêche-toi Romain, faut que je donne les résultats. Et Faris, toi t'appelais pour donner des conseils à Ricardo. Par rapport à voilà. la meuf ou par rapport à comme il parle. Bah pour les deux, franchement, t'as vu, je peux lui donner. J'ai vu. T'as vu, ouais. Non bah voilà, je peux lui donner, franchement, je peux lui donner des conseils sur tous ces petits problèmes en question. Déjà pour la fille, moi je pense qu'il devrait lâcher l'affaire. Après j'ai juste une question à lui poser. Est-ce que lorsqu'il lui pose des questions, est-ce qu'elle lui répond par le fameux « et toi » Parce que si elle lui répond pas par le fameux « et toi ouais, » Des fois c'est elle qui pose des questions, frère. Ah des fois c'est elle qui te pose des questions. Explique le truc du « et toi » ah, ouais, donc. Par exemple, donne un exemple avec le « et toi » Bah moi genre, par exemple voilà quand, moi si par exemple demain tu vois je suis en, si je veux justement gérer une meuf quelque chose comme ça ouais. je lui pose des questions qu'est-ce que t'as fait de ta journée alors ça s'est bien passé si elle me répond pas par et toi c'est qu'elle est vraiment pas intéressée ouais, la c'est, meuf. Ouais, c'est vrai ouais c'est qu'en gros elle s'en bat les reins. Ah oui t'as raison c'est vrai que quand t'es intéressé t'es un peu curieux t'as envie de savoir voilà où exactement t'as fait, ouais, non mais c'est vrai ouais, sinon tu t'en bats les reins. Moi il m'arrive de parler avec des filles parfois tu vois et elles me répondent pas par le fameux et toi donc là je vois tout de suite que tu vois elles sont pas du tout intéressées c'est mal barré et là tu te dis ouais je passe à une autre ouais mais non je suis pas ouais je suis d'accord avec toi mais des fois moi par exemple ça m'arrive quand quelqu'un m'envoie un message je réponds et toi juste par politesse tu vois ce que je veux dire alors qu'en fait je m'en bats les couilles ouais mais voilà. si elle te met pas le et toi ça veut vraiment dire qu'elle en a rien à foutre ouais voilà, mais peut-être ça. Qu'elle en a rien à foutre aussi hein. Du foul. Oui. Toi, on parlait sur Snap, elle m'a dit quoi, c'est quoi ton style de fille, tout ça, non. Tu vois, j'ai fait, moi, j'ai pas style, du monde, tu rigoles, tout ça, tu vois, du skate, tu vois. Après, à un moment, tu vois, on était au sport, tout ça, tu vois, je fumais, après, je lui dis quoi, toi, tu fumes? Elle me fait, non, je fume pas, et toi? J'ai fait, non, c'est juste des fois, tu vois. Hein? Après, je fais quoi, de toute façon, j'aime pas les gars qui fument. Après, j'ai fait, bon, tant mieux, après, il va falloir un clin d'œil, tu vois. Et puis, chauffe, mais je sais pas, gros. Ah, si, ouais, c'est quand même une approche, ça, qu'elle t'a fait, ouais. Et là, sur ta petite tirade, t'as fait 7 tu vois. 7 tu vois, pas mal, pour une fois. Voilà. Pas mal, Ricardo. Ouais, pas mal. Bon, Ricardo, moi, je change d'avis, finalement, je dis, faut y aller, faut attaquer avec la Moi, je dis, faut essayer aussi. Alors, qu'est-ce que Ouais, après, il a rien à perdre, dans le sens où il a rien à perdre. D'accord, Faris, là-dessus. Non, voilà, bah, franchement, là, comment il m'a expliqué les trucs, là, ouais, franchement, faut, voilà. De toute façon, il a rien à perdre, dans tous les cas, il a rien à perdre. T'as pas changé d'avis, Romano, t'es toujours non, toi. Ah, non, c'est toujours non. Marie, toujours non aussi. Mets ton micro, Marie, sinon, t'entends pas de la radio, sur micro. C'est toujours non. Autrement, faut prendre un porte-voix, mais ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas Faris dans le 93, bon c'est... tu peux peut-être nous entendre, mais bon si vous êtes un petit peu plus loin, ouais, ça va être galère. Ouais. Les résultats du sondage express, d'après vous, c'est quoi? Lâcher la meuf ou aller la voir? Lâcher la meuf, 65%. Voilà. Ah bah tu vois. Oui. Ah ouais. Et ouais, et 35, enfin après tu fais ce que tu veux Ricardo. Hein. Ah bah quand même, moi, j'avoue, mais bon. Et 35 pour aller la voir. Ah bah voilà. Le verdict est tombé. Voilà. Ah bah, mais... Ouais, je veux pas lui parler, non. Non mais moi je vois. je pense comme Faris en fait. Qu'est-ce que t'as à perdre, tu t'en fous. Mais oui, tente, vas-y. Voilà, faut qu'il fonce. Fonce dans le mur, ouais. Oui. Je vais. Là, ça tu vas dans le mur, oui, là tu vas. Non mais tu nous raconteras, Ricardo. À plein régime. En tout cas, t'es marrant comme tu parles. C'est marrant, mais c'est pas facile tous les jours. Ouais, bah ouais. Non, je sais. Mais enlève 2-3 t'as vu et puis tu non, vois. Non, franchement, si je peux lui donner un conseil pour le et toi, enfin les t'as vu, etc. C'est qu'il faut qu'il fasse un travail sur lui-même, parce que même dans sa vie future, pour trouver du boulot, pour plein de choses, voilà. C'est clair, si t'es vendeur, ouais. Par exemple, Ricardo, tu vends un truc, t'arrêtes pas, t'as vu, tu vois Big Mac, ok, t'as tu vu. Vois t'as quoi vu tu vois quoi la jupe. Bon ben cool, en tout cas, merci Faris du coup de fil, hein, c'est pas de me rappeler. On t'envoie le t-shirt Skyrock, Faris. Avec plaisir. Et aussi pour toi, Ricardo, même chose. Merci. On vous envoie ça à la maison. Et Ricardo, on prend des nouvelles. Tu me dis au courant par rapport à la meuf si tu vas. Ouais, du coup, de toute façon, tu te décales, vite fait. Vas-y. Merci. Alors, dédicace à Ivesse de 93, Belka, Arfon PDA, Romuald, tout ça, la famille. Et la beauté, tu vois ou pas? Non, là, il nous a fait. Ah, tu vois ou pas? Là, j'allais dire, tu nous as fait les dédicaces sans t'as vu, tu vois ou pas? Ciao Ricardo. Ciao mec. Allez, merci. Et salut Faris, merci à tous les salut. Deux. Salut. Allez, on fait tourner la roulette, c'est l'heure. Ah bah oui, faut y aller là. Oui. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à 10h. Eh oui, à 10h. Vous gagnez 10h, le premium plus de 10h. C'est-à-dire, il y a tout dessus. Vous avez tous les sons de 10h et ça en fait des millions. Ah ouais, des années ouais. de sons à écouter. Nathan, en direct du 74. Salut Nathan. Salut. Salut Nathan. T'as 16 ans, toi, Nathan. Oui. Ça te fait quoi dans la vie? T'es au BU, j'imagine, à 16 ans. Ouais. Eh ben écoute, bon courage, tu te lèves à quelle heure demain? À 8h. Très bien, le morning, attention. Et voilà, direct. Demain matin, nous on va se réveiller à 6h nous, demain. T'as pas trop à Marie. Je me réveillerai aussi à moitié pour écouter. C'est bien, on va te sortir du lit, tu vas voir. Nathan, c'est parti pour la roulette, on fait tourner. Et on fait tourner pour gagner donc l'abonnement à Deezer. Et Skyrock est sur Deezer, c'est pour ça qu'on vous file tout ça. Ouais. Et un grand merci pour toutes les chambres, on a l'impression d'être rentré chez vous ce soir. Et j'ai vu un paquet de photos de chambres avec des sopalins, là. C'est les chambres de garçons, je Ouais, par terre, ouais. Ça a dû se branler la nouille. C'est possible. Allez, Nathan, quand tu veux, tu dis stop. Bien. Alors, Nathan, avant d'aller dormir, est-ce que tu vas repartir? Oui, tu termines bien la journée. Ah. Tu repars avec 10 heures, un an d'abonnement à 10 heures pour toi, Nathan. Ah, merci, c'est trop cool. Eh ben, écoute, c'est pour toi, donc tu vas pouvoir en profiter, tu pourras même écouter Skyrock sur 10 heures. Bah ouais, tant qu'à faire. Bah ouais. Ben, merci, ben ouais. Eh ben ouais. Eh ben, profite bien. Salut Nathan, merci. Bonne nuit. Ciao. Merci. Et à demain matin. Eh ben, à demain matin d'ailleurs. On va nous demain matin dans le morning. Eh ben, à 6h, on sera là. Je suis pas sûr que Cédric sera là demain matin à 6h. On va voir. Bon, merci pour cette belle soirée. On a bien démarré la semaine. Ce soir, bah, écoutez, Romano a gagné son clash, mais Cédric était là. Donc, il y en a eu pour les deux teams. Exact. La Marie était belle et sensuelle. Tu as vu les photos qu'on a reçues? Laquelle? Bah, il y avait des mecs. J'ai vu plein de chambres. Laquelle? Oui, mais avant les chambres. Il y avait des queues, Marie. T'as pas vu les queues avec le sopalin? Ah, merci. Non, j'ai pas vu. Marie, spécial dédicace. Oh, putain. Bon, Samy, on n'a pas eu le temps de parler du PSG ce soir, Karim non Quel plus. Quel dommage, parce que heureusement. Mais pourquoi heureusement? Non, mais les gars, là, vous m'auriez cassé les couilles. Mais non, mais demain, Paris, vous jouez, non, en plus, demain soir? Si, demain, Ludogorets, en Ligue des Champions. Ouais, ben vous allez perdre. C'est ce que j'allais vous dire. On aura l'occasion d'en reparler demain soir, c'est demain le match. Demain. Ouais, Ben Arfa, il y est pas encore. Si. Non, il est pas gros. Et là, pour, parce que ça commence à faire. Et Serge Aurier, il sera. Serge Aurier, il y est, ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, comme il a fait appel, Serge Aurier, il a pris 2 ans, hein. Ouais. Non, deux mois. J'ai dit quoi? Deux ans. Ah ouais, le pauvre. Non, ouais. C'est deux mois. Ah, merci. Non, mais 2 mois à faire, mais vu qu'il a fait appel, la peine est suspensive. Ouais. Et du coup, il est toujours présumé innocent, donc. Donc il peut jouer demain. Ouais, demain, il est en groupe avec le PSG. Et Ben Arfa, il y est pas, mais par contre, comme ça faisait un peu gros qu'il soit écarté tout le temps, là, ils ont dit, non, mais de toute façon, on voulait le prendre, mais manque de peau, il est blessé, donc on peut pas le rendre. Ben Arfa, out. Genre, il est blessé. Sans jouer, il s'est blessé. Donc demain, le match du PSG à suivre. Ouais. J'espère que vous allez en gagner, hein. Quand même. Bah ouais, ce serait bien quand même. Hein. Bon, allez, demain soir, Radio Libre, dès 21h, on vous retrouve en direct et puis on fera un double appel, on n'a pas eu le temps ce soir. Ouais. Demain soir. On en fera un beau. Ouais, beau. Enfin, on essaiera. Hein. Oui. Avec vous tous, dès 21h aussi. Et Prisca qui arrive tout de suite, Urban Music Non-Stop sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Et c'est parti avec. Avec 21 Pilots. Ça, c'est bien aussi, c'est Ride. Allez, c'est Ride, 21 Pilots. On vous souhaite une bonne nuit. Profitez bien du son de Sky, profitez bien de Prisca. Et à demain matin, 6h pour le morning et demain soir pour la Radio Libre. Ciao. Ciao. Salut. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Default t'offre les cadeaux qui déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7. Romano prend tous les risques. Et mon point, c'est ta gueule, je veux t'arriver de la thune, moi. Ah non, la thune, c'est Skyrock qui la donne. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. C'est gagné. 6h-9h, réveille-toi avec le morning de Default sur Skyrock. Une seule radio t'offre 1 500 € toutes les demi-heures. Ah bah c'est Skyrock. C'est Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm boring. So I'm taking my time on my ride. Oh, I'm boring. So I'm taking my time on my ride. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight. That when people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm boring. So taking my time on my ride. Oh, I'm boring, so I'm taking my time. time on my ride. Les 21 Pilots à l'instant sur Skyrock, on vient d'écouter Ride juste avant d'attaquer l'émission ensemble. Samy a quelque chose à dire, apparemment il y a eu un souci footballistique. Non mais attends, Prisca a promis sur le foot, bon même si c'est Paris, voilà les gars, je m'excuse les Parisiens, vous jouez pas demain, vous jouez mercredi. Bravo. Non, parce que je me fais traiter sur les le messages. Là tout de suite j'ai un doute. Non mais je te jure, non mais voilà, bon mercredi, PSG, Ludogorets, PSG, voilà, suivre dans l'émission. Demain c'est Lyon. Ouais, les Lyon et les Monégasques qui jouent demain aussi. Et Monaco. C'est FC Séville Lyon et Monaco Bayern Leverkusen. Et voilà, c'était un petit flash. Sûr, parce que moi je peux pas te. Non, je peux pas te contrer. Hein. Mais en même temps, j'ai dit demain, mais vu qu'il est minuit 17, demain c'est mercredi, les gars. Donc je me suis pas trop trompé en fait. Hein. C'est Marseillais de mauvaise foi tout le temps. Hein. Les gars, ouais. C'est à moitié trompé quoi. Pour dire la vérité, tant que c'est pas l'OM qui joue, bon, on s'en fout un peu. T'inquiète, la Champions League, c'est pas pour vous, l'OM. Ouais, tranquille, encore quelques années. Ouais, quelques années, tranquille. Bon, bonne nuit tout le monde. Bon, bonne nuit à demain. Et allez, l'OM. Hein. Ouais, allez, Prisca. Bon, allez, nous c'est parti. On a 10 soins à faire sur Urban Music Non-Stop. Contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon début de semaine à tous. Pour la suite du son, on y retourne direct. C'est Shai et la Belgique avec PMW. Et puis Mac Lemore juste après sur Skyrock. Hey, hey, c'est ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient, ils veulent engranger. K.O. de peu m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue ici, c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Crever le monde entier. Torchon dans la tête, ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à deux trois heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money, weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous. Sensé. Mais qui a tort, sûrement pas nous. On essaye tout, tu vis sans tenter. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Puis c'est money, weed et un tas de blame pro. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money, weed et un tas de blame pro. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut.